Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours. Oui, oui, si, si. Non mais dis pas non. J'ai rien dit. C'est vrai. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Un numéro un peu particulier. Particulier en ça, car c'est un peu un hors-série quelque part. Alors c'est où t'es là déjà, Adrien ? Mon premier, oui. C'est ton premier hors-série, après des années de hors-série sans toi, sur Marvel, sur Star Wars, dont tu te branles un peu, faut le dire aussi. Un peu, bah, oui, un oui, peu. Non, oui, c'est vrai. Mais là, d'ailleurs, dans Humeurs humoristiques, où tu dis, oui, Adrien, il voudrait venir et tout, alors que... J'ai dit ça ? Oui. Ah mais j'ai du mal à m'exprimer. L'idée, non, mais justement, alors c'est rigolo, parce que c'est un peu aussi l'introduction de cet épisode. Tu voudrais venir, peut-être je voulais dire, dans un épisode qui te parlerait, et en l'occurrence, cette année, enfin ouais. Aujourd'hui, c'est un épisode qui te parle en ça, encore une fois. Absolument. Puisqu'on va faire un spécial comédie française. Alors pas... Je savais pas que c'était ça, je suis déçu. On parle pas de Guillaume Gallienne, de Pierre Ninet, etc. Non, l'idée c'est de parler de la comédie en France, dans l'histoire de la comédie. Et pour ce faire, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés... Ils ont fait de la très bonne comédie aussi. Ça. C'est vrai, exactement. Nous sommes accompagnés d'une youtubeuse et chroniqueuse chez le Stream pour Allociné. Elle est venue nous parler de Batman déjà dans le Floodcast, de Doctor Strange et de Luke Skywalker. Bref, des pauvres types comparés à Jeff Tuch, Brice Denis ou Patrick Chirac. C'est Vesper. Ouais. Ouais. Merci, je suis ravie de revenir effectivement après ces petits hors-séries. Je crois que le dernier c'était Batman, ouais. C'est ça, 4h22 à peu près en termes de durée, c'est vous dire. Ils sont journalistes et créateurs de la chaîne YouTube Calmos. Ils ont également un podcast dans lequel ils documentent l'écriture d'une comédie française inventée par leurs soins. Ça s'appelle d'ailleurs le syndrome de Chambord, dispo sur toutes les applis de podcast. Lequel est Jacouille, lequel est Godefroy, lequel est Perrin, lequel est Campana. C'est Hugo Alexandre et David Honora. Oui. Bravo. Bonjour, merci. Bonjour. Pour l'invitation. Bah, ça fait plaisir. C'est moi Jacouille, je pense. Avec sa cuisine au beurre, Black Blanc Beurre, son style fait peur comme ta sœur. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. Tous attendent l'album d'Adrien Méniel. Merci, je l'ai là, c'est toi. Ah, tu l'as. C'est Alphonse Brown, le Frunk, bien le sûr. Le Frunk, comédie française. C'est dans le thème. C'est dans le thème. Donc, dans cet épisode, l'idée c'est donc de célébrer la comédie en France. Tu es en train de t'étouffer, Adrien. Non, elle était dégueulasse. J'ai mangé une olive qui était dégueulasse. Mais oh non. En bon pro, j'avais. Fait aucun bruit. Mais j'ai cru que t'étais en train de faire une crise cardiaque. Tout non, j'ai quand paniqué. Même, quand même pas. Donc, l'idée dans cet épisode, c'est de célébrer la comédie en France. Donc, on fait pas cet épisode en qualité d'expert, mais en amoureux de ce cinéma. On n'est pas là pour défoncer des films ou se payer tel ou tel acteur, juste de parler de films cultes qu'on aime, mais aussi peut-être de longs métrages, peut-être un peu moins connus, mais qu'on a envie de partager avec les auditeurs. Évidemment, on va pas parler de tout, sinon ça durerait 15 heures. Donc, il y a sûrement un film que vous adorez dont on parlera pas, mais franchement, on fera au mieux. C'est un gros morceau cet épisode, donc on va commencer sans plus s'attendre. Alors, à l'instar de David, qui a créé le livre Movieland, voilà, où tu créais des routes entre les films, moi j'ai un peu établi une sorte d'arbre généalogique du cinéma avec plusieurs familles. La grande famille, c'est la grande famille du Cinoche. Des cousins, on va remonter petit à petit vers les ancêtres. Alors c'est des mini-familles dans la grande famille de la comédie. Par exemple, pour vous donner un exemple, on va pas en parler, mais pour vous donner un peu un exemple, on pourrait parler de la famille les comédies de Journal Internet, dans laquelle on pourrait citer les Kaira de Gaston Bide, les gamins d'Anthony Marciano, la folle histoire de Max et Léon de Jonathan Barré, ou plus récemment les Secpa ou les Deguin. Il y a aussi la famille des comédies de gens de scène, puisqu'on pourrait parler de Camping, qui a été adapté d'un sketch de Dubosc, Bienvenue chez les Ch'tis, qui reprenait les sketchs de Danny Boone sur le Nord et sur la Poste. Mais voilà, on va pas parler de tout ça. Pour commencer, je voulais parler des comédies des gens qui viennent de la télé. Puisqu'il y en a eu beaucoup, ça a été une grande mode récente. Et pour ouvrir le bal, alors c'est un film qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup cité par les auditeurs. J'ai fait un petit tweet pour parler un peu avec les gens qui écoutent le Floodcast. Floodcast Pod. Comment ça s'appelle le Floodcast Pod. Floodcast Pod sur Twitter. On est calé de ouf sur nos réseaux sociaux. Et alors le film qui revient beaucoup, et j'en ai été surpris, c'est Fatal. De Michael Youn, qui est aussi dans ton top. Qui est dans mon top, que j'ai revu il y a une semaine. Ah. J'adore Fatal. Alors c'est un film écrit et réalisé par Michael Youn. Je crois qu'il l'a pas écrit tout seul. Toi tu l'as découvert comment ce film Vesper? Oula, quand il est sorti au cinéma, ouais, tu t'aimes ouais, au cinéma. Ouais, pour le coup, et c'est, enfin, C'est vraiment Zoolander. Je crois que j'ai même découvert Zoolander après Fatal, c'est dire. Ah bah oui. Je l'ai fait dans le. Je l'ai pas fait dans le bon ordre. Ça ressemble vachement à Fatal. Ah, il a tout copié, il a tout piqué à Michael Youn, c'est incroyable. Après, je fais partie de la génération où Fatal Bazooka, j'écoutais vraiment ça au premier degré. Je trouvais ça vraiment cool en fait. Mais c'est vraiment bien. L'album Fatal, l'album Fatal Bazooka, coécrit par Gérard Bass d'ailleurs, un ami de la maison. Les prods étaient vraiment taffés de fou. C'était vraiment cool. Et je me rappelle d'une interview récente justement de Michael Youn qui disait qu'il referait pas ça maintenant parce qu'il suit plus en fait ce qui se fait en matière de musique et que du coup il se sentirait pas à l'aise et pertinent pour critiquer entre guillemets, parodier un truc qu'il connaît plus. Donc c'est vrai qu'à l'époque ça tenait assez bien, l'acmé de la parodie de Diams. Bien sûr, on se souvient. Mais c'est d'ailleurs un film très avec beaucoup de gags. Tout le monde l'a vu autour de la table ou pas? Il y a longtemps. Ouais, c'est un film que vous aimez vous aussi? Moi, j'adore l'aspect parodique, justement, notamment la partie Music Awards de la musique, avec tout le défilé des gens, justement, de l'époque. Il y avait un pseudo Renan Luce, il y a les enfoirés qui deviennent les enculés, etc. Oui. Pédophile d'ici. Pédophile là-bas. Et moi, je trouve cette partie vraiment très réussie parce que c'est ce qu'il sait faire. En revanche, toute la partie élaboration d'une intrigue et tout, il y a toute une partie, il y a la montagne où il retourne chez sa mère, où je trouve que c'est beaucoup moins réussi. Et qui était d'ailleurs un peu la même que dans Zoolander, où Zoolander retournait à la mine chez son père. Ouais, alors que pourtant dans Zoolander, ça c'est vraiment très très drôle. Et je trouvais que toute cette partie-là dans Fatal, c'était un peu moins réussi. Donc c'est aussi le symptôme des gens qui font quelque chose de très drôle à la télé et qui essaient de le transposer en film et c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il y a à la télé quoi. Bah alors moi c'est ma question parce que j'ai l'impression que c'est aussi le problème. Moi j'adore Fatal aussi, c'est un film que je trouve très très très drôle, mais il y a aussi ce truc où j'ai l'impression d'être très généreux en gag et c'est toujours un peu difficile les films très généreux en gag. J'ai l'impression que du coup ça s'essouffle quand justement ça essaie de mettre l'intrigue. Et en Fatal, moi je me souviens même sur Allociné, ils avaient mis les 5 premières minutes au moment de la sortie du film, qui est donc la parodie de Exclusif à l'époque, j'imagine, enfin avec Rim Kirissi. Il y a beaucoup de gags, mais genre vraiment il y en a une par seconde presque. Et je trouve que le début du film, c'est vraiment ça. La première demi-heure, il y a beaucoup de gags. Et effectivement, après, ça se calme un peu. Est-ce que ça souffre pas de ça aussi un petit peu? J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des films un peu comme ça. Bah ça fonctionne bien quand ton ratio bon gag, mauvais gag est bon, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'au début du film, c'est quand même assez efficace. Et donc, toutes les parties parodiques, c'est efficace. Et il y a des moments de ventre mou, pour le coup, il y en a pas une dedans, quoi. Et donc, du coup, tu te dis. Bon, c'est mou. Ouais, après, Stéphane Rousseau, il donne tout dedans, je trouve vraiment. Je trouve vraiment incroyable. Et ça fait partie des belles choses. Ouais, il est en Chris Cross. Et la pub Canapi. Ah ben, bah, ouais. Le moment c'est... culte. Et Stéphane Rousseau, Stéphane Rousseau, qu'on a pourtant pas tant vu dans des comédies en France, alors qu'il est effectivement très drôle et qu'il a en plus un timing. Je pense que c'est le côté canadien, un timing vraiment américain, quoi. Ouais. Enfin, je trouve qu'il a un truc. Bah, il est dans Astérix aux Jeux Olympiques, ce qui est. Ah oui, c'est vrai. Mais il faisait beaucoup de spectacles à l'époque. Ouais. Enfin, c'était vraiment sa période où il faisait une parodie de Latino. Oui, c'est ça. Voilà. Avec Dubos, il faisait beaucoup de trucs avec Dubos. Il était très présent à la télé, en fait. Il était dans le paysage comique français. On le voyait beaucoup. Mais il réagit beaucoup parce que la dernière fois que j'avais revu Fatal, j'avais fait une petite story Insta, je l'avais tagué, il m'avait répondu. J'étais là, bon bah voilà, c'est qu'il vit bien là. Bah ouais, il vit bien Fatal, il a c'est très culte Fatal. D'ailleurs, Fatal, alors Michael Youn en parle comme ça, il dit que c'est un film très personnel. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a ce côté-là dans le film où. Parce que Michael Youn, au moment de Fatal, il a déjà fait une grosse carrière au ciné et même une mini traversée du désert, puisqu'il a déjà fait Is No Good, il a déjà fait 2-3 films qui n'ont pas spécialement marché. Et il était beaucoup à la télé où il s'était un peu. Il avait pété quelques câbles à la télé chez Fogiel ou des trucs comme ça. Il en parle d'ailleurs en interview et il explique que. Fatal, c'est un peu aussi. Il parle de lui, quoi, tu vois, de la difficulté à rester sincère en face des caméras et du public. C'est un film très personnel à ce niveau-là, dit-il. L'idée, c'était de faire un film sur le personnage de Fatal. Et il a commencé à réfléchir à cette histoire, évoquant une sorte d'archétype de la réussite brusquement traînée dans la boue. Il aurait pu être footballeur ou joueur de tennis. Et puis j'ai pensé à Fatal que nous avions créé au Morning Live. J'ai imaginé qu'il connaissait un succès énorme, qu'il était devenu une star accro au succès et qu'il allait morfler. C'est en ça que c'est un film très personnel, dit-il. Je pense que c'est ça qui marche aussi, je pense. Je trouve qu'il y a un truc un peu qui marche bien à ce niveau-là Non, ça vous a pas touché. Oui, et c'est peut-être aussi son premier film, je pense. Et donc du coup, il a mis tout ce qu'il avait dedans. Et je pense que ce qu'il a fait après, c'est moins efficace. Je pense notamment à Vive la France, ouais. où il a voulu faire une sorte de Borat français niveau. Et Four Lions aussi un peu. Il y avait un petit côté. Oui. Et ouais, c'était peut-être moins sincère et ça a peut-être du coup moins marché auprès du public. Mais comme tu dis, enfin, les gens se rendent pas compte, mais aussi Foot à cagoule, etc. C'était complètement culte à l'époque et c'est peut-être ça aussi de surfer sur ce truc-là. Toi, tu l'as vu il y a longtemps, Adrien. Ouais, là, je vais pas avoir grand-chose à dire. Je l'ai vu il y a vraiment très longtemps, quoi. Mais alors, dans le côté personnage transposé, je vais aller tout doucement vers Jean Dujardin, puisque lui, ouais. quelques années avant, il avait fait OSS 117 et Brise de Nice. Alors, j'aimerais qu'on commence par OSS 117, juste pour remettre un peu en place. Les producteurs disaient qu'à l'époque, les gens s'attendaient à un Austin Powers avec le gars d'un gars et une fille. Et c'est les producteurs qui ont décidé de rassurer les ayants droit des OSS 117. Je sais plus l'auteur. Qui a écrit OSS 117? C'est Jean Bruce. Jean Bruce. Les producteurs, les ayants droit de Bruce Willis. Les producteurs ont dit que ce serait plus proche du Magnifique de Philippe de Broca que d'Austin Powers. Pour le producteur, l'idée était de mélanger l'atmosphère des classiques de l'époque avec l'humour du magazine Pilote, celui de Marcel Gottlieb de Goscinny. OSS 117, pareil, c'est un des films qui est beaucoup revenu chez les auditeurs quand on parlait de comédie culte française. Est-ce que vous, c'est un film, David, toi par exemple? Ouais, bah clairement. Enfin, en tout cas, moi, pour les deux premiers épisodes, c'est en fait à la fois il y a des répliques cultes, c'est aussi une approche de la comédie en fait qui changeait un peu le genre et qui à l'époque bouleversait un peu les trucs établis dans la comédie française. Il y a aussi une prestation d'acteur qui est vraiment incroyable, enfin ouais, vraiment sans ouais. Dujardin, il y a pas le personnage, quoi. Et c'est un film qui est intéressant quand même sur la manière dont il est reçu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de spectateurs. Il y a ceux qui vont se braquer tout de suite en disant, pas chercher en fait à quel degré se positionner vis-à-vis de la comédie. Il y a les spectateurs qui se posent la question en fait, est-ce que je peux rire de ce que je viens de voir, de ce que je viens d'entendre. Il y a ceux qui on l'a vu parce qu'on a fait aussi une vidéo sur OSS 117. On conseille toute la chaîne rigolo. Ouais, ouais. Et en fait, on a essayé de décrypter le second degré. Et en fait, on a beaucoup de gens dans les commentaires qui nous disent, mais non, mais c'est pour moi c'est premier degré. Ils défendent la France. Il y a un truc et qu'ils aiment pas qu'on dise que ce que ça représente et que c'est du second degré et tout. Ouais. Donc il y a c'est un De Gaulle. C'est voilà. Non, c'est un personnage qui est difficile à appréhender et je trouve ça même intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec Macron. Et le fait de revoir, fou, parce que t'as l'impression parfois, tu dis putain, il se fout de notre gueule, il se prend pour SS-117. Tout, enfin, et ouais, toute l'ambiguïté de ce personnage, je trouve, est hyper intéressante à observer, quoi. Sachant que c'est aussi un. Alors, effectivement, on va surtout parler des deux premiers, parce que le 3 vient de sortir, donc on n'a pas vraiment de recul. Ouais. Mais sur les deux premiers, c'est aussi vraiment des films de réalisateurs. Parce que moi, j'ai revu le Kern. Donc le deuxième, Rio ne répond plus. Et je me souvenais qu'il était beaucoup plus vénère que le premier sur effectivement le côté. Beauf et de droite du personnage, mais il y a quand même énormément de gags visuels. Ouais. Il y a par exemple un gag très drôle où il y a un gros plan sur un téléphone et il y a Dujardin qui est au fond, donc tu crois qu'il va aller répondre et en fait il répond à un autre téléphone qui est caché derrière, donc il va pas du tout dans celui du premier plan. Et ça, je trouve que c'était des idées de réal, il y en a partout, quoi, dans le film. Même le truc des poules, il y a beaucoup en fait d'humour mélangé, je trouve, dans OSS 117. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal l'esprit canal aussi, c'est de mélanger plein d'influences vraiment très diverses. Et il y a notamment ça dans La Cité de la Peur, ouais, où vraiment c'est très inspiré de. C'est très référencé. Ouais, c'est très référencé. Mais du cinéma américain comme du cinéma français. Et Zanavicius, il mélange vraiment les deux, le cinéma américain, le cinéma français. Et puis il y a toute cette couche de cinéphilie, de passion pour les James Bond et tout. Et il essaie vraiment de les reproduire. À l'identique. Et il est très cultivé. Enfin, sur le cinéma, un fou de cinéma. Et ça se sent que c'est des films faits par des cinéphiles. Et c'est aussi le cas de La Cité de la Peur, en fait, qui est peut-être un peu plus potache. Mais t'as des références à Basic Instinct, t'as des films qui ont rien à voir avec La Cité de la Peur, en fait. Ouais. Je pense que c'est la richesse du film aussi qui ajoute au culte de ce personnage. Je répète aussi que Jean Dujardin est exceptionnel dans ce film. Ouais. Et en fait. À chaque fois que je vois Jean Dujardin, maintenant je vois OSS 117 derrière. Son personnage est devenu plus fort que lui, quoi. Mais les gens, je sais pas si les gens se souviennent, mais ce qui est assez fou, c'est que Brise de Nice et OSS 117 sont en plus sortis quasiment simultanément. C'est-à-dire qu'à quelques mois d'affilée, les deux sont des films mandarins. L'idée, c'était vraiment, enfin, Dujardin est vraiment arrivé avec deux films très différents en plus où il était le héros. Et tout ça s'est fait en un an, quoi, un truc comme ça. Toi, tu les OSS, tu. Ouais, mais en fait, je rejoins vachement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que il y avait un peu un côté surprenant dans la façon d'aborder l'humour, un truc auquel on n'était pas habitué en France, en fait, un truc. Enfin, il y avait eu La Cité de la Peur ou qui déjà avait fait ça. Je répète vraiment exactement ce que vous dites, hein, mais bon, désolé, c'était très pertinent et j'ai pas de tellement plus, mais. Non mais ouais, il me reste surtout ça, je suis pas tellement je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est plein de répliques cultes qui ressortent et tout. Ouais. Moi je saurais pas les ressortir là, mais c'est plus justement cette impression de surprise de ah ouais putain, c'est nouveau et puis on peut faire ça en France aussi, il y avait vraiment un truc une espèce de d'espoir, oserais-je dire. Mais tu l'oses, dire. Tu l'oses et t'as pas honte de l'oser, et ça qui vient. Mais ça gagne à être vu, je te conseille de les revoir, non, parce qu'en fait, tu te rends compte de nouveaux gags à chaque fois, parce qu'il y a plein de petits gags un petit peu cachés un peu partout, et ça, c'est vraiment un truc qu'il y a aussi dans La Cité de la Peur. Et, et notamment, coup, je l'ai vu 20 fois. Ouais, et voilà, nous, pour préparer la vidéo, on a revu le film beaucoup de fois, et à chaque fois, on découvrait de nouveaux gags, et notamment en voyant la version commentée, il y a des gags où il explique que personne n'a jamais capté ces trucs. Il y a notamment un moment où il y a un plan sur Paris, sur la tour Eiffel et tout, et au bout de 10 secondes tu vois écrit Paris-France. Ouais, Et en fait personne n'a jamais ri à cette blague, et en fait tout un tas de trucs qu'on découvre comme ça. Il disait même plus précisément que les publics français riaient pas beaucoup à cette blague, mais que quand il a montré le film à l'étranger, aux États-Unis par exemple, les gens riaient à la blague. Et il y a cette blague dans Team America aussi, où ils refont un peu la même chose, où tu vois Paris avec la grosse tour Eiffel et des mimes et des machins, il y a écrit Paris, France. Non, alors je confonds avec un autre gag où effectivement personne n'avait ri, c'est qu'à un moment il dit Jack est en Jordanie, et en fait personne n'a jamais capté le gag du fait de dire Jordanie comme Jack. Et là peut-être que vous l'avez pas capté. Ah oui, okay, si, d'accord. Ah oui. Voilà, bon, pas mal. Oui, alors je reviens juste ce que tu disais, parce que tu dis que c'est. On retrouve un peu de l'humour de Canal Plus, mais parce qu'effectivement, pour les gens qui ne savent pas, Azanavicius, il a commencé à Canal+, c'était un auteur pour les nuls, entre autres. Il a fait aussi Le Grand Détournement, Derrick vs Superman, qui sont des films en gros où il redouble. On va peut-être en parler d'ailleurs c'est un peu. C'est lui le peu générique de Les Nuls l'émission. C'est lui qui a le blouson de Les Nuls l'émission. Et Jean-François Alain, lui, il écrivait pour Nulle part ailleurs et pour Groland en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pour Groland et pour Les Guignols de l'info au moment de la plus grande période la plus grande. En tout cas, souvent considérée par les gens. L'âge d'or pour les gens avec Gassio et Delépine. Toi, Vesper, tu m'as envoyé. En fait, vous avez chacun demandé un petit top de vos comédies. Et moi, ce qui m'a amusé, c'est que tu as mis le 2 avant le 1. Ouais, je préfère le 2. Alors, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? J'aime beaucoup. J'adore le 1. Enfin, de toute façon, c'est classé 2, 10 sur 10. Il y a un 10,5 sur 10 et un 10 sur 10. Hein, ouais. Mais en fait, le premier, je retiens plus les répliques un peu bêtes. Enfin, les j'aime qu'on m'enduit d'huile. Ouais. Et le 2, en fait, ce qui me fait vraiment beaucoup plus rire, c'est les blagues politiques, façon de parler, mais la réflexion sur le personnage sur... qui devient un regard total. La réflexion sur De Gaulle, ce genre de truc. Vraiment, quand j'étais au cinéma et que celle-ci est sortie, j'étais là, putain, mais c'est vraiment un génie. Et cette réplique-là m'avait tellement marqué, et c'était plus vraiment un. Bah, pareil, enfin les blagues, toutes les blagues justement sur le fait qu'on lui renvoie le fait qu'il est antisémite, ce genre de choses, et c'est des blagues qui peuvent être quand même assez touchy à faire, et elles sont faites de manière intelligente parce que du coup justement on renvoie à son personnage sa propre bêtise et tous ses défauts, on lui renvoie au visage, et c'est bien fait. Et quand à la fin je vais pas vous refaire tout le film, mais quand il y a la fin, les blagues juives, c'est quand c'est pas drôle, que ça parle pas de saucisse, enfin c'est vraiment là que la gueule du jardin est indispensable. En fait, il a des reaction shots qui sont incroyables, quoi, où tu vois, il joue le petit malaise et il a le petit frémissement de lèvres qui fait passer le truc. Azanavicius le comparait souvent à Chirac jeune. Il disait ce truc de dire des trucs complètement énormes avec un petit sourire de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait. Donc on parlait de OSS 117. Il y a aussi Brice de Nice qui a été aussi donc l'autre personnage dans un truc beaucoup plus potache, même peut-être plus pour les enfants. T'en parlais d'ailleurs dans un podcast précédent, mais on peut en reparler parce que tu as été animateur de centre de loisirs. Et Et alors, je pense que les enfants que t'avais étaient un peu plus jeunes que moi lorsque j'ai découvert Bruce Willis. Je crois que c'est plus jeune que moi, oui. Non, c'est plus jeune que... J'étais précoce, mais quand même. Bah, t'es un zèbre, donc pour moi. Voilà. Mais déjà, moi qui étais un peu plus vieux, je t'ai cassé, etc., etc. C'était quand même très présent au collège. Donc toi, et tu disais que t'en avais eu beaucoup aussi. Ouais, moi j'étais. Alors, c'est d'ailleurs mon seul lien avec Bruce Willis, parce que moi j'ai vu aucun Bruce Willis. Donc, Il y en a eu que deux, cela dit. Ouais. Il y en a eu que oh, deux. Ouais, mais j'en ai vu aucun. Moi j'ai la même expérience, c'est-à-dire que j'ai été dégoûté par les fans de Bruce Willis. Ah, et oui, du coup, j'ai pas vu les films en fait. Enfin, ils m'ont saoulé avec les répliques. Mais et pareil, faisais le geste, tu t'es cassé. C'est pas un truc qui t'a plu. Ouais, mais en plus. Ah, t'as toujours pas vu Bruce Willis? Non. Ah, c'est rigolo. Moi non plus, ouais, pareil. On a le même âge, de toute façon, je crois. Mais du coup, c'était l'enfer. Enfin, on n'avait pas le choix. Ouais, on le jeté cassé, c'était au cursus. C'était vraiment. Mais nous, on avait des profs qui le faisaient au collège. Cool. Ouais, ouais. Oh. C'est les mêmes qui ensuite ont dabé. Et vraiment, le jeté cassé, c'est resté ad nauseam. Il y avait énormément de merchandising. C'est-à-dire qu'il y avait le brisque burger de Quick qui peut-être reviendra vu qu'on a eu le Koe Burger. On espère maintenant. Il y avait eu un jouet Brice de Nice où quand t'appuies sur le dos, il casse. Ouais, et avec une planche de surf avec les répliques du film, etc., etc. C'était assez fat à l'époque. Toi, tu l'as vu Brice de Nice, Hugo? Oui, je l'ai vu. Mais je pense que je l'ai. Enfin, je l'ai pas vu à sa sortie. Je l'ai vu plus tard pour ma culture personnelle, pour me renseigner, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que c'était peut-être un peu trop tard. Et du coup, moi, je suis pas allé jusqu'au dos, mais. Mais enfin, c'est un le 3 du coup. Ouais. Ils ont cassé le 2. Il a cassé le 2. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui. Brice de Nice, moi. Alors, parce que moi j'ai eu la chance de réaliser des promos pour le 3, du coup, donc la suite du 1. Et donc on avait beaucoup discuté avec Dujardin de Brice de Nice. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte effectivement à quel point c'était très présent dans notre génération à nous. Même quand on a sorti, pour vous remettre un peu en contexte, on avait fait un faux leak en fait du film. C'est-à-dire qu'on avait filmé Dujardin pendant 1h20 sur un fond blanc faire n'importe quoi. Et on avait mis un faux début de film, le faux début de Brice 3. Et après ça coupait. Et on l'avait foutu sur tous les sites de Torrent, tous les sites de c'estpasbien.org, etc. Et en gros, il disait, t'as cru que tu étais jamais mon film, je t'ai cassé, donc tu vas me regarder rien foutre pendant 1h20. et effectivement, on s'était beaucoup marrés, et tous les gens de notre âge, j'espère, étaient vraiment dans un truc de trop bien, parce que c'est vraiment Brice de Nice, c'est l'esprit Brice de Nice. Je l'ai pas vu pour autant, je suis navré. Non, je crois qu'il était bien, mais j'ai pas. Moi-même qui l'ai réalisé, je crois que je l'ai pas vu pendant. Non, mais j'ai pas vu Brice de Nice 3 tout court, malheureusement. En fait, le 1, je me suis arrêté au pied, doigt de pied, quoi. Enfin, ouais, mais alors c'est vrai que c'est très absurde Brice de Nice. C'est-à-dire que, non mais ça va aussi très très loin dans le n'importe quoi. C'est à ce moment-là que j'ai décroché. Et je suis assez fan d'humour absurde en général, mais là il y a un truc un peu malaisant qui m'a ah moi ça m'a pas dérangé, c'est marrant. Côté, l'absurde c'est trop bizarre en fait. Je comprends pas. L'absurde alors, quand tu te rates, c'est terrible quoi. Ouais, vraiment de très très haut quoi. C'est ça. Et là encore c'était il y avait le single avec le casse de Bryce qui était c'était sorti la grande mode à l'époque c'était il y avait la chanson qui sortait avec rater, le film. Non, c'était partout. Mais moi j'adore Brice de Nice. Moi je suis vraiment fan de Brice de Nice. Et pour le coup le personnage, il existait depuis les débuts quand il était à Fréquence Star. Oui, quand il était dans les Nous c'est nous, quand il était Fréquence Star, et il revenait souvent. En réalité, Brice de Nice, le film, c'est les débuts d'Internet qui fait revenir des choses, puisqu'il y avait un site de fans de Brice de Nice qui repostait les sketchs. C'est un personnage qui refaisait régulièrement. Il le refaisait dans Farce Attack avec Bruno Salomon, il le refaisait assez régulièrement, et donc qu'il en fasse un film entier. Et en gros, c'est un film qui est très ambitieux. Moi, c'est ça que je retiens quand même du film. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un braquage. Il y a le personnage de. Il y a Patrick Swayze. Alors, avec des images de synthèse qui arrivent dans le film, parce qu'il est fan de Point Break. Là, je vais aller le regarder là, tout de suite. En fait, il est fan de Point Break. En gros, c'est pour ça qu'il fait du surf. Sauf qu'en fait, tu le vois jamais surfer. Et alors c'est pas vous spoiler, mais à un moment il y a le fantôme, il y a l'esprit, le body de Point Break qui vient le rencontrer. Comme il y a dans beaucoup. Fast and Furious. Et en plus c'était avant que Patrick Swayze meure, donc c'est ah oui. quand même ça qui ils l'ont tué en fait. Non mais voilà, il y a beaucoup d'idées que moi je trouve vachement bien dans Brice de Nice. Mais les gens retiennent, en fait ce que je voulais dire, c'est que les gens retiennent beaucoup effectivement les jetés cassés, les vannes en fait. Alors qu'il y a tout un univers que moi j'aime beaucoup. Alors les doigts, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, je me souviens de la course-poursuite avec le lit, les pieds, les pieds, doigts de pied. Je me souviens de beaucoup d'ambition dans ça. Et vraiment, j'en tire un vrai bon souvenir. Alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous savez qu'il devait y avoir un Cinematic Universe avec Brice de Nice mélangé à un autre personnage de comédie française? On peut deviner. À votre avis, lequel? Voilà. Ah, wow. Patrick Chirac. Oh là là, c'est l'évidence. Alors, oui, Franck Dubosc l'a raconté comme ça. On s'est appelé avec Jean Dujardin, comme on tournait à côté pour se faire croiser Brice Denis et Patrick Chirac. C'était pendant les deux faisaient le 3 de leur film, Camping 3 et Brice Denis 3. Afin de les mettre dans chacun des deux films, on voulait le faire, on a essayé de l'organiser, mais comme on avait beaucoup d'heures de tournage dans nos films respectifs, on n'a pas réussi à le faire. Juste se croiser, ne rien se dire, se regarder, genre on se connaît dans les deux films, mais on a loupé le coche. Ah, c'est marrant parce que Onteniente avait le projet de faire un crossover avec les Tuches et Camping. Et ça aurait été un cinématique univers incroyable. Ouais. Ça aurait été x4 du coup, c'est vrai. Tu rajoutes les bronzés, enfin tu veux pas, tu fais tout ce que tu veux. C'est ça, ils peuvent tous revenir. Pour parler encore de gens qui ont cartonné en télé et qui ont fait des films, là on va parler d'un truc beaucoup plus culte, j'ai l'impression. C'est Les Trois Frères. Les Trois Frères des Inconnus. Alors, moi, j'ai un rapport particulier avec Les Trois Frères parce que j'adore le film, mais je suis assez imperméable à l'humour des Inconnus. Je pense que je suis né un peu trop tard. Et dans ce fameux jeu de tu préfères les nuls ou les inconnus, moi j'étais vraiment bercé dans les nuls. Donc je reconnais le talent des inconnus, mais leurs sketchs, je les ai pas regardés jeunes. Et donc, à part 2-3 que. En fait, leur qualité est indéniable, mais du coup, j'ai pas le rapport. La nostalgie que plein de gens ont avec les inconnus. Où moi, j'entends plein d'amis qui me disent même c'est ça qui leur ont donné envie de faire de l'humour, etc. etc. Mais je reconnais que Les Trois Frères est un film super. Je crois que je l'ai vu dans un des tops, je ne sais plus celui de qui. Mais c'est quoi, vous, votre rapport avec Les Trois Frères? C'est un film que vous aimez? Bah justement, enfin moi je trouve que c'est un peu l'anti-fatal dans le sens où ce qu'ils ont fait au cinéma n'a aucun rapport avec ce qu'ils ont fait à la télé. C'est pas du tout un film parodique, c'est une comédie sociale à la française comme on avait fait depuis les années 50. Ouais. Et en fait, enfin je pense que c'est complètement compatible d'adorer les trois frères et de détester ce qu'ils ont fait à la télé. Mais peut-être c'est, alors moi je déteste pas du tout ce qu'ils ont fait à la télé, mais juste j'ai pas d'accroche. Et effectivement, c'est peut-être ça qui fait que j'adore le film. Oui, ils font pas Stéphanie de Monaco le film. Ouais, ouais, voilà, exactement. C'est, c'est vrai que ce qu'ils faisaient à la télé est beaucoup plus ancré dans l'époque et il y a beaucoup de références qui sont liées. Enfin, si on n'a pas vécu ce dont ils parlent, on peut passer un peu à côté. Alors que le film, il est détaché de ça. C'est ça. Il y a déjà eu un film Les Liaisons Dangereuse du coup, donc c'est ça qui... Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Toi, Les Trois Frères, Adrien? Je l'ai vu il y a longtemps. Non, ouais, mais bah, pareil, enfin je sais pas, en fait je pense qu'il est sorti, enfin j'aime beaucoup Les Trois Frères, je l'ai vu plusieurs fois et tout. Après je pense qu'il est peut-être sorti pile à une époque où moi j'étais... T'étais déjà grand. J'étais déjà grand, et puis peut-être que j'avais un peu... Je sais pas. En fait, je pense que moi, j'ai pas la nostalgie parce qu'à l'époque où je l'ai vu, c'était... Moi, j'adorais Les Inconnus quand j'étais petit, pour le coup. Ouais, ok. Je les ai vus sur scène et tout. Oh, stylé. Où ça? Non, mais je sais pas. J'en sais rien. Mais t'as vu le spectacle avec Stéphanie de Monaco, c'est ça? Je crois, ouais. Oh, super. Peut-être, je sais plus. Bah, mais c'est mon père qui adorait, genre, il avait les VHS, machin, et puis il m'avait emmené... Oui, les VHS, ça fait rire. Fait rire, hein, les VHS, hein, ça vous fait rire. Et non, et du coup, il m'avait emmené les voir et tout, donc ça, c'est génial. C'était trop bien. Mais du coup, je pense que Les Trois Frères, c'est sorti. Donc, j'étais déjà plus vieux, mon humour avait changé un peu. Et du coup, c'est très, comme tu dis, c'est très potache, l'humour des Inconnus. Et j'ai moins accroché, je pense, à l'époque que des gens soit plus jeunes, soit dont l'humour n'avait pas changé comme le mien. Et du coup, je l'aime beaucoup, mais c'est pas culte pour moi. Comme l'est la Cité de la Peur, par exemple, quoi. Ouais, bah on va y revenir, la Cité de la Peur. Toi, Vesper, c'est un film que t'apprécies, que t'as... Oui, ouais. Il passait beaucoup à la télé, j'ai l'impression. Moi, je l'ai beaucoup vu à la télé. Mais en fait, je fais plus. Enfin, c'est faut pas mal le prendre, mais je fais plus trop de distinguo entre Les Trois Frères, Le Paris, je crois que les fans, si. Oui. Non, mais c'est pour ça. Et pareil, j'étais plus team Les Nuls, donc. Je connaissais les gros sketchs. Et je les ai vus il y a longtemps, ça m'avait fait rire, mais je les ai pas revus récemment. Et ça me manque pas plus que ça, mais je sais que c'était quand même des bonnes comédies sociales à l'époque. Puis des vraies performances d'acteurs. Moi, c'est quand même ça que je retiens des Trois Frères, c'est que les trois, je trouve, sont quand même au top de leur personnage. Oui. C'est vrai que c'est là où ils diffèrent des nuls, c'est que c'est des comédiens de formation, et notamment Bourdon qui a fait le conservatoire et tout. Il y a une super vidéo sur YouTube où il a genre 22 ans et puis il fait une déclame du Molière, je sais pas quoi. C'est trop marrant. C'est une vidéo de Lina, super, le conseil. Mais c'est des vrais acteurs et donc du coup ils arrivent à créer des vrais personnages qui soient pas des caricatures. Bien que j'adore Les Nuls, hein, c'est trop bien. Et d'ailleurs, enfin moi je, c'est difficile de dire, je préfère les nuls ou je préfère les inconnus parce que pour moi ils font vraiment pas du tout le même genre. C'était un truc de génération en fait. C'était juste ils sont arrivés. Ouais. Les personnes disent tu préfères Dujardin ou Michael Youn à l'époque alors qu'il y avait Brice Denis et Fatal en même temps. Mais oui les nuls. Moi j'aurais quand même Dujardin. L'un d'eux a un Oscar. Bon. Ouais et les trois. Cela dit il y a quand même un moment très parodie télé dans les trois frères. C'est marrant parce que moi c'est peut-être mon moment. C'est peut-être mon moment doigt de pied de Brice Denis. C'est quand ils commencent à jouer au millionnaire où d'un coup ils cherchent juste d'autres méthodes pour gagner de l'argent et qui est plus trop dans l'intrigue du film, je trouve. Avec ouais, c'est pas faux. Il ouais. y a un truc où ça y est, ça se déguise, ça met des perruques. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça reste crédible parce que t'as un animateur, c'est pas Didier Bourdon qui d'un seul coup se dit je vais animer le millionnaire. Ouais, ouais. Ça reste dans l'histoire, mais oui, ouais. Ils se sont pas empêchés de faire une petite parodie vite fait. Pour la bande-annonce. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, ce truc, ça s'adresse un peu aux enfants en fait, avec le personnage du gamin. Il y a, bien sûr. Et pas mal de petites références de l'époque. La Nintendo. Super Nintendo. Ouais. Et puis même les gags autour de la drogue et tout. Enfin, je pense que c'est un film qui est quand même assez familial, en tout cas dans ce qu'était la comédie familiale des années 90. Mais c'est vrai que dans la team Calmos, c'est un des films, parce que moi aussi je suis plus les nuls et à la limite Hugo, toi tu te dirais plus les inconnus quand même. Non mais moi je refuse de participer. Il va se barrer ce podcast, le poussez pas. Mais en tout cas c'est effectivement il y a un truc un peu clivant où on se sent un peu obligé de choisir entre ces deux chapelles d'humour parce que c'était dans le paysage de l'humour et de la comédie de l'époque ils étaient hyper dominants quoi, les deux c'était vraiment deux approches. Et cela dit à l'époque moi mon positionnement il s'est fait de toute façon plus tard parce que on n'avait pas Canal à la maison et j'étais un peu trop jeune, je regardais pas non plus les sketchs des inconnus. Donc en fait à l'époque j'ai pas vu en étant gamin les sketchs à la télé. T'as pas vu les VHS? Et j'ai vu les VHS plus tard. Ouais, le beaucoup meilleur des inconnus et l'intégrule des nuls. Ouais. Mais il y a quelque chose que moi je reconnais vachement aux trois frères, c'est la générosité sur les seconds rôles. Ouais. Parce qu'il y a la scène, il y a beaucoup de scènes que tu retiens, je trouve, grâce au second rôle. Je pense à la scène du notaire quand il le gifle. Ouais. Voilà, je pense à la belle famille de Didier Bourdon avec le père Pierre Ménard. Mais bon, bref, qui est un acteur de ouf, qui je trouve sort des répliques de dingue. Et la scène avec Bernard Farcy, quand même, on oublie que Bernard Farcy et Elie Semoun qui jouent les patrons avec, avec des petits catogans derrière. Exactement, avec un petit catogan qui jouent les patrons de Légitimus. Est-ce que vous savez qui devait jouer l'enfant? Parce que Claude Berry, à un moment, a insisté, parce que c'est produit par Claude Berry, qui est un nom qui a fait beaucoup revenir dans les comédies françaises, parce que c'est un des gros producteurs de comédies en France et de films en règle générale d'ailleurs. Est-ce que vous savez quel acteur devait jouer l'enfant? Benoît Magimel, mais qui avait 20 ans. C'est très bizarre. C'est vraiment un acteur? Alors, c'est pas un acteur, mais c'est quelqu'un de très connu. C'est Jordi. Jordi devait le jouer. Ils lui ont fait faire des essais. Il était pas acteur. Mais d'ailleurs, l'enfant qu'ils ont pris au final ressemble un peu à Jordi, je trouve. Bah ouais, il y a un peu de ça. C'était vraiment leur idéal. Mais ils savaient jouer. Ouais, voilà. Très bien d'ailleurs, ce gosse. Enfin, c'est rare. Souvent, les gosses au cinéma, tu fais. Et qui joue dans le 2 d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques années. C'est vrai. D'ailleurs, ça, je l'ai pas vu. J'avoue. C'est d'ailleurs un des points communs de tous ces films-là qu'on est en train de citer, puisqu'il y a eu un Brice Denis un peu longtemps après. Il y a eu un Trois Frères longtemps après. Et le prochain film avant de changer de famille, c'est La Tour Montparnasse Infernale, qui a aussi eu une suite longtemps après. La Tour Montparnasse Infernale, qui est pareil, qui est un film très absurde et assez clivant. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a plutôt bien marché à l'époque, mais qu'il a quand même été considéré comme un gros échec, apparemment. C'est ce que j'ai découvert en faisant quelques recherches. Vous avez fait une vidéo, vous, avec Mr. Fox, où ça parle de doublage, où vous parlez un peu du coup de La Tour Montparnasse Infernale. Et vous avez fait une vidéo, même plus grosse, sur je crois que c'est les gogols, c'est ça, vous dites, sur les abrutis au cinéma. C'est leur terme scientifique. Bien sûr, c'est Eric Judor qui parle souvent de ça. Et clairement, dans sa série Platane. Dans Platane, il emploie le terme, etc. Et il met en perspective ce qu'il pense être les gogols et tout leur humour dans ces films-là. Repose sur cet archétype un peu spécifique qui est en gros c'est des adultes qui jouent comme s'ils avaient 5-6 ans. Ouais. C'est ça, qui est aussi un peu Dumb and Dumber ou des choses comme ça. Ils sont un peu plus, moi Dumb and Dumber pour moi c'est plus des adolescents parce qu'ils sont déjà un peu pervertis par le sexe des choses comme ça, alors que dans dans La Tour Montparnasse Infernale, c'est vraiment des gosses, ouais. Quoi. En fait, il est attiré par Marina Foïs, mais il veut lui faire un bisou, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça, y a pas de... assez chaste. Il lui offre des aides pellicules et tout. Des méthodes de séduction un peu enfantines. Toi, Vesper, c'est un film que t'aimes beaucoup. Oui, je l'ai mis dans mon top aussi, effectivement. Mais pareil, très générationnel, j'ai l'impression aussi. Ouais, de ouf. Quand il est sorti aussi. Et pareil, je retiens. Alors, je l'ai pas. Je crois que j'ai peut-être revu il y a peut-être 2-3 ans. Alors, il y a quand même des petits trucs qui ont vieilli. Mais, oui, bah oui. Voilà. Ouais. Mais quand même, la plupart des répliques tiennent encore très bien. J'adore Marina Foïs dedans. Et, ouais. les deux, ça marche toujours aussi bien. Les répliques, les t'es mignon, t'es un tout petit breton et tout bien ce sûr. Genre de trucs. Ça, bien sûr. Mais encore une fois, ça marche. Bah, comme Jean Dujardin, en fait. Ils ont vraiment des tronches de gogol, pour reprendre le terme. Ça passe, en fait. Ils peuvent tout passer, les pizzas, la pizza 4 chaussures, bien un sûr. Genre de truc. Enfin, tout ça passe super bien. Et t'as l'impression qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça, en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, ouais, dans La Tour Montparnasse Infernale. Et j'aime beaucoup aussi la réalisation. Je trouve que c'est un vrai film d'action, mais qui, quand même, enfin, je trouve que le rythme est très bon. Ouais. Alors, ils reprennent typiquement l'intrigue de Die Hard, hein, pour le coup. Le pire, c'est que j'ai vu Die Hard plus tard, parce que du coup, j'étais assez jeune. J'étais assez jeune quand c'est sorti. On a tout piqué à la comédie française, en fait, c'est donc incroyable. Ouais, non, incroyable. Et effectivement, voilà, quand c'est sorti, j'étais assez... Et quand j'ai regardé. L'un des plus gros mind blown de ma vie, c'était: putain, en fait, c'est une parodie de Die Hard. incroyable. Une parodie de Die Hard, 20 ans, enfin, ouais, non, 15 ans après, en plus. Ouais, ça, c'est quand même. C'est même dans le concept, c'est complètement débile, ce film. C'est ça qui est incroyable. Toi, Hugo, c'est un film que t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Et c'est une parodie, mais justement, on peut ne pas capter que c'est une parodie. Oui, on s'en fout, c'est en fait, pas grave, ouais, ouais, ouais. Parce que finalement, on est mené par ces deux personnages qui sont les personnages de Gogol qui ont fait leur succès, en fait, dans Les Mots d'Eric Ramsey, c'était les mêmes personnages. Ouais, sur scène, dans, c'était ça, voilà. Alors, sur scène, c'était ça. C'est marrant, je fais un tout petit aparté parce que justement, Eric Judor, lui, disait que les gens ont été un peu surpris parce que beaucoup les avaient découverts avec H, et il disait que dans H, ils étaient moins Gogol, justement, et qu'il y a plein de gens qui ont découvert Ramsey. Ouais, non, au début, il l'était pas au début, trop. Non, mais à la fin. Mais à la fin, c'était n'importe quoi. Quand tu vois, il a un bar, c'est là où il devient complètement teubé. Mais il disait que beaucoup de gens avaient été désarçonnés de faire: oula, c'est vraiment des débilos. Alors qu'effectivement, dans Les Mots ou même dans leur premier spectacle, c'était vraiment ça, quoi. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils faisaient un petit effort dans H pour être un peu normaux et c'est reparti dans La Tour Montparnasse Infernale. Bah, c'est ça. Mais non, ouais, enfin, je sais pas. Ça a quand même fait, je pense, 2-3 millions d'entrées. Ouais, ouais. C'est ouais. quand même un relatif succès. Après, je sais pas. Mais eux disaient qu'en fait, c'était la grosse année du cinéma français, en fait. C'est pour ça que les gens disent. Eux, ils disent que ça a pas été le méga succès, parce que c'était l'année du Pacte des Loups, de Amélie Poulain. C'est vrai que c'est vraiment à peu près. Non, non, mais en fait, ça a été une des années les plus énormes du cinéma français. Mais ils ont fait quand même 2 millions, ce qui est énorme. H, mais ça avait fait un carton de dingue aussi. C'est donc, ça, je pense ça qu'ils attendaient peut-être. Énormément. Ils attendaient peut-être, vu que c'était juste après H, effectivement, un truc. Ouais, parce que c'est marrant, ça me fait. J'ai oublié de le dire sur Les Trois Frères, mais quand tu lis des interviews de Didier Bourdon, il disait qu'à l'époque, il se rendait pas compte que c'était un énorme succès, parce qu'en fait, tout ce qu'il faisait était un énorme succès. C'est-à-dire que la non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est des problèmes de riches, hein. Ça cartonnait en télé, ça cartonnait au théâtre, et quand le film est sorti, en gros, dans l'interview, il parlait du fait qu'il était plus surpris du César que du succès, justement. Il disait que, parce qu'ils ont eu le César du meilleur premier film. Ouais, mais et donc La Tour Montparnasse Infernale, peut-être qu'ils disaient que après H, ce serait plus fat. Mais oui, c'est quand même un gros succès. Mais c'est un film assez ambitieux quand même. C'est un humour qui se pratique très peu en France. Un humour complètement burlesque comme ça. Enfin, c'est très américain aussi, finalement. C'est donc c'est inespéré de faire 2 millions avec un film pareil, en fait. Complètement. Et ça. D'ailleurs, ils s'en sont rendus compte quand ils ont fait La Tour Montparnasse Infernale 2, qui a dû faire 100 000 entrées, parce que pour le coup, c'était trop. Enfin, en plus, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Ils sont allés plus loin. Ouais, et. Enfin, ça a laissé tout le monde sur le bas-côté. C'était assez surprenant, ça, parce que Eric Judor, en interview, était surpris que le film n'ait pas rencontré le public. Alors que moi, étant un très très grand fan du 1, et toujours, moi je le regarde assez souvent. Et oui, il y a des trucs qu'on vieillit, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir. Alors il y a peut-être la nostalgie aussi, mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à chaque fois à le revoir. Et je trouve que le 2, moi le 2 me fait rire. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus chelou, il est beaucoup plus dans ce que fait Eric Judor aujourd'hui, sans concession. Et même leur jeu, il ne le joue pas. C'est marrant parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à Dumb and Dumber 2 aussi, qui a le même truc où les persos sont encore plus absurdes et cons que dans le 1. Et là, il y a un peu ce truc-là aussi, ils sont vraiment poussés. Il n'y a pas que les personnages, il y a aussi que Judor est passé derrière la caméra et il essaie de faire des gags de metteur en scène. Oui, c'est genre des trucs où il fait un zoom pendant une heure sur le nez de Philippe Catherine. Et du coup, tout le monde n'apprécie pas ce genre d'humour, quoi. Et peut-être que... C'est vrai que dans La Tour Montparnasse Infernale, eux deux sont cons et le reste, alors il y a des blagues, mm-hmm. mais ils sont assez normaux en fait. Oui, ça reste un film classique. Ça compose, c'est ça, ça Marina Foïs par exemple, elle est très drôle, mais elle est très prom-dog dans le film. Quoi. Ouais, elle n'a pas de blagues absurdes, alors que dans la Tour Montparnasse 2, c'est Philippe Catherine le méchant déjà, c'est pas Serge Gainsbourg. Donc en fait, tout le monde est très. Mais c'est vrai qu'ils sont allés vraiment très loin et en plus, Éric Judor a un rapport un peu de geek à la comédie et il se pose vraiment plein de questions. Et même dans Platane, en fait, il y a ce truc de mise en abîme où il tourne la suite de la Tour Montparnasse ouais. et en fait Ramsey au début enfin à un moment est plus dans le film ou enfin il y a tous ces trucs et il se pose la question de comment en fait on peut faire et est-ce qu'on doit capitaliser sur ce qui faisait rire à l'époque ou est-ce qu'on doit se réinventer etc. Et peut-être qu'il s'est trop posé de questions et qu'au bout d'un moment il allait trop loin ouais. Non, mais c'est aussi un film post-Quentin Dupieux, parce que Éric Judor, il parle souvent ouais. de ça, de leur rencontre avec Quentin Dupieux comme déterminante dans leur façon d'aborder la comédie. Mais oui, dans La Tour Montparnasse Infernale 2, il y a un moment, je me souviens de cette scène où Ramsey se coupe le doigt, il se vide la main de son sang, du coup elle est plate, et du coup il la passe sous une porte pour ouvrir la porte de l'autre côté, donc c'est vraiment un Tom et Jerry, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'ils ne vont jamais aussi loin dans le 1, en fait. C'est jamais aussi absurde. Et c'est vrai que moi, Dupieux et Éric Ramsey, ça m'a donné une de mes expériences de ciné les plus mémorables en allant voir Steak. Ouais. Et en fait, Steak avait été vendu à l'époque beaucoup trop comme la nouvelle comédie d'Eric Ramsey. C'est ça, parce qu'ils avaient quand même fait Double Zéro, ouais. ils avaient fait les Dalton, il y avait eu de grosses comédies avec eux. Quoi. Et c'est bon, le niveau c'était un petit peu abaissé, pas uniquement, enfin pas vraiment à cause d'eux, mais plus eux-mêmes le déplorent hein, aujourd'hui, ouais, souvent ils en parlent. Sur les Dalton, ils veulent même plus entendre parler de ce film, je crois. Ouais. Et en fait, avec Steak, qui du coup est une forme de comédie très différente avec la vision de Quentin Dupieux, etc., le film a quand même été vendu comme la nouvelle comédie d'Eric Ramsey. Et je me souviens de la séance en salle où en fait j'ai vu mais plusieurs, il y avait 5 ou 6 enfants. De avec des parents différents qui sont partis en pleurant. C'était un naufrage. Alors que les gamins disaient c'est quoi ça et tout. C'est vraiment un humour, leur humour de base, du coup l'humour régressif fonctionne super bien sur les gamins forcément. Bah oui. Et là il y a une sorte de choc des cultures, bah pour le coup le nouvel humour quoi qui bloque complètement avec les gamins, et ça j'étais complètement sidéré d'avoir vu ça. C'est marrant, j'ai aussi une anecdote de Éric Ramsey et des gens qui se barrent d'une salle. J'étais allé voir Halal Police d'État qui est un film pas du tout connu mais qui a des très grands moments de cinéma vraiment, dont Éric Judor encore une fois qui est très marrant puisqu'il joue un Kabyle qui se fait voler son accent par des extraterrestres, et donc du coup il a une façon de le jouer que je ne vous ferai pas mais qui moi me tue de rire. Et il y a beaucoup de scènes vraiment très très bêtes dans ce film, et ils en parlent jamais, et j'aimerais vraiment savoir leur rapport à ce film, parce que je crois qu'il est sur Netflix, et j'étais allé au cinéma, je pleurais de rire au cinéma parce que c'était vraiment, ça allait très très très très loin, et des gens se barraient aussi, ouais, on a vu 4-5 personnes se barrer de la salle parce que c'était trop quoi, c'était... J'ai failli me barrer. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des fulgurances, un peu comme dans la Tour 2, il y a des fulgurances, mais sur l'ensemble, c'est un peu. Ouais, ça n'a pas marché sur toi. C'est, ouais. c'est compliqué, quoi. Il y a des failles un peu bizarres. Enfin, c'est on adhère ou on adhère pas, en fait. Il y a des films que moi j'adore et que personne comprend le principe. Et c'est pareil, il faut te créer une connexion avec ce film, et t'es l'élu quand tu peut-être que sur la police d'État tu fais partie des élus. Quand il y a un extraterrestre avec la voix d'Éric Judor qui essaie d'arrêter le racisme en parlant à des néo-nazis, ça me parle, ça marche. C'est dans celui-là où il y a Jean-Claude Van Damme? Non, je confonds. Ah non, il y a pas. C'est non, je me souviens pas. Non, non, c'est pas dans peut-être, celui-là. Peut-être c'est pas dans celui-là. Et le côté très clivant d'Éric Ramsey, on le voit aussi nous par la petite lucarne des commentaires YouTube, où c'est la vidéo où les gens nous insultent pour le film, quoi. Il y a des gens qui disent c'est de la merde. Enfin, il y a vraiment un truc, et aussi des ultra fans. Bon, évidemment, enfin, c'est pas la majorité qui dit c'est de la merde, mais t'as ce truc. Il y a un truc agressif sur comment on peut rire à ça, quoi. Mais c'est y a un truc qui est assez marrant sur ce film, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors ça a été écrit en amont avec leurs auteurs de d'habitude, dont Lionel Dutemple, donc avec qui ils faisaient les spectacles. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup participé sur le film. Est-ce que vous savez qui c'est? Quelqu'un d'assez connu, qui était assez proche d'eux, qu'on connaît, qui est dans la comédie française assez régulièrement. Au scénario qui a... En fait, qui en gros tous les jours réécrivait le scénario avec eux, qui testait des scènes. Et qui bossait, quelqu'un qui fait partie du Jamel? Non, pas de Jamel. Non, quelqu'un d'assez proche d'eux en termes d'humour, et qui en fait les a beaucoup aidés dans leur carrière, en tout cas au début. C'est Pierre-François Martin là-bas. J'étais là-dessus. J'étais sur les rebords des bois. Effectivement, en fait. Le côté enfantin. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il a un petit rôle dans La Tour Montparnasse Infernale. Et il était le metteur en scène d'Eric et Ramzy lorsqu'ils avaient fait leur premier spectacle. Et en gros, il parle de lui avec beaucoup d'éloges. En gros, ils disent que Pef en coulisses était le collaborateur artistique. C'était un gagman chargé de poursuivre le travail sur le plateau, et ce malgré la présence du réalisateur Charles Nemes qui s'accommodait de ce processus. Pef, c'était le poumon de notre duo, révèle Eric. Il nous a accompagnés partout sur les premières scènes où on jouait en tremblant. Il a affiné notre écriture, notre jeu scénique, notre sens du burlesque. C'était notre papa. Il fallait absolument qu'il soit dans notre premier film. Tous les matins, Pef partait au studio, une ancienne usine à Viry-Châtillon, où il était seul avec Eric et Ramzy. D'abord, on réécrivait un peu la scène, on inventait les gags, puis je les mettais en scène dans les décors. À midi, Charles Nemes venait, je lui montrais la scène, et je partais à 14h, répéter avec les Robins des Bois à Canal+. Voilà, c'est là, par exemple, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la scène où quand il attrape le avec l'alarme, là Oui, l'alarme, quand il attrape le truc très chaud, il hurle pas juste s'il a une larme. Ça, ils l'ont trouvé sur le plateau. Et alors, petite trivia, quand même, qui est assez intéressant. Dans La Tour Montparnasse Infernale, on ne connaît pas les prénoms des deux personnages principaux. C'est-à-dire qu'ils se font appeler Francis Huster et Peter McCalloway, mais ils ne s'appellent jamais par leur vrai prénom, donc on ne connaît pas les deux prénoms. Il y a le grand bras maigre et le petit chauve, mais on ne connaît jamais leur prénom dans le film. Voilà, ça peut, et les billets de 1500 francs n'existent pas aussi. Exactement. Mais non, mais on avait fait une vidéo entière dessus, on a passé 6 mois dessus. En fait, on n'a pas remarqué. Je me souviens pas du tout de ça. Ouais, ok. Bah non, ils s'appellent jamais. Il y a l'autre, ils se disent par d'autres noms, mais jamais. Quand Marina Foïs leur demande leur nom, ils inventent Francis Huster et Peter McCalloway. Parce que je parle d'Eric Ramzy parce que souvent on pense que c'est des humoristes Canal à cause de H, mais à la base ils ont commencé chez M6. Mais c'est vrai que Canal Plus, ça a quand même été un énorme vivier de gens très marrants. On va en parler de plein, mais on va commencer un peu par l'évidence de l'évidence, à savoir Les Nuls et Alain Chabat plus précisément. Mais parlons d'abord des Nuls avec La Cité de la Peur. C'est le film qui est le plus revenu, avec Astérix, Mission Cléopâtre, qu'on va aborder tout de suite après. Mais La Cité de la Peur, c'est le film qui, j'ai l'impression, met un peu tout le monde d'accord, en tout cas chez les auditeurs et même autour de la table, puisque tout le monde l'a un peu cité. Alors, Hugo, toi par exemple, pourquoi La Cité de la Peur, c'est un film qui te plaît? Pourquoi c'est un film... C'est quoi sa place un peu dans le paysage de l'humour en France, en 94, je crois, 95? C'était après, en tout cas, après qu'ils aient fait de la télé. Ouais, à peu près en même temps que les Trois Frères, d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est un film qui décomplexe le cinéma, en fait, je pense. c'est ça le truc, c'est que... C'est d'ailleurs, on a fait une vidéo sur La Cité de la Peur et on a mis un extrait d'interview où Chabat il dit qu'il est vachement inspiré par Mel Brooks et par les Zaz, et qu'il se dit qu'il y a eu un déclic quand il a vu ces films. Il s'est dit, on a le droit de faire ça, c'est-à-dire on a le droit de faire un film où il y a des gens qui sont en train de tourner une comédie musicale, et puis d'un seul coup il y a des Indiens qui débarquent et voilà qui se battent. Et en fait, ce qu'ils ont fait à la télé, c'est-à-dire avec leur sketch où ils se moquaient de tout et de tout le monde, ils l'ont refait au cinéma, ils ont appliqué la formule au cinéma et ça a marché. Et du coup, il y a eu plein de successeurs finalement. Et notamment Mission Cléopâtre, c'est-à-dire lui-même, il a refait ça avec Astérix. Et en fait, quand on parle d'Eric et Ramzy, en fait, c'est aussi un peu les héritiers d'Alain Chabat et des Nuls. Il a ouvert un peu la porte à beaucoup de critiques ciné qui disaient, oui, alors c'est de l'humour un peu télévisuel aussi. Qui voulait tout et rien dire. Hein, parce que, c'est marrant parce que maintenant on dirait l'humour d'internet. C'est la même connerie en fait. ça a aucun sens, tu vois. C'est juste un humour que tu comprends pas et du coup tu dis, c'est l'humour d'internet. C'est déjà des gens qui sont dépassés par ce type d'humour là. Alors toi, Adrien, c'est La Peur, c'est un film que t'adores. Ouais, déjà Les Nuls de manière générale, moi j'ai vraiment pour le coup grandi avec Les Nuls. Et t'avais Canal. J'avais Canal, notamment chez mon père. Moi je me souviens vraiment de regarder, je l'avais pas chez ma mère, donc je regardais Les Nuls, l'émission, chez mon père, et ça m'a... Enfin, c'était incroyable, ça a vraiment construit tout mon rapport à l'humour et tout, c'était vraiment ça quoi. Et puis après, ils sortent un film, quoi. Et moi, je suis vraiment fan. Je crois que c'est 95, il me semble. Je suis pas sûr. Il y a écrit 21 février 1994. Ok. Voilà, tout simplement. Donc 94. Donc j'ai 14 ans à l'époque. Et je me le prends. Enfin, c'est incroyable, quoi. En fait, tu vois, le truc que lui il s'est dit sur les films de Mel Brooks, je me le dis en voyant La Cité de la Peur, quoi. Ouais. Tu fais, ah oui, enfin, j'avais déjà vu les As et tout, donc je, j'étais déjà familier de cet humour-là, mais je sais pas, c'était fou, quoi. Je crois que c'est un des seuls films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, parce que moi, généralement, je retourne pas au cinéma, moi. Déjà, je vais assez peu au cinéma. mais c'est un des seuls films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. Je crois que je l'ai revu peut-être ma mémoire me joue des tours, mais je crois que je l'ai revu le lendemain ou un truc comme ça, quoi. Vraiment, j'étais... oui, enfin... Puis encore maintenant, enfin, ça a bien vieilli. Enfin, c'est... On parlait de l'humour absurde tout à l'heure. Là, on est dans l'humour absurde qui marche. Ouais. Et du coup, bah, ça vieillit pas, en fait. Je trouve l'humour absurde, quand il est bien fait, ça devient pas ringard, quoi. Alors que... l'humour absurde plus enfantin. Non, mais ça plus... peut, et ça peut, enfin, même les Monty Python qui sont les génies de ça, il y a des gags qui vieillissent mal. Enfin, c'est très difficile, hein, de toute façon, de rester on point. Alors, en fait, c'est tellement par essence, pas référencé, hors de tout. Là où ils ont eu le nez, il y a quelques références cinématographiques et qui sont, alors que c'était les trucs de l'époque, mais qui sont les films qui sont devenus cultes et qui sont restés dans l'imaginaire. Oui, du cul, parce que t'as Terminator, Pretty Woman, enfin c'est quand même des Basic Instinct, Bodyguard, enfin voilà, c'était un peu, c'est quand même que des films qu'on cartonnait à l'époque et qui sont restés cultes avec des années, quoi. Non, il y a aussi qu'il y a énormément de gags tout le temps, genre t'as 30 gags à la minute, et donc du coup quand c'est un peu moins bon, c'est tout de suite remplacé par un autre. Et enfin, je sais qu'il y a des références de l'époque qui marchent plus trop aujourd'hui, genre la référence à la pub Cacharel, le loulou, machin. On n'est plus du tout focus sur ce truc, et on s'en fout, en fait, c'est pas grave, ça passe à la suite. Oui, parce qu'en plus c'est vraiment un gag, tu t'en rends même pas compte qu'il y a un gag. Et puis c'est limite un gag, j'ai l'impression, pour les gens qui étaient fans. C'est un truc d'ailleurs dont on parlera aussi sur un autre film de gens qui viennent de Canal, mais il y avait plein de gags que tu avais déjà vu si tu regardais Les Nuls d'Intégrule, mais qui étaient que les gens kiffaient tellement comme un petit best-of d'un album. Oui, juste, que t'aimais, juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord, c'était dans un sketch. C'est ça, c'était dans le roman photo, déjà avec Darmon d'ailleurs. Mais c'est très Chabat, en fait, je pense, sa façon de faire de l'humour. Je pense que le truc de Loulou, c'est juste... Ça le faisait marrer, cette pub, il devait rire de ça, et du coup il le fout dans son film parce que ça le fait marrer, quoi. Je sais même pas si c'était un truc de on l'a mis dans les sketchs, donc ça va être un easter egg ou quoi. Non, je sais pas. J'ai l'impression, pour avoir écouté des interviews et tout, que c'est vraiment genre il bloquait sur un truc qui le faisait marrer et il le mettait, et en fait c'est tellement du coup c'est tellement sincère dans la façon de faire des blagues que ça marche, quoi. Comme dit, tu dis qu'il y a plusieurs vannes, Hugo, enfin qu'il y en a tout le temps, et en plus il y en a de types différents à chaque fois, en fait. Ouais. Et c'est ça qui marche super bien aussi, c'est que même, enfin il y en a une qui marche moins bien, mais même par rapport à ta propre sensibilité, enfin tout le monde peut, enfin c'est pour ça que c'est l'un des films préférés de tout le monde quasi. C'est que voilà, enfin chacun trouvera sa petite vanne qui va le faire rire, que ce soit Simon qui dit je vais vomir, ou des trucs un peu plus subtils, quoi. Tu peux aimer la choucroute de Basic Instinct et après des fois c'est juste sur le jeu de Chabat, enfin tu vois, il y a des trucs très cons, mais tu vois quand il fouille la chambre et qu'il fout le bordel et qu'après il fait c'est bon, on prend la chambre, mais rangé un peu. Juste sa façon de le jouer, c'est tellement drôle, quoi. Ouais. C'est ça aussi où je trouve qu'ils ont quand même bien géré, parce que encore plus que Les Inconnus, parce que Les Inconnus, leur sketch, parfois c'était des 7-8 minutes où t'as le temps, quand ils font Les Chasseurs ou le Nouvel An, ils posent des personnages. Les Nuls, c'était vraiment des trucs très parodique, très un gag, une vidéo, un gag. Ils avaient moins le temps, j'ai l'impression, je trouve, de jouer des personnages. Et là, je trouve que les trois, que ce soit Lobby, Farouja ou Chabat, ils ont quand même le temps d'avoir un vrai personnage. Lobby, par exemple, elle est vraiment très très drôle dans le film, quoi. Elle a un vrai c'est elle l'héroïne, plus ou moins. La meilleure attachée de presse, l'histoire du cinéma. C'est ça, exactement. Et juste, je repense à. Parce qu'on dit qu'il y a vraiment des gags tout le temps, et tout à l'heure, on disait que dans Fatal, tu disais. Il y a des gags tout le temps, et c'est peut-être ça qui lasse, mais du coup on voit avec La Cité de la Peur que bah en fait ça marche quand tous les gags sont bons, on s'en lasse pas, quoi. Peut-être, complètement. Non, le rythme est bon aussi. Oui, voilà. Dans La Cité de la Peur. Non, mais c'est aussi quand on dit une blague, on dit oh, c'est un peu trop tôt pour faire une blague. Et en fait, généralement, ça veut dire que la blague elle est pas drôle, parce que si elle est vraiment drôle, c'est pas trop tôt, en fait, quoi. Ouais, mais tu vois, tu peux encore comparer à. Enfin, plus récemment, je trouve que le mec qui fait une blague par minute, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est Philippe Lachaud. Et là après c'est à un moment, si par exemple t'aimes un peu moins, il y a peut-être une vanne qui va te faire rire, parce que t'as l'usure ou qu'il y en a une qui te marche, tu vois. Ouais, mais c'est le généreux. Moi, c'est toujours ça que j'aime dans les comédies, ce genre de comédie, c'est qu'en fait il y a une générosité où moi je suis ok, même si je suis pas le public, même si ça marche pas pour moi, il y a quand même un truc où je fais ouais, mais vous êtes gratté la tête pour vraiment proposer beaucoup et ouais, mine ouais. de rien, en tout cas sur la cité de la peur, des trucs que j'ai jamais, enfin que j'avais jamais trop vu effectivement. Moi je connaissais pas Mel Brooks, les As, j'ai découvert ça après la cité de la peur. Ouais. Et donc du coup, pour moi, effectivement, c'est comme toi, c'est découvrir ouais, c'est un monde nouveau, quoi. Et tous les seconds rôles sont super. Ouais. Ouais. Aussi, parce qu'on parlait des, ouais. dans les autres films, mais dans La Cité de la Peur, c'est d'autant plus. Enfin, Darmon, il est ouais. incroyable. Bon, maintenant, il est un peu retombé dans mon estime, mais ouais. Voilà, il est vraiment super. Toi, David, par exemple. Non, ce que j'allais dire, c'est que justement, cette densité de gags, c'est peut-être ça aussi qui a fait durer le film dans le temps et l'a fait devenir culte, parce que en fait, il a pas si bien marché que ça en salle. Ouais. C'est-à-dire que même si Adrien a tout fait, il a je crois que ça fait un peu plus d'un million d'entrées, pas beaucoup plus. Je vais regarder à l'époque. 2,3 millions. 2,3. Ah ouais, ouais. Je pensais que c'était un peu moins. Ouais. Et, mais ce qui à l'époque était pas ouais. si ouf. Et en fait, le film est devenu culte en fait bah, par une petite chapelle et puis ensuite avec Internet, etc. C'est un film dont on se lasse pas de redécouvrir des choses. Et une manière aussi de donc c'est aussi un film sur lequel on a redécouvert des gags. Alors j'ai plus les exemples en tête, mais en le revoyant une centième fois, on a encore redécouvert. On s'est rendu compte que dans Red is Dead, il y a des cactus quasiment dans le fond du plan. Il y a partout des cactus, dans tous les plans, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est un délire à eux, ils aiment bien les cactus. Ou alors une scène coupée peut-être. C'est possible. Et j'ai eu aussi une nouvelle vision du film en le revoyant plus vieux et plus récemment, après être allé au Festival de Cannes. En fait, il y a plein de références, plein de trucs qui sont aussi, qui devaient plus parler aux gens du métier, ou, voilà, qui sont aussi dans le film. Mais que tu captes pas forcément sans l'avoir vu, quoi. Et ouais, non, c'est un film qui est hyper riche et qui aussi, je pense, sur l'aspect, parce que la comparaison qu'on faisait avec Fatal, c'était aussi sur le moment où l'intrigue doit quand même continuer à avancer. Et là, il y a une efficacité de reposer sur une sorte d'intrigue policière et avec un mystère qui fait que t'es pas obligé de jouer trop des moments émotionnels. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la comparaison, en fait, je la comprends, mais là où elle tient un peu moins pour moi, c'est que Fatal a une vraie volonté premier degré, en fait, de parler d'un personnage. Et je pense de Yoon, de parler de lui, là où La Cité de la Peur, je pense, est juste. Enfin, et c'est en fait peut-être la comédie la plus noble, à savoir, je vais juste vous faire rire au max et je veux juste que les gens sortent en se marrant le plus possible. Voilà, il y a ce truc là où il y a, enfin, je ne pense pas que Farrugia, Shabba et Lobby parlent de leur vie personnelle dans La Cité de la Peur. Ou alors c'est très bien caché, quoi. Donc voilà. Mais dans Fatal, il y a toute la fin, il y a un vrai truc émotionnel où il parle de lui, où il parle de son rapport au public, etc. Donc c'est aussi peut-être ça qui fait que. Pour revenir à ce que tu disais, parce que 2,3, on a l'impression que c'est beaucoup, mais justement, à comparer avec les trois frères a fait 6,8 millions d'entrées, par exemple. Ouais. Et c'est sorti l'année d'après, un an après, quoi. Donc voilà. C'est en cassette vidéo que ça avait surtout, on revient en cassette. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça avait connu une deuxième jeunesse, pour le coup. Mais de fou. Parce qu'il passait pas tant que ça à la télé, c'était de la peur. Je sais pas si c'est parce que c'était un truc Canal ou pas, mais c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup. Enfin, moi, je l'ai découvert en cassette vidéo, et c'est un pote de mon père qui me l'a filé, parce qu'autant les trois frères passaient tout le temps, et on aura l'occasion de parler de films qui passaient tout le temps à la télé, mais c'est de la peur, il passait pas souvent à la télévision. Enfin, moi, je sais que j'ai pas de souvenir de ça. Donc là, c'est de la peur, c'est les nuls, mais j'aimerais qu'on se concentre sur un des nuls, Alain Chabat, qui est quand même cité très régulièrement comme étant j'ai l'impression, peut-être le GOAT. Non, mais c'est des termes que je maîtrise, hein, et que je peux vous entendre. Il fait des masterclass, en tout cas, je pense qu'on peut le dire. C'est un banger. Il enchaîne les bangers. Non, mais effectivement, qui est un de nos artistes en termes de comédie. Moi, ça me fascine, en fait, la carrière de ce gars, que ce soit en auteur, réalisateur, comédien, c'est-à-dire qu'il y a tellement de peu de faux pas. Présentateur télé. Voilà. Tout ce qu'il touche est vraiment. Jeu télé, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de génial, on aura l'occasion d'en parler. Commençons quand même avec son plus gros succès et un des trucs les plus cultes aussi qu'il a pu faire, à savoir Astérix Mission Cléopâtre. Énorme budget, hein, 50 millions d'euros quand même. Un film qui a mobilisé 500 ouvriers pour les décors marocains, 2000 figurants, près de 11 km de tissu pour les costumes, 5000 sandales et une douzaine de perruques pour Monica Bellucci et 1500 pour les autres rôles. En gros, c'est un film qu'il a fait après Didier. On va parler aussi un peu de Didier. Vous, Mission Cléopâtre, quand ça sort, donc Vesper, toi, t'as un peu mon âge, j'ai l'impression. C'est un peu une pierre angulaire, nous, quand même, ah, l'impression de notre génération. C'était incroyable. Ouais. Effectivement, ouais. Et on avait eu le Astérix d'avant qui était bon. Qui nous parlait moins, ouais, qui était peut-être pour des gens un peu plus âgés, en fait. C'était sorti, mais bon, voilà, c'était pas incroyable. Je me rappelle ouais, même plus de. Bah, en fait, c'est Astérix d'avant. En fait, c'est assez Roberto Benigni qui joue César. Ouais, non, qui joue Détritus. Je me rappelle que de la fin, il y a une arène avec des migales, ça m'avait dégoûté. C'est ça, et une arène. Obélus, par tout un titre, redevient Obélix. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tu connais bien. Moi, j'adore. Moi, j'ai grandi. Ça introduit quand même le duo. Ça a introduit le duo. Et en fait, c'est assez fascinant ce qui s'est passé avec les Astérix, parce que celui donc de Claude Zidi, en fait, est de la fin d'une certaine époque de comédie, puisqu'en fait, Pierre Palmade joue Assurance Tour X, il y a Galabru dans le rôle d'Abrara Coursix, enfin, il y a Sim dans H-Canonix, enfin, c'est toute une. Qui est un excellent casting. Excellent choix. D'ailleurs, il revient dans les Jeux Olympiques, tellement c'était un bon choix. Mais en gros, ça, c'est vraiment la fin d'une certaine époque de comédie. Et celui de Chabat est un peu l'arrivée d'une toute nouvelle, savoir l'humour canal, comme on l'a beaucoup cité, avec Jamel, les Robins des Bois, etc. Et faut savoir, si je dis pas de conneries, que le premier Astérix en live comme ça, à la base, c'est une idée de Thomas Langman, qui a chauffé son père en fait pour produire ça. Il a porté le projet pendant longtemps. Pas, génial. Donc déjà dès le premier, il était impliqué. Après, quand il a voulu s'en occuper lui-même, il a fait le 3. C'était autre chose. Mais donc ouais, quand il est sorti, nous on a quoi, parce que c'est 2002, donc ouais, 11 piges, un truc comme ça. Moi c'est marrant, ça l'a fait avec aussi La Tour Montparnasse, mais c'est le film où, et c'est peut-être pour ça aussi que moi j'adore, où mes parents ils font oh non là, ils ont tué Astérix, non mais là n'importe quoi. Moi, c'est plus le héros c'est Jamel. Oui voilà, exactement. Ça rend fou, parce que quand tu revois le film, c'est tellement pas le cas. Mais je pense que c'est quand même assez bon signe quand les gens disent oh ils ont tué le truc, tu fais assez bon signe généralement. Mon père, ce qu'il avait rendu fou, c'est que sur l'affiche, il y avait écrit. Alors, il y avait beaucoup d'affiches avec les personnages. Et c'était moi et ma meuf en Égypte, on kiffe. Et c'était Alain Chabat avec Monica Bellucci. Et il y avait un truc de mais quoi, moi et ma meuf Il ne dirait jamais ça dans Astérix. Enfin, dans Astérix, moi et ma meuf. Non, mais attendez. Bon, bref. Alors que ce qui est fou, c'est que Chabat est peut-être le plus respectueux. Enfin, il a peut-être fait le film le plus respectueux. C'est ça la clé du truc, en fait. C'est que le premier film, il est respectueux, mais dans le sens où, bah, évidemment, pour faire Abrara Coursix, la première édicta, c'est Galabru. Ouais. Et tout est complètement linéaire, comme ça. Oui, et donc, ils ont fait une belle adaptation d'Astérix, complètement linéaire. Et en fait, Chabat, lui, il fait son propre truc. Il en a rien à foutre. Il prend Jamel, il prend Gérard Darmon. Il fait de la parodie de films de ninja et tout ce qu'il veut. Et en fait, c'est complètement ça l'idée. De Goscinny et d'Astérix, en fait, c'est se foutre de tout. Et puis j'ai vu récemment un documentaire sur Goscinny, et il y avait un mec qui disait la première page de La Grande Traversée, c'est des cases blanches avec des bulles. Et jamais tu fais ça dans une BD, en fait. Ouais. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est tu t'en fous de ce qui a été fait avant et tu fais ton propre truc. Et Chabat, c'est un fan de BD, et c'est un fan de Goscinny, et c'est un fan aussi de culture anglo-saxonne et de Gottlieb et tout ça. Et il a réussi à transposer au cinéma l'esprit de la BD Astérix, en fait. Ce que n'avait pas réussi à faire Claude Zidi. Est-ce que n'ont pas réussi à faire ceux qui sont passés les suivants, après, ouais, on parlera peut-être. Ouais, parce que c'est autre chose. C'est un peu douloureux peut-être. c'est compliqué. Toi, David? Moi, j'avais découvert pour le coup en salle aussi à l'époque. Effectivement, c'était un grand moment. Je pense que c'est aussi un film, pour le coup, son succès a bénéficié du culte de la Cité de la Peur et du fait que Chabat avait atteint un statut. Le retour de Burger Quiz aussi. C'est après le début de Burger Quiz, Mission Cléopâtre, où déjà t'as un peu une famille de gens de Canal marrants que tu vois tous les soirs en clair sur Canal. Et du coup, toutes les planètes sont alignées, en fait, pour que le film marche à ce moment-là. Mais en plus, il fallait que les planètes soient alignées pour que le film ait son succès a posteriori. Et a priori, il fallait aussi que Chabat ait le succès qu'il a eu avec Didier juste avant pour avoir les coups des franches et faire justement ce qu'il veut avec ce film-là, quoi. Et il y a même ce truc de, au début, il se dit... Il discute, je crois, avec Claude Berry de savoir quel album il peut adapter. Et il dit, bon, bah, mon album préféré, c'est Astérix et Cléopâtre, mais ça, c'est pas possible, ça coûterait trop cher d'adapter ça. Donc, il réfléchit à d'autres films. Il s'était orienté vers, je te le dis, Astérix Gladiateur, Le Combat des Chefs ou encore Astérix Légionnaire. Donc, plutôt des Astérix plus petits. Et Berry lui dit non mais vas-y on met le paquet et on fait ça et ça donne au film toute la liberté dont parlait Hugo et pareil c'est un film qui est extrêmement riche même si moi je l'ai moins revu que La Cité de la Peur par exemple je l'ai plus revu. La Cité de la Peur. C'était un truc générationnel. Quand c'est sorti, en plus, moi, c'était l'une des premières fois où je voyais une comédie française à gros budget. Enfin, un blockbuster français, en fait. Ouais, et de se dire qu'il prenait autant au sérieux les vannes que les costumes de Monica Bellucci. Que l'un se faisait pas au détriment de l'autre, en fait. Et il y a un climax où c'est une attaque de palais. Moi, ça, je me souviens. J'ai un souvenir très marquant. Déjà, c'est un de mes plus vieux souvenirs d'énormes files d'attente devant un cinéma. Ouais. J'y étais allé le jour de la sortie. Moi, j'étais méga fan de Chabat déjà à l'époque. Et il y avait beaucoup de monde, et c'est mon premier souvenir de je suis pas à côté de mes potes dans la salle, tellement elle est pleine en fait, et on est un peu disséminé dans la salle et tout, etc. Et effectivement, la générosité là aussi du film, et toute la fin qui est effectivement une attaque de palais où il y a des gags de partout, où t'as un milliard de second rôle qui ont chacun leur petite scène, en l'occurrence les Robin des Bois, Dieudonné et Gérard Darmon, enfin t'as des blagues de absolument partout. Et oui, ça c'est un truc que moi j'avais pas vu ça, un film aussi généreux dans ses second rôles. C'est marrant, tu te disais en blague, et c'est vrai que ça a été beaucoup dit de ouais, mais on voit à peine Astérix et Obélix, etc. Mm-hmm. etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est surtout très généreux envers tous les personnages, quoi. C'est-à-dire que tous c'est les gens on a un même truc. Pas cité Edouard Baird. Tous les personnages qu'il y a et chacun a son moment. Jean-Paul Rouve, Dieudonné aussi. Dieudonné qui est extrêmement. Isabelle Nanty. Il y a beaucoup de personnages. Alors ma seule crainte c'est justement on m'avait dit quand je disais que c'était un de mes films préférés en comédie française, plein de personnes m'ont dit ouais mais pour les plus jeunes ça va pas leur parler les Itinéris et les machins comme ça et qu'il y a beaucoup de vannes qui sont très de leur époque. Ah ouais, il y en a tant que ça, j'ai l'impression pas tant, mais c'est et qui marche moins maintenant. Alors du coup je n'ai pas de jeunes dans mon entourage, si vous en avez qui l'ont vu et peut-être que eux ça leur parle moins, je saurais pas dire, mais ouais, en parce que moi en même temps j'ai l'impression qu'il y en a pas tant, à part Itinéris effectivement, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a pas tant de blagues que ça ou qu'on change. Bon, déjà, mais il y en a que j'ai compris en vieillissant. Bon, voilà, mais moi il y en a que j'ai compris en vieillissant. Otis par exemple qui crée l'ascenseur, moi à l'époque j'avais pas du tout capté la vanne, quoi. C'était vraiment est-ce que vous savez qui a écrit des petites vannes pour Mission Cléopâtre? Ah oui, mais tu l'as dit dans un flocast. Alors, Bacri. Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri a donné pas mal de vannes. En tout cas, Chabat disait qu'il avait donné pas mal de vannes pendant l'écriture de Astérix. Il est pas dedans d'ailleurs, c'est marrant. Alors, oui, c'est étonnant. Il joue une voix. Ah oui, ah, oui. La voix du documentaire sur les Ça, c'est un des plus vieux souvenirs de fou rire au cinéma. C'est-à-dire que le moment où ça coupe pour un documentaire sur le homard, je vous jure, c'est. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que vraiment, je me souviens du fou rire dans la salle et un peu seul à ce moment-là. Je me souviens que ça rigolait plus. C'est un gag un peu de La Cité de la Peur déjà. C'est ça. Oui, alors, Pic-Ploc, le tissu, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, oui. Le tissu est inventé. Enfin, c'est... Ou même sur son père aussi qui se... ouais, tu sais, quand il dit le père de. Ils font le petit documentaire sur la vie de Bialès. Oui, c'est pas drôle ça aussi, putain. Mais en plus, ce que j'adore dans Mission Cléopâtre, effectivement, c'est l'impression que c'est quand même un vrai spectacle familial quand même. J'ai l'impression que peut-être les enfants ont peut-être moins les vannes, mais c'est quand même un vrai truc kiffant. Il y a les parce que dans le 1, il n'y avait pas les pirates par exemple. Dans le de Astérix contre César, il n'y a pas les pirates. Mais il n'y a pas le village dans le 2. Voilà, il n'y a pas Assurance Tour X, il n'y a pas Bras Raccourci X, il n'y a pas tous ces trucs-là. Il y a Monica Bellucci. Mais il y a Monica Bellucci. On gagne au change, désolé. Alors, Joe Star devait jouer dedans. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais en train de me demander. Est-ce qu'il y a Joe Star? Non, Joe Star joue pas dedans. Il fait la chanson de fin, mais il ne joue pas dedans. Mais il devait jouer un personnage, et là pour le coup, ça a été refusé à Chabat. C'est une des rares blagues qui a été coupée, enfin qui a été refusée à Chabat. Il devait jouer un Égyptien. Nick Lapolix, non? Il devait jouer Nick Lapolix. On lui a dit ça non. Ça non. En revanche, on peut trouver le personnage de Où est Charlis dans un plan large où il y a tous les figurants. Ah ouais, si tu fais pause, il y a un mec déguisé en Charlie de Où est Charlie, et il joue Où est Charlis. Et est-ce que vous savez qui joue ce personnage? Et eh ben c'est Louis Leterrier, puisqu'il était le réalisateur seconde équipe du film. Ah ouais. Et donc Louis Leterrier qui derrière a fait Le Choc des Titans, L'Incroyable Hulk, la plus belle chose qu'a pu faire Louis Leterrier. Exactement. Non, mais plein de chefs-d'œuvre derrière et voilà. Il y a pas Eric Ramsey aussi. Eric Ramsey et Chava étaient pas spécialement. Ouais, mais pas en beaucoup. Fait le truc c'est que tu dis. Il y a c'est pas tellement... Cadéo non plus. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Omar et Fred ont été coupés au montage. Ils jouaient dedans aussi, mais ils c'est ont ça, été coupés. C'est ça. Tu dis c'est tellement un Polaroid pour reprendre un terme de l'époque, mais de l'humour de l'époque. En fait, t'as envie qu'il y ait tout le monde de tous les grands noms, tu sais. Peuvent être vexés en fait, genre excuse-moi pour eux, je suis pas dans Mission Cléopâtre. En fait, tu te dis c'est dommage, t'as envie que ce soit vraiment l'annuaire de tous les gens ultra marrants de l'époque, quoi. Donc dès qu'il y avait pas quelqu'un, tu te dis ah merde. Sachant que Fred et Joe Star sont dans la tour Montparnasse infernale. C'est ça, où ils jouent des keufs pour le coup. La blague était là. Et moi un petit shootout quand même aussi dans ce film, à savoir Bernard Farcy. Dans le toujours, rôle du pirate. On reste sur non, mais parce que Bernard Farcy est un des acteurs les plus drôles qu'on ait eu. Il est les connecte et tous. Il est dans il est un peu partout quoi. Il est dans les trois frères, dans Taxi. Non mais il est un peu partout et c'est un excellent pirate et il fait une de mes blagues préférées de Mission Cléopâtre dans le rôle du pirate. C'est un truc de jeu, donc ce serait nul de le faire, mais tout le truc, c'est submergé par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Et en fait, ils le jouent d'une manière qui me régale. Et d'ailleurs, je fais des petits écarts parfois pour conseiller des films. On a déjà eu un grand film à grand spectacle avec beaucoup d'acteurs de leur époque qui parodient un péplum, c'est un film qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Bien sûr. De Jean-Yann, vous l'avez vu ou pas? Ouais, c'est avec Gérard Lanvin, non? C'est pas celui-là? Non, c'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ça. Non, ça c'est Sans Peur. Non, Sans Peur, c'est un proche. Oui, ouais, je crois que c'est ça. Oui, il fait le Chevalier Blanc. Oui, c'est ça. Et ça c'est Coluche. C'est avec Coluche, oui, c'est ça. C'est Coluche qui joue Bénure, un garagiste. C'est un film. Marcel Bénure. Marcel Bénure, et avec Michel Serrault. Alors là, pour le coup, il y a des blagues qu'on vieillit, il y en a pas mal. Clairement, ouais. Mais est-ce que c'est un film que tu conseilles aux gens? Ouais, pour le coup, je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je vais pas trop me j'avais adoré à l'époque, ouais. Mais je pense que ça a vachement vieilli parce qu'effectivement, le personnage de Michel Serrault est César et il est gay. C'est que des blagues de boîte gay et il y a tout un quiproquo sur le thème de vous en êtes parce qu'il y a un complot contre lui et donc du coup, voilà. Et ça peut, enfin cette scène-là a peut-être un peu. C'est l'humour de Jean-Yann qui était un peu graffé. Mais si vous le regardez à la manière de vous allez dans un musée. Donc si vous regardez avec votre regard de l'époque, non, c'est pareil, très généreux en fait. Et c'est assez surprenant de la part de Jean-Yann qui avait une espèce d'image. Moi, Jean-Yann, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce qu'il a écrit et même dans ce qu'il proposait. Et même, c'est un très grand acteur. Il a joué dans un film de Piala où il est extraordinaire dedans. Nous ne vieillirons pas ensemble. Et en Chabrol plus, aussi. Oui, le, exactement. Le Boucher. C'est une bête d'acteur qui en plus avait un rapport à l'art assez sain en fait. Il n'était pas du tout dans les festivals ou les trucs comme ça, il en avait un peu rien à foutre, donc j'aime bien moi les gens qui sont comme ça. Et ce film là il est assez généreux en cinéma, ce qui sont pas le cas de tous ces films de show business ou même Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, qui sont des films que moi j'aime bien. Mais 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est un bon premier pas pour en tout cas découvrir le cinéma de Jean-Yann, que je vous encourage à découvrir. On va pas en parler longtemps parce que c'est pas le cinéma le plus connu et qui a le plus cartonné en France, mais voilà, je vous invite à regarder. Tout est sur Canal en plus en ce moment. Et Tout le monde il est beau, Tout le monde est gentil, ça peut aussi être une entrée dans ces films. Ouais. C'est très marrant. Enfin, ça raconte les dessous d'une station de radio. À l'époque c'est très autobiographique de ce qu'il disait en plus Jean-Yann. Il disait que c'était beaucoup, parce que lui il a fait beaucoup de radio. Non mais en plus c'est des films où c'est toute une époque quoi. Il y a tout le temps Daniel Prévost, il y a tout le temps Paul Prébois. C'est une autre famille pour le coup. C'est pour ça que je voulais le citer. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'il y ait Coluche, Michel Serrault, c'est quand même un peu les rostats de l'époque. Et donc voilà, c'est un film que je vous conseille. Oui, les acteurs sont toujours exceptionnels dans ces films. C'est ça. En le remettant dans son contexte, je vous invite à le regarder. Restons sur Alain Chabat avec Didier. Alors ça, je sais que c'est un de tes films préférés, Adrien, que tu as revu en plus pour le coup il y a vraiment pas longtemps. Ouais, pour le coup, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je me le suis mis après les résultats du second tour. chercher un film pour me réconforter. Et pourtant, je l'avais déjà vu il y a pas très longtemps, mais je me suis dit non mais vraiment Didier, je crois que je pourrais le voir vraiment toutes les semaines quoi, je le fais pas, mais souvent quand je cherche un film à regarder, il y a Didier, je fais non allez je vais regarder un film. Non mais bah je sais pas, ça réunit tout ce que j'aime dans la vie et dans l'humour, quoi. C'est-à-dire déjà un chien. Bah, ça, un chien, Chabat, Macri. Du football. Ouais, alors, j'aime bien le foot. Je suis pas fan de foot. Bon. Des skins qu'on prenne pas la gueule. Non, mais en vrai, c'est marrant parce que c'est aussi ce qui me touche en fait plus que me fait rire. Parce que c'est justement cette approche un peu. En fait, on pourrait dire naïf maintenant, mais en fait. De dire ouais les méchants c'est des skins, ouais. Et on pourrait dire ouais super les méchants, bah ouais, mais en fait ça fait plaisir quoi, tu vois. Ouais. Ou alors moi ce que je me suis justement formulé ça en le revoyant, il y a une scène qui sert à rien du tout dans l'intrigue où il y a un défilé anti-IVG qui passe avec Bakri, ouais. Et ouais, ouais. Il y a juste une scène où Bakri les regarde avec un dédain. Oui, justement, il dit il n'y a pas besoin de crier des insultes racistes pour être un sale con. Il y a un truc comme non, ça. Non, il dit c'est quoi ce bruit? Et l'autre, il dit des gros cons de fachos qui manifestent. Et il dit gros cons de fachos, c'est un pléonasme. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Gros cons de nazis. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il y a un côté. Tu sais, on pourrait dire, ouais, super, il dit que les nazis c'est des gros cons, waouh! Ouais. Mais en même temps. Bah, ça fait plaisir de le ça rappeler. Ça fait plaisir de. Ouais, parce qu'en plus. Bah, apparemment, il y a besoin qu'on le rappelle. Non, et puis en plus, quand tu regardes, c'est pas des nazis réellement, c'est une manif anti-IVG. Donc il y a quand même un propos de dire si les gens anti-IVG, ils les traitent de nazis en fait. C'est plus que juste dire les nazis c'est des méchants. Ouais. Mais. Je sais pas, je trouve que il y a c'est ça, pour moi ça représente vachement Chabat de voilà de ce truc de les méchants c'est des skinheads et tout, et c'est un peu le il y a un peu une nostalgie aussi parce que je pense que tu ferais ça maintenant justement, on lèverait les yeux au ciel genre waouh super, ils dénoncent. Ouais. Alors qu'en fait, je sais pas, moi j'aime bien quoi. Ça reste un traitement comique. En fait, déjà, il parle du football, donc c'est assez logique de parler des skins qu'il y a chez les supporters. Ouais, voilà. C'est une réalité. Mmh. Et en plus, je trouve qu'il y a un truc comique autour de ces personnages qui est super efficace. Et alors, ça m'a fait rire, en travaillant un petit peu ce conducteur, parce que j'ai un petit peu bossé. et j'ai lu une interview de Chabat de l'époque où il dit qu'il les a traités, et c'est marrant parce que c'était en 97, donc c'était avant Mission Cléopâtre, il les a écrits comme les pirates dans Astérix. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils reviennent, ils se font un peu péter la gueule, ils repartent, mais ça fait plaisir de les revoir et de se faire péter ouais. la gueule. Et c'est la fameuse théorie des 3D que Chabat a souvent cité en interview, à savoir de la dénonce, de la déconne et de la danse. Les meilleures comédies, c'est quand il y a les trois, et il dit j'essaie toujours d'en mettre, même dans Mission Cléopâtre. C'est vrai qu'il y a un moment, j'ai cherché où il y avait une danse, mais il y a totalement une danse dans Didier. Et dans Mission Cléopâtre, il y a un tout petit peu de dénonce où il dit il met la cuisine pas loin du salon et il dit. Oui, là ça risque de déranger. Il fait ah oui, pour le bruit et l'odeur, il y en a que ça peut gêner. Ouais. C'est Jamel qui dit ça. Voilà. Bon, bref. Mais c'est ça que j'aime bien chez Chabat aussi, quoi. C'est que c'était pas de l'humour militant, mais il y avait un côté j'en place une et de façon marrante, et du coup. À la manière de moi avec la BD, il met une petite disquette. C'est ça, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce point commun dans la sensibilité de jeu et dans l'écriture entre Chabat et Bakri. C'est qu'il n'y a vraiment pas du tout de cynisme. Enfin, alors que c'est quelque chose qui peut être présent dans la comédie française, je pense qu'on en reparlera avec d'autres, où il y a parfois un humour un peu plus méchant ou un peu plus piquant. Et c'est vrai qu'ils ont un style de comédie qui est vraiment, à mon sens, totalement dépourvu de cynisme. Et ouais, je comprends que, du coup, en fait, il y a un truc assez doux. Quoi, c'est ça, il y a beaucoup d'amour. C'est ça, ouais. Il a beaucoup d'amour pour ses personnages, moi je trouve, et pour ses acteurs. Enfin, déjà dans Didier, t'as des miettes de ce que va être Mission Cléopâtre, où chacun, enfin tous les acteurs de second rôle qui viennent ont leur scène. Bah, je pense à Dieudonné, alors l'autre acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui a un espèce de fou rire débile. Enfin, c'est lui qui, c'est le pas Dieudonné, l'autre qui rit et on croit qu'il est en train de crever. Oui, c'est ça, parce qu'il a fait cul, enfin il a fait patte. Il aurait eu patte. Et oui, c'est un fou rire. C'est très, très drôle. Et Farrugia avec sa merde aussi pour voir le match en bien sur son écran. C'est Liberator, je crois, le mec qui a écouté, qui est un auteur de BD. Et qui fait tous les costumes de chez Chabat dans ses films. Donc voilà. Et moi j'adore cet amour en fait des comédies. Médias et des personnages, et où c'est super généreux. Lionel Abelansky, Zinedine Soualem, que moi j'adore, Zinedine Soualem. Qui est souvent d'ailleurs aussi un très bon second rôle. Bah, les deux, Abelansky aussi, c'est souvent des seconds rôles de comédie. Toi Hugo, ton Didier, c'est un film. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai été surpris de pas beaucoup rire. Ouais. Mais pour autant, c'est un film qui est effectivement vraiment hyper sympathique et tu t'attaches à tous les personnages. Et c'est effectivement ça. Il y a un petit côté un peu enfantin qui en fait un feel good movie. Et surtout, c'est une comédie fantastique. Et moi, ouais. j'adore ce genre, de, ce sous-genre de la comédie française, de la comédie fantastique. Avec un, voilà, soupe aux choux, fantôme avec chauffeur. avec chauffeur. Les rois mages des inconnus. Ouais. Dans lequel et tout ça, joue, c'est des films qui sont pas forcément très très bons. Je joue dans Les rois mages, mais je vous le dirai. Attends, c'est une anecdote que je vous mets plus tard, que je vous garderai plus tard. Tu fais quoi dans Les rois mages? Je suis figurant, mais je vous raconterai après. Pardon, t'avais pas fini. Non, bah si, c'est juste pour dire que c'est pas forcément des films très très marrants ou très très bien construits et tout, mais le simple fait d'avoir la volonté de faire du fantastique et de faire rire en même temps, moi je suis sensible à ça quoi. Mais de ouf, c'est des comédies un peu à la Un jour sans fin, les choses comme ça qui font toujours, c'est une fable un peu d'ailleurs aussi, c'est ça que j'adore, c'est qu'ils n'expliquent pas, c'est-à-dire qu'ils souvent des films se perdent parfois à essayer d'expliquer pourquoi du coup le chien se transforme en humain et puis c'est qui l'humain et est-ce que du coup il y a un humain qui s'est transformé en chien. J'aime que comme dans Un jour sans fin, non, c'est une fable, je l'explique pas, c'est juste un jour, du jour au lendemain. Enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a eu l'idée en fait, je trouve que c'est vraiment tellement zarbi. Je crois que, enfin d'après ce que j'avais lu à l'époque, c'était juste que Shabba adorait faire le chien. D'ailleurs, il le fait dans. Il y a un épisode de Les Nuls, l'émission. Où il fait le chien et enfin il y a Farouja qui dit ouais je sais pas ce qu'il a là, il est comme ça depuis aujourd'hui et tout, et juste il fait le chien, il adorait faire le chien en fait, Shabba, ça faisait rire, il adorait faire le chien et puis et du coup il a eu l'idée genre bah qu'est-ce que ce serait s'il y avait un gars qui était un chien quoi, et après les façons de justifier ça scénaristiquement il y en a pas 36, j'imagine. Et c'est un film sur le football, c'est très rare, oui, bon film sur le football, parce que c'est très dur à filmer le football, ouais. Et c'est une vraie comédie sur le football. Pour vous parler de la genèse de Didier, à la base c'était un court-métrage, et c'est Dominique Farrugia qui a poussé Shabba à en faire un long. Shabba a dit c'est le mystère des idées, on ne sait pas d'où ça vient. Juste après La Cité de la Peur, je voulais faire un court-métrage avec Bakri, alors déjà à l'époque sur cette idée. Il n'y avait que 2-3 trucs dont On ne sent pas le cul et Une petite femme mignonne. Et puis Farrugia m'a dit que je pourrais en faire un vrai film et m'a conseillé de retravailler. Merci Farrugia. C'est aussi lui qui a conseillé de plonger Didier dans le monde du foot auquel moi je ne connaissais rien, dit Shabba. Voilà. Moi il y a un truc sur Didier sur lequel je voulais revenir, c'était au tout début, avant même que le film commence. Il y a le logo qu'on a vu. Moi, parce que je l'ai vu au cinéma aussi, Didier, et je me souviens du moment où donc, je suis assis, et il y a le logo AMLF qu'on a vu dans 12 000 films, et il y a juste la voix de Shabba qui fait... Et vraiment, ça m'a tué quand je l'ai vu au cinéma. Je sais plus quel âge j'avais, mais vraiment, il y a un truc, je dis, oh, putain, dès le logo, il fait une vanne. Et qui est trop drôle quoi, parce que moi pour le coup je hurle de rire encore à Didier vraiment, mais après parce que c'est très con, enfin c'est vraiment, enfin il fait le chien, ça me fait rire, je peux rien dire quoi. Et un truc que j'adore aussi chez Shabba, c'est il y a beaucoup de blagues de off, je sais pas s'il y pense en amont ou s'il les rajoute en post-prod, mais il y a beaucoup de blagues de fond, de petites phrases, de petites voix, et déjà dans Didier il y en a beaucoup, et j'ai pas d'exemple en tête, mais je me souviens que j'avais beaucoup rigolé sur ces trucs là. Oui, il y a un truc qui est pas une blague mais qui me tue dans Didier, c'est après j'arrête. Non, c'est juste qu'à un moment c'est au tout début, donc quand Didier est encore un chien et Bakri il est en train de gronder le chien, et le chien donc spontanément, parce que c'est un chien, il ne joue pas à la comédie, il fait et en fait Bakri il improvise, il est en train de il fait un peu une tirade, et le chien fait et Bakri fait y a pas de et ça m'avait tué de putain, le mec il a rebondi sur la réplique d'un chien que le chien lui-même avait improvisé quoi. Et c'est génial, le chien qui s'appelle Azanavicius, enfin ils le font passer pour un joueur de foot, Azanavicius, encore une référence au frère Azanavicius, puisqu'il y a Serge Azanavicius qui joue dedans et Michel Azanavicius qui était un des qui joue Régis dans La Cité de la Peur et qui bossait mais beaucoup du avec Shabba. C'est Michel ou c'est Serge qui a la veste dans je crois que c'est Michel. C'est Michel, ouais. Ah ouais. Je crois que c'est Michel. J'avais un doute là-dessus. C'est Michel. On en a parlé. Michel, ouais. Débunkez-nous. Si vous avez un dessin, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Non, je suis sûr. Dans les nuls, l'émission. Ouais. Et alors, un dernier film et qui m'aide à faire une petite transition de Shabba, c'est Rrr. Alors, Rrr, pareil, qui est énormément revenu. C'est marrant, je crois que c'est vraiment des trucs générationnels, mais parce que moi aussi je suis méga fan de ce film. Qui est un film qui est. Alors, je vous invite, c'est des petites promos de nous-mêmes, mais à écouter le Floodcast qu'on a fait avec trois des Robin des Bois, à savoir Pef, Maurice Barthélémy et Élise Larnicole, où on est revenu sur toute l'histoire des Robin des Bois et on a fait une grosse partie sur. Et vraiment, je vous conseille d'écouter ça parce que c'est vraiment les gens qui l'ont fait qui racontent comment ça a été fait et comment ça a été reçu par les gens. Et il faut, voilà, juste pour vous dire dans les grandes lignes, mais c'est le film d'après Mission Cléopâtre, de Chabat, et donc c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique. Ça, faut savoir qu'à l'époque, Libération avait quand même mis en couverture une tête de Chabat avec écrit nul point d'exclamation pour parler de re Libération. Je crois que c'était Libération, ouais, je crois. Et je voulais savoir quel journal je devais boycotter. Alors, il me semble que c'est Le Parisien. Mais c'est Le Parisien. Ah, c'est possible. Vérifier, mais... ouais. C'est possible, c'est possible. Non, mais en tout cas, ils avaient fait une couverture de pour chier sur un film, ce qui est quand même fou, tu vois. Ouais. Et l'ancêtre de Twitter. Et donc, qui devait être à l'origine produit par Dominique Farrugia et qui devait même potentiellement le réaliser. Mais qui a dû... C'est Le Parisien, je pense. C'est Le Parisien, autant pour moi. Okay. Pardon Libé, pardon. Oh là là. Et il a dû laisser sa place à Chabat parce qu'en fait, il a été nommé directeur des programmes de Canal+ à l'époque, Farrugia. Donc, il n'a pas pu faire le film. Et donc, c'est Chabat qui a hérité du bébé et qui a aidé les Robin des Bois à faire ce film. Toi, Vesper, c'est un film que t'aimes encore beaucoup. Encore dans mon top. Mais non, mais moi, ça me plaît beaucoup. Moi j'ai vraiment. Alors. Ce film, ça m'a permis d'être un petit peu radical dans mon humour. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est sorti... Je le défends, moi. Exactement. Ouais. À la différence de Brise de Nice, que tout le monde adorait, moi, personne n'aimait autour de moi. Je me rappelle très bien, quand je suis allée le voir dans le petit cinéma de Pont-à-Mousson, une petite salle, on était quatre. Ouais. Et donc, il y avait une copine et moi, et deux autres personnes qui... on est liés à vie, je pense, par cette séance. Mais assez... Enfin, c'était peut-être pas le premier... Enfin, je pense que c'était peut-être le premier jour. Enfin, c'était... Ouais. Assez tôt, et il n'y avait que nous. Et... Mais pour le coup, je trouve que c'est quand même un film, encore une fois, de la génération, qui est quand même resté, parce que le « ça va être tout noir », oui, c'est vrai, c'est encore vrai. Resté maintenant, et il y a encore des gens que j'ai envie de frapper au visage, parce que qui répètent ça, ça veut dire que ça. Ouais. Mais, et moi, ça marche, c'est le genre d'humour qui marche vraiment sur moi à 1000%, et les pierres et les versions mammouths de tout ce animaux. Qui existe, ça me fume. Je crois qu'il y a un espèce de Yorkshire mammouth. Oui, c'est plus, ça. Mais c'est toute l'intrigue du film tourne un peu autour de Yorkshire. C'est pas vraiment... sans spoiler, mais toute l'intrigue policière du film, puisqu'en gros, alors ça... Encore une fois, c'est un film policier. C'est un film policier. C'est un film beaucoup plus proche de la Cité de la Peur que de Mission Cléopâtre, parce que c'est... Alors, et c'est surtout un film des Robin des Bois. C'est-à-dire que c'est coécrit et réalisé par Chabat. Mais moi qui ai grandi beaucoup avec les Robin des Bois, c'est vrai que je pense pas que ce soit un humour. Si t'aimes pas les Robin des Bois, je pense que tu peux être atterré devant ce film, quoi. C'est-à-dire, fait que tous les personnages s'appellent Pierre parce qu'on est à l'âge de Pierre, c'est un truc qui, je pense, enfin, je vais reprendre l'exemple de mes parents, je pense qu'ils dégueulent devant une vanne pareille, tu vois. Ils font excusez-moi, où est Blié? Ramenez-moi Blié. Il y a des gens qui aiment Re autour de la table, à part Vesper, pardon, et moi. Ouais. Moi, je l'ai pas vu à l'époque et je l'ai vu très très longtemps après. Et j'avoue que. T'es passé à côté. Voilà, sans la nostalgie, ça marche pas. Je pense pas que ce soit qu'une histoire de nostalgie. Moi, je pense vraiment que c'est un bon film. Parce que j'étais déjà quand même plus vieux à l'époque. En fait, moi, je pense que c'est impossible de. Enfin. À chaque fois, on se dit non, mais franchement, je suis sûr que la nostalgie, c'est tellement. Ancré. Enfin. Tu veux dire, c'est les goodies de notre époque. Moi, je l'ai vu pas tout de suite, mais un petit peu après. Donc, peut-être pas aussi tard que toi. Et j'ai quand même apprécié. Bon, enfin, ça reste loin, donc je ne pourrais pas reciter exactement. Bah, je sais pas, la vingtaine. Ok. Mais j'adhère vachement aux Robin des Bois, par contre, à leur humour. Et donc, effectivement, c'est plus un film de Robin des Bois qu'un film de Alain Chabat. Donc, je comprends que ça ait pu dérouter Libé ou Le Parisien. Le Parisien. Et surtout, d'autant que le mec sortait de 15 millions d'entrées avec Mission Cléopâtre, un truc complètement différent. Et là, il repart au charbon, c'est-à-dire sur un truc complètement. Ambitieux, enfin je veux dire, fait un truc compliqué à faire, quoi. C'est très dur, c'est un film sur une comédie sur la préhistoire. Pareil, on parlait avec un Yorkshire mammouth et tout. Enfin, c'est ça, les cheveux sales contre les cheveux propres, parce qu'il voulait aussi la recette du shampoing. Mais je vous invite j'avais déjà conseillé dans le Floodcast de l'époque, mais il y a un making of en papier, ça s'appelle. Ils avaient sorti un énorme bouquin qui s'appelle Le Making of en papier, où il y a les résumés de toutes les réunions d'écriture du film et le scénario avec les annotations, les storyboards, les trucs. C'est incroyable. Même je pense, même si vous aimez pas ce film mais que vous aimez avoir les coulisses d'un film, c'est un bouquin à acheter. Il est sur Vinted, etc. Vous pouvez aller le prendre. C'est vraiment un truc super intéressant où tu vois tous les débats. Et Chabat est un peu le gars qui serre les vis, quoi, qui dit non mais les gars, qui essaie de les canaliser. L'histoire du film, c'est le premier crime de l'histoire de l'humanité. Et en vrai, faut revenir toujours à ce truc là du fait qu'ils savent pas ce que c'est, qu'ils se disent mais je comprends pas, mais pourquoi il est mort, Ben non, mais il a dû se faire manger par un animal. Ben non, il est là, il a pas pu se faire manger. Enfin, en gros, qu'ils ne comprennent pas le concept de meurtre. Et du coup, qu'il y a le twist à la fin de qui est le tueur. Il faut trouver qui est le tueur. Et apparemment, lui, dans ce making of en papier, c'était lui qui revenait beaucoup parce là-dessus. En fait, les Robin des Bois, à l'époque, ils faisaient 5 sketchs par jour. Et donc, du coup, enfin, c'est. Sur 20 minutes de sketch, si t'es marrant pendant une minute, c'est génial. Quoi. Ouais. Et c'est un humour de scène, les Robin des Bois. C'est-à-dire que les Robin des Bois ne faisaient pas des parodies. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de mise en scène télévisuelle, en fait, dans ce qu'ils faisaient. C'était beaucoup du théâtre filmé. Ils étaient sur une scène et ils faisaient leur sketch. Et ils jouaient avec les bides, avec les silences. Donc, je trouve que le passage au cinéma pour les Robin des Bois, il est beaucoup plus difficile que les nuls qui faisaient des sketchs vidéo beaucoup ou les inconnus. Quoi. Et que ce film-là fonctionne, c'est même un petit miracle, je trouve, parce que. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus flingué de la part des Robin des Bois au cinéma, quoi. Donc, je sais pas si c'est grâce à Chabat, mais en tout cas, je trouve ça vraiment fort, quoi. Et les répliques, elles marchent très bien, excuse-moi. Non. Et j'allais dire, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect quand même générationnel où moi, en étant un petit peu plus vieux, j'ai découvert les Robin des Bois en ayant un peu cette impression, même si ça, c'est un truc un peu faux, mais que t'as l'impression que c'est la nouvelle version de ce que t'aimais bien avant, un peu moins bien. Enfin, avec tous les humoristes et les comiques et les troupes qu'il y a eu dans Nulle part ailleurs, plus le grand journal, etc. Par génération, t'as toujours, même si c'est faux, l'impression que c'est comme ceux d'avant, mais un peu moins bien, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a Cadet Olivier, il y a les Robin des Bois, et puis il y a la suite, etc. Et tu dis la bande à Fifi, machin. Et en fait, il y a le déphasage qui est lié aussi au fait que ils sont plus censés vraiment faire rire ta génération, mais peut-être des plus jeunes. Ouais. Et donc il y a ce décalage-là qui fait que moi aussi j'ai découvert le film un petit peu plus tard, je l'ai pas vu à sa sortie. Et une autre raison à mon avis pour ça, et ça c'est la question du marketing avec les comédies et le fait de choisir ce titre, moi ça me fait penser à une autre grosse erreur de marketing de comédie, c'est les clés de bagnole de Laurent Baffy, de Laurent Baffy, avec écrit en gros sur l'affiche n'y allez pas, c'est une merde. Et ce truc, à mon avis, enfin le film s'appelle le public de cinéma est quand même pas mal vieux. Et tu mets un titre imprononçable, je pense que tu perds 1 million d'entrées. Oui, et d'ailleurs, alors ça c'est d'ailleurs ce que nous disait Pef, c'est que le film n'est pas un échec en soi, il a fait 2 millions d'entrées, c'est quand même pas non plus d'obesque pour il y a beaucoup de comédies qui rêveraient aujourd'hui de faire 2 millions d'entrées. Si tu compares aux 15 millions après Mission Cléopâtre, c'est ça. Et en plus il est sorti dans un espèce de couloir de comédie qu'on cartonnait, puisque la semaine d'après il y avait Les 11 commandements et la semaine encore d'après il y avait Podium. Donc c'était vraiment un espèce de gros mois pour le cinéma, la comédie française. Yann moi. Tu viens de me régaler. Et alors pour la petite histoire, Eric Ramsey travaillait sur un film qui s'intitulait Aourf. Donc c'est quand même le hasard est quand même terrible, qui se passait pendant la préhistoire. Et ils ont dû annuler. Ouais, c'était dans un article que j'ai lu où ils parlaient de leur projet avorté, dont Moyen Man, qui était censé être un film de super-héros écrit et réalisé par Michel Hazanavicius. C'est comme la liste de Schindler et le projet de Kubrick. Oui, voilà, ça c'est des trucs qui se cannibalisent un petit peu. Vraiment pareil. le même exemple. C'est la même chose. Et donc voilà, ils ont dû. Mais c'est même fou, quoi. Tu te dis ça, si vous avez eu une discussion et vous êtes pris le truc sans faire exprès, quoi. C'est que le titre soit imprononçable aussi pour Eric Ramsey. Mais pareil, un peu comme je proposais 2h moins le quart avant Jésus-Christ, je vous parle un petit truc sur le côté, puisque dans les Robin des Bois, Maurice Artémy a fait un film qui s'appelle Casablanca Driver, qui est un film que je vous conseille, qui est pas forcément très connu, qui est un faux documentaire sur le pire boxeur de l'histoire de l'humanité, et qui pour moi partage ce truc très générationnel où il y a beaucoup de comédiens qui viennent faire rire, parce que vu que c'est un faux docu, il y a beaucoup de face cam de gens. Vous l'avez vu vous ou pas, Casablanca? J'ai vu. Moi j'aime beaucoup ce film et je le trouve très drôle, et c'est vraiment un film qui a fait vraiment 4 entrées. Je sais même pas vraiment où est-ce qu'il est visible, je sais pas s'il est sur une plateforme ou quoi. Et il y a, c'est le dernier film de Dieudonné avant la chute, j'ai envie de vous dire. Oui, il joue le manager, une sorte de Don King, un petit peu une parodie de ça. Et c'est un film très très drôle et très absurde qui va très très loin et avec plein d'idées, je trouve. Enfin, j'en ai un bon souvenir. C'est pareil, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Au moins. Non, on va dire 15. Allez. Ça suffit maintenant. Ouais, disons 14. Hein. C'est l'un des premiers comment dire en français ? Mocumentary. C'est ça. Documenteur. Documenteur. Ah oui, c'est vrai que c'est ça le terme. L'un des premiers mocumentary français. Donc rien que pour ça, c'est super. C'est ça. Et je me souviens plus qui joue dedans, mais effectivement, il y a tout le monde. C'est pareil. C'est ça. Il y a tout Canal+, il y a Chabat, il y a Marina Foïs, il y a beaucoup de gens. Mais ouais, faux documentaire, donc je vous invite à le regarder. Et avant de passer à la suite, dernier duo un peu Canal+ connu, Cadet Olivier, qu'on fait Pamela Rose. C'est marrant, ils ont tous un peu ce truc de parodier un code très fort. Et Pamela Rose, c'est vraiment les films de flics. Et pareil, est-ce que c'est assez... J'ai l'impression que c'est très générationnel aussi, Pamela Rose. J'en parlais avec Mr. V. C'est un des films préférés de Mr. V. Donc, on en parlait beaucoup quand on faisait Mac Walter 3, que j'ai eu la chance de réaliser. Et on citait tout le temps Pamela Rose comme référence. Est-ce que c'est un film que vous avez vu? Est-ce que... Ouais. Ah, moi, j'étais... Pas fin... Ah, t'as pas vu Pamela Rose? Non. Ah, c'est marrant. Non seulement j'ai vu, et en plus j'étais très fan de La Grosse Émission, duquel les deux personnages sont tirés. Et oui, c'est ça. Du coup, peut-être que moi j'ai un biais, parce que je connaissais les personnages et que je les ai retrouvés au cinéma, donc évidemment j'ai adoré. Après, ouais, je sais pas si on a le même rapport, si on a... Moi j'ai adoré aussi, ouais. Moi j'adore KDO et j'ai adoré Pamela Rose. Et pareil, il y avait ce truc un peu de générosité. Mais du coup, de tu suivais donc la série Peur sur La Grosse Émission. Ouais, j'avais même acheté. Ils avaient fait une grande soirée spéciale sur Comédie qu'ils avaient sorti derrière en DVD. Et j'avais acheté le DVD pour pouvoir le mater parce que voilà, moi j'avais pas Canal Plus, mais j'avais Comédie à l'époque. Et donc je regardais tout le temps. Ouais, moi j'adorais Bully Taper avec le temps un guest à la fin. Moi j'ai même fait le chemin inverse. J'avais ni Canal Plus ni Comédie, mais par contre j'ai adoré Pamela Rose. Et c'est là que par des potes et tout, ils m'ont montré des sketchs après et c'est enfin en tout cas moi c'était vraiment ma comédie culte de l'époque. Ah ouais, ah bah si tu peux nous en parler. Bah en fait il y a le côté enfin vraiment l'humour très très incarné qui d'ailleurs c'est, même je pense rétrospectivement quand tu penses à Kadmerade et Olivier Barou aujourd'hui, enfin je pense qu'il y a même des gens qui ne se rendent pas compte que c'était ce style d'acteur et ce style de comédie à l'époque. Ouais, bien sûr. Kadmerade aujourd'hui a une aura qui n'a rien à voir avec ça. Et ce truc très très en fait jouer effectivement les codes du buddy movie américain à fond avec le petit côté ringard on roule en fuego et tout, enfin, tout pour moi marchait super bien et était mais effectivement peut-être dans une c'est peut-être une capsule d'une époque, enfin je c'est un film que j'ai pas trop revu. La Fuego c'était une rubrique de la Grosse Émission. Fuego Go, oui. Bien le sûr. Fuego Go, ils interviewaient quelqu'un dans une Fuego. Après il y avait une richesse de sketch Manuelas de l'Habitas, après tout ce qui est Manitas. Manitas. Non, je me permets de débunker. Disons les termes Manitas de l'Habitas. Les Jean-Michel tout ça, bien sûr. C'est vrai que ça c'est fou même l'impact que ça a eu. Camoulox, tous les gens disent Jean-Michel quelque chose maintenant dès que. C'est, et Camoulox aussi ouais. Et Camoulox c'est vrai. Alors que c'est je suis fou, pas sûr qu'il y avait tellement de gens qui regardaient La Grosse Émission à l'époque en fait. C'est peut-être sur YouTube. Et eux, ils sont pas allés sur Canal, ils sont pas, enfin ils ont pas continué sur une autre chaîne, ils ont après fait directement autre chose quoi. Mais c'est vrai que ils ont fait le Camoulox sur Canal à un moment donné. Ah oui, alors c'est vrai que quand Jonathan Lambert faisait un truc qui s'appelait 22 minutes chrono, et dedans il y avait plein de sketchs. Avec Monsieur Pringles. Et dont il y avait KDO qui faisait souvent des sketchs. La Grosse Émission, après que KDO sont partis, il y a plein de gens qui ont percé dans La Grosse Émission, notamment Jonathan Lambert, Cyril Hanouna, Stéphane Guillon, Nicolas Deuil. Mais il y a eu plein de gens, perdu de vue après. Ouais, c'est ça, mais il y a eu plein de gens. Et en fait, il y avait un côté, je pense, incubateur. Autant le Canal+, Nulle part ailleurs, etc., était un truc à ciel ouvert, quand même vachement plus vu, parce que d'une part, c'était sur Canal, mais surtout, c'était en clair, donc t'avais beaucoup plus de visibilité. Et à l'inverse, il y avait un côté un peu plus niche, un peu plus communauté sur la chaîne Comédie. Et en même temps, ça a incubé, ça fait émerger vraiment plein de talents dans des styles très différents. Mais même, Axel Lafont, enfin, il y avait plein de gens en fait. C'est Arthur qui racontait ça, eux, leur bureau était à côté. Et en gros, à chaque fois qu'ils étaient en galère d'inviter à la Grosse Émission, ils invitaient Arthur, parce qu'en fait, il était juste à côté, quoi. Et il y avait vraiment un aspect radio, en fait, presque, dans le côté à l'arrache de La Grosse Émission, où il y avait... alors, pour le coup, c'est les Romains des Bois qui nous disaient ça, c'est personne ne regardait, de toute façon, donc on peut faire ce qu'on veut, en fait. Enfin, il y avait ça sentait que c'était à la bonne franquette. Exactement. C'était l'esprit Internet. c'était vraiment ce côté tranquille. On essaye, on teste, en fait. On fait un peu n'importe quoi. Pamela Rose, ça fait longtemps que je l'ai pas revue, mais je en garde un super souvenir, comme un ticket pour l'espace aussi, qui est revenu. Que j'avais adoré bien. Aussi. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est mieux. Il y a débat. Mais par contre, les sketchs, moi, je les connais tous par cœur. J'avais racheté le DVD qui était sorti après de l'Anthotologie. 6 heures de sketch. Non, mais générosité de ce DVD. Je pense que je connais par cœur les 6 heures de sketch. Vraiment, mais tout est incroyable. Tous les. Enfin, oui, les. les Sgt. Reaper. Moi, j'adorais, c'était les cours de la de parodie, le soap opéra et les cours de karaté. Bah, que Adrien a plagié, je le rappelle. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais c'était incroyable. Enfin, ça passe encore bien. Enfin, ça vieillit pas en fait. Ouais. Donc du coup, ça se remate encore. Et même ils avaient fait un peu le Saturday Night Live en France avec samedi soir en direct, tout simplement, ça s'appelait. Ouais. Et où pareil, ils avaient reçu Eric et Ramzy, Valérie Le Mercier. Et t'as des sketchs de ces trucs-là qui sont devenus cultes. Je me souviens de celui avec Le Mercier. Ah oui, où avec la partouze. Ouais. Voilà, c'est ça. Et non, c'est des sketchs qui ont vraiment marqué de ouf les gens. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si c'est parce qu'en gros, derrière Cad a fait Bienvenue chez les Ch'tis, donc plein de comédies à succès. Olivier Barou a fait Les Tuches, où j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup moins de Cad et Olivier dans l'impact qu'ils ont eu dans leur éducation comique, même si ça veut un peu rien dire. Alors que je trouve que c'est. Moi, j'ai beaucoup plus regardé KDO que plein d'autres humoristes, quoi. Que Dubosc ou que. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Ils ont eu un impact beaucoup plus fort. Alors, c'est marrant, t'as parlé très vite fait d'un Ticket pour l'espace où il y a eu un petit débat. Moi, j'ai eu beaucoup un Ticket pour l'espace. J'arrive pas à savoir si c'est parce que justement, c'est celui qui a moins marché. Et du coup, je fais. Attendez, vous avez pas vu un Ticket pour l'espace. Mais je trouve qu'il y a une ambition qui est quand même complètement folle dans ce film. Je trouve qu'il y a une vraie histoire. Qui est alors parce que Pamela Rose, pareil, c'est très proche de la Cité de la Peur, hein, Pamela Rose. C'est-à-dire que ça suit une intrigue très balisée de polar pour ensuite faire plein d'écarts très absurdes parfois, parce que je me souviens qu'il y a le service après Van, un moment où KDO appelle directement pour avoir des blagues dans le film, alors qu'un Ticket pour l'espace est un peu plus dans une vraie intrigue où à la base même le pitch de départ, je trouve, pourrait être un pitch de film premier degré, à savoir on envoie deux touristes dans l'espace pour faire de la promo. De la NASA française, j'ai oublié le nom. Thomas Pesquet. C'est européen. C'est ça. Ouais. Donc, et en gros, c'est deux touristes y vont, Guillaume Canet et Cadmerad, et il va se passer des aventures dans cette. Mais du coup, moi, peut-être que j'avais trop aimé Pamela Rose et que du coup, j'avais été déçu. En revanche, il y a un gag pour moi qui est millénaire dans Un Ticket pour l'espace, c'est l'ordinateur de bord. J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est Enrico Macias qui fait la voix. Et pour moi, c'est vraiment dans le top 5 des gags de toute l'histoire des comédies. Moi, c'est marrant parce que c'est un gars qui m'avait marqué dans la grosse émission quand il faisait. Bullitt et Reaper. Ah oui. Il y avait juste une scène où à un moment ils sont dans le bureau, il fait attendez, j'appelle Enrico Macias. Et il l'appelle et tombe sur le répondeur d'Enrico Macias. Et c'est juste Enrico Macias qui parle et qui dit vous êtes bien sur le répondeur d'Enrico Macias. C'est nouveau, c'est mon répondeur, je sais pas trop bien comment ça marche et tout. Et après il y a un silence et il fait c'est mon petit neveu. Et donc, faire ça, et j'avais pleuré de rire de ce gag. Juste le répondeur d'Enrico Macias et il parle pendant 3 heures. Non, mais il y a beaucoup de gags dans Un Ticket pour l'espace qui, moi, m'avaient marqué. Le début d'Un Ticket pour l'espace, c'est deux moutons qui pilotent un hélicoptère, quand même. Et ça, je me souviens que j'avais fait oula, qu'est-ce qui se passe. Et en vrai, de vrai, ils retombent sur leurs pattes un petit peu du pourquoi, du comment. Les moutons. Exactement. Et non, je trouve que c'est un film. Et on n'en a pas parlé pour Pamela Rose, et c'est aussi vrai dans Un Ticket pour l'espace. C'est réalisé par Éric Lartigot, qui, je trouve, est un vrai très très bon réalisateur. Et déjà, dans Pamela Rose, je trouve qu'il arrive à choper. L'image en fait de ces films là et dans Un Ticket pour l'espace c'est encore plus impressionnant sur les décors, les trucs, les machins. Toi, tu disais que c'était un film que tu avais même préféré à Pamela Rose. Moi, Enrico Macias, c'est un Lartigos. Ouais, je suis à Lartigos. C'est vrai que vous avez un fan club et Lartigos. De la même manière, je me souviens pas très bien parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais j'en ai un super souvenir. Je me souviens qu'il y a un dindon géant aussi. Enfin, il y a des trucs incroyables. Dindon, ouais. Et je sais qu'ils essaient de faire semblant. Enfin, il y a un mec qui est mort. Je sais plus. Ça doit être le frère jumeau de Guillaume Canet. Oui, qui c'est est mort. Ça. Ils ont échantillonné sa voix avec un clavier. Sur son répondeur, en fait, ils disent en gros, il y a une technologie. On a développé une technologie pour recréer sa voix. Et en fait, c'est juste à partir de son répondeur, il y a des syllabes. donc il utilise. Oui, bien sûr, avec un clavier. Un petit clavier, bon tant pis et tout. Ouais. Non, mais il y a plein d'idées comme ça, trop génial. Dussolier est très très drôle dans le film aussi. Il y a André Dussolier qui joue le chef de la NASA et qui est très marrant. Quand Dussolier, c'est toujours trop bien. Ouais, non, il y a des très bons trucs. C'est une comédie de SF, pareil. C'est un pitch de comédie. Bah, moi, j'y vais à chaque fois. Ouais. Et c'est deux points d'avance. Il y a aussi une très très bonne idée. C'est Thierry Frémont qui joue un prof de théâtre pour enfants, mais qui leur parle comme un théâtreux. Il fait « Mais c'est de la merde !» merde. Et il engueule des gosses vraiment en disant mais t'y crois pas alors qu'ils sont déguisés en coccinelle. Ça m'avait fait beaucoup rire. Éric Lartigot, qui avait aussi réalisé Prête-moi ta main, très bonne comédie romantique, coécrite par Alain Chabat avec Charlotte Gainsbourg. Et voilà, pareil, petit troco comme ça, parce que c'est vraiment un super film, c'est super. Ouais. Les rom-coms françaises comme ça, on n'a pas beaucoup aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors on te les cite tout le temps les mêmes. C'est 20 ans d'écart, L'Arnaqueur et Prête-moi ta main. Ouais. Et voilà, mais Prête-moi ta main est pour moi au-dessus des trois, enfin des deux autres. Je trouve que c'est vraiment un super film. J'adore L'Arnaqueur aussi. Ah ouais, c'est, ouais. Peut-être que je l'ai vu trop tard. Mais Prête-moi ta main, en fait, j'ai des vrais fous rires. En fait, bah, il y a Chabat quand même. Il y a toujours un petit truc où ça marche bien quand même. Ouais, c'est pas mal le couple. Enfin, Chabat, Gainsbourg, ils sont tous les deux un peu détachés. Ils s'en foutent en fait. Ils ont pas envie de se mettre en couple. Et c'est pas le cas des deux autres films en fait. C'est plus premier degré. Non, puis il y a des vraies scènes de comédie vraiment très drôles dans Prête-moi ta main. Et des petits twists quand même aussi d'intrigue où tu fais oh putain, comment ils vont faire, etc. J'aime beaucoup que, en gros, la première moitié, il veut faire croire à ce couple, et la deuxième moitié, enfin la deuxième tiers plutôt, c'est faut que tu sois horrible maintenant pour que tu puisses te battre. Enfin, il y a quand même des trucs de changement d'intrigue qui font que t'es toujours à fond dans le film, et c'est un film vraiment bien construit quoi. Enfin bref, c'est vraiment un très très bon scénariste, Alain Chabat. Chez Canal+, il y a beaucoup de gens. Je sais pas si vous le savez, mais un des mecs qui a fait un peu ses armes à Canal+, c'est Benoît Poulvorde en vérité, qui faisait Monsieur Manhattan là-bas. Et qui en fait est devenu assez connu en France. Alors évidemment, C'est arrivé près de chez vous, mais C'est arrivé près de chez vous, c'est un succès de festival presque. C'était pas un film qui a cartonné en France, mais les Français l'ont beaucoup découvert, d'abord avec Monsieur Manhattan. Alors il y a Podium dont on va parler. Est-ce que vous, il y a un film à part Podium qui vous parle? Toi, je sais que tu aimes beaucoup par exemple Les Portes de la Gloire. C'est vraiment le haut du panier. D'ailleurs, je crois que c'est la même année que Podium. Pour moi, c'est vraiment le sommet. Alors je crois que c'est un peu avant. Je crois que c'est un tout petit peu avant. C'est deux ans avant. Et c'est le sommet de la carrière de Poulvorde. C'est vraiment très très très méchant. C'est l'une des comédies françaises les plus méchantes que j'ai jamais vues. Je vous raconte pas la fin, mais c'est méchant. C'est très méchant. Ça raconte un groupe de vendeurs d'encyclopédies qui sont menés par Benoît Poulvorde, qui a des méthodes un peu révolutionnaires. Et donc il fait une espèce de tournée dans le sud de la France. Et il y a Julien Boisselier qui est le petit nouveau de la bande en fait, et qui va s'initier à ce truc-là. Et qui est le beau-fils du grand patron quoi. Et qui est le beau-fils du grand, qui est joué par Jean-Luc Bidault, qui est incroyable. Génial. Ouais. Tous les seconds rôles sont géniaux. Il y a Étienne Chicot qui est trop bien aussi. Et voilà, ils se rendent compte que le gars qui les dirige, c'est un tocard complet, c'est Benoît Poulvorde, et qui en même temps hyper qui est enthousiaste comme on connaît Benoît Poulvorde, et c'est un loser magnifique quoi. C'est un peu Michael Scott, vraiment très méchant. Parce que Michael Scott, il est gentil. Oui. Alors que lui, c'est une ordure en fait, il est horrible. C'est plus Ricky Gervais en fait. Oui, c'est plus ça. C'est ça. Et lui, il est complètement en dépression. Tous les soirs, il regarde le pont de la rivière quoi. Il se met son flingue sur la tête. Il joue à la roulette russe dans sa chambre d'hôtel. Et c'est vraiment trop bien. C'est un film qu'il a coécrit, Benoît Poulvorde d'ailleurs, Les Portes de la Gloire. Il a coécrit ce film, tout simplement. Sur un texto en même temps. Je dis voilà, il se passe plein de choses sur mon ordi. Et le personnage de représentant, enfin le thème de porte à porte, c'est presque un sous-genre dans la comédie française, notamment. Marielle et aussi parfois Rochefort jouaient souvent ce genre de personnage. Ah non, je savais pas. Et donc t'as ce truc dans les années 70, y a, dans lequel il est vendeur de parapluies. Il y en a plusieurs. Mais il vend des encyclopédies dans L'Entourloupe de Gérard Pérez. Ah oui, là, il ressemble vachement. Et c'est Gérard Lanvin et Jacques Dutronc qui ont un peu les mêmes rôles que Julien Boisselier dans Les Portes de la Gloire. Et alors c'est un peu moins marrant, mais Jean-Pierre Marielle est exceptionnel, et notamment il a un monologue où il explique comment on fait pour vendre des encyclopédies à des gens qui n'ont pas du tout les moyens de se les payer et qui dit que c'est ça le vrai sport, quand on vend des encyclopédies à des gens vraiment pauvres, c'est génial quoi. Mais d'ailleurs oui, c'est vrai que t'as raison, là, tu dis que c'est un sous-genre, mais c'est en plus, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand c'est bien fait, c'est que c'est un clown très français, j'ai l'impression, le vendeur de porte-à-porte, pour voir des, évidemment, belges, mais c'est un clown qui, en tout cas, marche très bien, je trouve, j'adore quand on arrive à faire ça, à croquer un petit peu, mais d'ailleurs, un peu, on va parler de Podium, mais le côté les sosies dans une grande soirée des sosies, c'est tellement franco-français. Je pense que le VRP c'est un peu le start-upper maintenant. Enfin, c'est un peu l'archétype dont on se moque, le mec qui a fond dans son taf et qui croit. Enfin, c'est la méthode américaine. Oui, c'est ça, la méthode américaine. Tu disais, il regarde le pont de la rivière. River Quay, parce que pour lui, il y a un peu le côté c'est la guerre et tout. Mm. Enfin, ce genre d'analogie qu'on retrouve maintenant chez les entrepreneurs et tout. Et c'est un peu l'archétype de l'époque. Mais ça serait plus le chauffeur Uber, en fait. Parce que c'est. Oula. Si, parce que si, c'est, en fait, c'est le chauffeur Uber auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, c'est pas non plus des gens qui gagnaient très bien leur vie. Donc il y a un truc. Ouais. Ouais. Moi, je parlais le personnage de Poulvord qui lui est déjà un peu un chef, en fait. Du truc. Ouais. Mais t'as aussi un côté un peu loose et en même temps, t'as ton destin en main. Enfin, ouais, ouais. Oui, alors ça, c'est effectivement. Le vendeur de parapluies, c'est dans les galettes de Pont-Aven, tu penses, et où effectivement c'est plus, enfin c'est vraiment la misère d'un mec tout seul qui galère et qui essaie de s'en sortir. Et là, c'est mais les galettes de Pont-Aven, c'est une comédie, mais c'est déprimant presque, hein, quand même. Ouais, hein, ouais. Tu pleures presque. Et puis alors maintenant, il y a quand même la couche aussi de ces 70s, c'est ça, c'est les 70 qui est sorti, et qui du coup, je trouve que c'est toujours une petite mélancolie dans ces films-là, le timing comique. Non, mais tu sais, tout est un petit peu plus. Non, mais en plus, c'est Seria, il y a un côté misère sexuelle qui s'ajoute au truc de la misère professionnelle, et donc du coup, t'as un peu un trop-plein à la fin. Et, c'est un peu différent. Mais c'est super, hein. Par contre, pour le coup, les galettes de Pont-Aven, c'est vraiment un super film. Et moi, Poulvord, avant Podium, c'est dans Le Boulet que je l'avais découvert et aimé. Enfin, aussi, à cette époque, il squattait beaucoup les plateaux télé. On le retrouvait souvent dans Les Enfants de la télé. Et c'est le cas aussi d'ailleurs d'Eric Ramsey, Michael Youn, Jamel. C'est ça, c'est-à-dire que Eric Ramsey, j'ai presque plus de souvenirs des passages télé que des films parfois. Enfin, ça allait avec en fait. Bah, ils viennent mettre le sbeul en fait. Tu savais que quand ils étaient en promo, ça allait être. L'émission le samedi soir, ça allait valoir le coup quoi. Je me souviens presque autant du fou rire du mec qui a une barbe. Je sais pas si vous vous souvenez chez De Chavannes. C'était pour la promo de Narco, film où d'ailleurs Poulvord est excellent, où il est fan de Jean-Claude Van Damme, où il joue Lenny Barr. Excusez-moi, mais bon, quand même. Et bon, bref, en tout cas, film de Gilles Lelouch qui était super déjà. Exactement. Et donc voilà, bref, c'était une séquence qui m'avait moi marqué à l'époque. Mais oui, dans Le Boulet, mais on va y revenir plus tard, parce que pour moi, Le Boulet, ça fait partie d'une catégorie de films dont j'aimerais parler dans pas très longtemps. Sinon, il a fait aussi Le Vélo de Guylain Lambert, que moi j'ai pas vu. Même Les Randonneurs, j'avoue que je suis passé à côté. Mais c'est vrai que tous les ans, il sortait un film Benoît Poulvord. Et en plus, il un peu comme De Funès faisait toujours un peu le même rôle dans différents carcans. Poulvord, je trouve qu'il a, ou Clavier, ou etc. Poulvord, il avait ça, quoi. C'était quand même le grand loser magnifique qui se la pète, mais qui est nul. C'est pareil, il a créé un archétype, un peu comme on disait tout à l'heure avec Dujardin. Il a créé cet archétype de loser qui, en même temps, est horrible avec tous les gens qui croisent. Avec un énorme égo. Il souffre, en fait. Enfin, c'est vrai, il peut souffrir. C'est pas si grave que ça dans le contexte d'une comédie, parce qu'il est horrible. C'est ça. Et il a fait ce film que moi j'adore, qui s'appelle Les Convoyeurs attendent de Benoît Mariage, qui est beaucoup moins une comédie, qui est assez dramatique. C'est presque un drame. Ouais. C'est ça, mais qui a quand même des moments très marrants où il essaie de faire battre à son fils le record de l'ouverture de porte pour rentrer dans le Guinness Book. Mais c'est un film en noir et blanc et c'est un super film que je vous conseille, mais qui est pas très drôle, mais qui est quand même un super film. Donc oui, je voulais parler de Podium parce que j'ai l'impression que c'est quand même son plus grand succès et c'est un film qui est revenu quand même pas mal de fois. C'est rigolo parce que c'est un film assez premier degré. Bon, alors pour le coup, c'est vraiment autour de sa personnalité. Est-ce que c'est un film que vous aimez, vous, Podium, toi, Mélissa? Ouais, je l'avais rajouté dans la liste, je t'avais envoyé mon top 10, j'ai fait putain, j'ai pas mis Podium. Et le pire, c'est que c'est Podium, c'est un peu mon espèce de plaisir coupable parce que je suis là. Alors, oui, alors Yann Moix, c'est. mais j'adore Podium, je suis désolée. Voilà, c'est vraiment ma petite anomalie. Je me sens obligée de le mettre à chaque fois en préambule. Genre, oui, bon, voilà. Mais Podium, c'est vraiment un film que Yann Moix voulait faire. C'est un film il en a d'abord fait un bouquin en espérant que ça marche pour motiver Benoît Poulvord à faire le film. Parce que c'est vraiment, il rêvait de faire ce film. Et Benoît Poulvord, c'est bête à dire après coup, mais je vois personne d'autre faire ce rôle. Alors qu'il ressemble pas à Claude-François, mais c'est ça qui est beau. Enfin, et la meilleure idée du film, c'est quand même Jean-Paul Rouve en Michel Polnareff. Mais ça, c'est bien sûr. J'ai l'impression que c'est le premier rôle où alors il avait fait plein de films avant, mais c'est le premier rôle où Jean-Paul Rouve marque vraiment les gens, quoi. Où j'ai l'impression que tu te souviens vraiment de lui à la fin. Alors qu'en plus, c'est difficile dans un film avec Poulvord qui prend autant de place dans le film. Et c'est vrai que c'est là que tu te souviens très très bien de Jean-Paul Rouve à la fin. Mais encore une fois, il a un timing comique, Poulvord, incroyable. Et effectivement, il fait le connard, il le fait à la perfection. Et t'as vraiment toute cette montée où le succès arrive. Et encore une fois, il arrive, il délivre les je parle comme les Anglais, mais voilà, les répliques à chaque fois avec une précision. À côté de moi, Johnny Hallyday au Stade de France, c'est un Playmobil dans un évier. C'est vraiment une des meilleures répliques qu'on a eues ces derniers temps. J'en sais rien d'ailleurs, peut-être que ça vient de Yann Wax, mais il y a des expressions que en même temps t'entendais parfois dans les Monsieur Manhattan, dans les trucs, enfin... Ah non, c'est beaucoup Benoît Poulevard. Ouais, tu sens qu'il a beaucoup apporté quand même. Non, Yann Wax, il a apporté la matière de base, qui est effectivement ce côté sosie et un peu. Foire à la saucisse. Ouais, foire à la saucisse, qui était dans le bouquin. Et, mais Benoît Poulevard, il a rajouté ce personnage, en fait, qu'il avait déjà créé avant. Et c'est le mélange des deux qui donne un truc super. Mm. Ah, mais j'ai toujours une petite tendresse pour les trucs un peu. Les foires, le feu sur le parking et tout. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est mon petit côté. Je viens de province. C'est un truc un peu de loser. Moi, j'adore. De moi, machin. Quand il danse avec, sur le parking. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Moi, c'est marrant. Je travaille en ce moment sur un projet sur ce qui se passe dans ce genre de décor. Et je cite souvent la scène où il danse sur le parking où il y a les reflets de Auchan, Toys R Us, Cuisinella, avec des flaques au sol. Et donc, tu vois, tout brille. Et. C'est une belle scène, je trouve. Enfin, c'est assez. Mais elle marche super bien. C'est elle ça. Marche super bien. Et lui est très attachant. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque avec Podium, c'est qu'à la fin, je suis assez ému quand même. Ah, moi, à la fin, je chialais, moi. Ouais. Enfin, le moment, je vais pas dire. Pas spoiler, mais on voit de lequel. Bien sûr. Vraiment, j'avais chialé, je me souviens, quoi, à l'époque. C'était vraiment une très scène. Émouvant, ouais. Mmh. Et en plus, enfin. Bon, c'est un peu c'est pas très subtil, mais en vrai bon ça marche très bien. Et moi je l'avais pas vu venir quand même quand il le fait, j'ai fait ah bah oui j'ai pleuré aussi Vraiment, moi je pleure tout le temps, donc après, c'est pas un bon exemple. Vous les gars, c'est un film que vous avez... Poulevard, vous avez pas fait de vidéo dessus, mais c'est vrai que vous pourriez, parce que c'est vrai qu'il a un espèce de truc vous mettre la pression. Faites-le. Il le déteste. On pourrait aussi bien faire une vidéo sur C'est arrivé proche chez vous que sur Podium. C'est vrai. C'est des films qu'on aime beaucoup. Ouais. Et effectivement, il y a ce truc que. En fait, Poulevard, il a cette petite fêlure et il la cache pas. Enfin, il y a ce truc. Et c'est malheureusement, en fait, un peu la suite de sa carrière. Il y a eu. Les difficultés avec. Astérix. Avec Astérix qui. Qui ont été un mauvais passage dans sa carrière. Et il le cache assez peu en interview. Ouais, enfin, mais en fait, tu sens qu'il est à fleur de peau depuis le début aussi en tant qu'acteur. Et du coup, ça marche parfaitement bien dans ce film où tu as besoin d'avoir le gars qui surjoue d'être sûr de lui et en même temps qui a ce côté un petit peu pathétique qui finit par rejaillir. Quoi. Et c'est un ton de comédie où t'es toujours un peu mal à l'aise, en fait, quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, ça fonctionne très bien. Quoi. Et c'est un film avec Evelyne Thomas. Et ça fait quand même plaisir. Marianne, c'était Mia quand même Fry. Marianne. Ouais, et Mia Fry également. Oui, Mia Fry, d'ailleurs, où il l'insulte dans le film et c'était improvisé. C'est juste qu'il n'en pouvait plus. Elle l'a mal pris, en vrai, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est elle qui lui faisait apprendre les chorés et lui, il n'en pouvait plus. C'est ce qu'il le disait en interview. Il y a un super format qui est sorti, c'est chez GQ je crois ou Vanity Fair, où il revient sur les films de sa carrière. Poulevard, il y a un truc qui se fait beaucoup. Ouais, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et là il le fait sur ses films à lui et il parle de Podium et il raconte qu'il avait complètement sous-estimé le travail de chant, de danse. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce qu'il a refait l'erreur apparemment sur Le Grand Bain où il disait attends quoi, il faut que je danse encore et que je sois sous l'eau et machin. Il lit le scénar, il dit bon au coup je vais me marrer, mais il avait pas du tout compris qu'il allait devoir autant répéter parce qu'il a vraiment taffé de ouf. Et pour le coup c'est capital. Ça c'est un truc qu'on avait expliqué dans une vidéo à propos de Louis de Funès, c'est le fait que pour ce genre de truc, pour que ça soit marrant, il faut que ça soit bien exécuté. En fait c'est pas marrant de faire des trucs de mal faire. Et ça me fait penser aussi, j'ai vu dans un avion récemment Aline, film de Valérie Le Mercier sur Céline Dion, et tu sens que ça repose aussi là-dessus sur si tu veux chanter, si tu veux danser, si tu veux faire des trucs comme ça, l'exécution doit pas être défaillante, en fait. Sinon on pourrait croire intuitivement que c'est marrant quelqu'un qui fait mal, mais en fait c'est beaucoup plus drôle quelqu'un qui est parfait, qui est parfait et qui va avoir derrière les moments de comédie. Et en plus dans Podium, vu qu'il ressemble pas à Claude François, t'as un peu besoin quand même qui gère bien tout ça pour qu'on y croit. Ouais, mais encore c'est ça, t'as besoin d'y croire. Et pour le coup quand à chaque fois les chorégraphies sont ultra millimétrées, donc pour être pour bien gagner ce personnage de connard qui prend la confiance et qui arrive à se bâtir quand même une belle carrière on va pas refaire tout le film, mais à se bâtir une belle carrière dessus, faut vraiment qu'il soit au top. Et il le fait vraiment super bien, quoi. Donc c'est ce que je disais, il joue un peu un loser magnifique qui est en fait un archétype très français et un des plus célèbres vieux exemples de ça pour moi en tout cas. C'est Un éléphant, ça trompe énormément, avec Jean Rochefort. Alors c'est un film qui a pas été trop cité, mais encore une fois je pense que c'est plus un truc générationnel. Pour moi c'est un de mes films préférés, pour être tout à fait honnête, tout confondu. Pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, voilà, réalisé par Yves Robert et co-écrit par Jean-Loup Dabadie. Jean-Loup Dabadie, pour les plus jeunes, j'allais dire, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est un scénariste très important dans l'histoire du cinéma français, parce qu'il a écrit sur beaucoup de films de Claude Sautet, que ce soit Les Choses de la Vie, Vincent François, Paul et les autres, César et Rosalie, et moi, un film qui est moins connu, mais que j'aime beaucoup, il s'appelle Garçon, avec Yves Montand. J'aime un peu moins la partie histoire d'amour, mais tout ce qui se passe dans le restaurant, je trouve que c'est ouais, tellement drôle, bien écrit, malin, enfin bref. Un vrai génie qui en plus aussi, bah on parlait de Julien Clerc, il a écrit Ma Préférence, Jean-Loup Dabadie, tu vois, et plus des chansons de Paul Naref, tout se recoupe, j'ai envie de vous dire. Et donc ouais, Un éléphant, ça trompe énormément, c'est un film avec Jean Rochefort entre autres, mais il y a aussi Claude Brasseur, Guy Bedos, voilà, et merde, Louis Labrocante, Victor Lannou, exactement. Tout le monde est mort récemment en fait. Ça, il y a plus. Dabadie, ah, non, il reste Marc Villalonga, la mère de Guy Bedos dans le film. C'est alors qu'ils avaient 2 ans d'écart. Ils ont fait comme Sean Connery et Harrison Ford dans Indiana Jones. Sachant qu'elle meurt dans le deuxième film. Justement. Oui, c'est ça, exactement. Spoiler. Est-ce que vous, c'est un film qui vous plaît ? Est-ce que c'est un film ? C'est un film qui est vraiment culte quand même dans la comédie française. Bah, c'est vraiment. Alors, c'est aussi un autre sous-genre. C'est les films de bande de potes et de potes mecs. Qui est, enfin là, ce qui fonctionne hyper bien, c'est la galerie de personnages. Enfin, chacun a son type de personnage et se complète, et en même temps, il y a toutes les scènes de camaraderie et tout qui fonctionnent bien. Donc la comédie repose sur les personnages et sur comment ils vont réagir aux différentes situations. Il y a le fait que Rochefort joue le personnage d'un mari complètement parano. Enfin, il a l'impression de se faire tromper. Ça le met dans des situations. Et en même temps, lui... Oui, il a envie de tromper sa meuf. Et lui a envie de tromper sa meuf. Enfin, en fait, j'inverse un peu peut-être les deux intrigues. Parce qu'en fait, oui, il y a deux films. Donc Et nous irons tous au paradis. Dans le 1, c'est lui qui veut avoir une affaire. C'est ça. Il sait pas comment. Il n'y arrive pas. Enfin, ça foire tout le temps. Et en gros, la blague, c'est qu'il envoie off à chaque fois, il est grandiloquent, il se trouve génial et sublime et machin, et quand tu vois l'image, c'est juste, c'est un raté quoi, c'est un immense loser. Ouais, et dans le 2, il est persuadé que sa femme le trompe. Exactement. Et il fait tout un, enfin des magouilles pour essayer de la prendre sur le fait ou de exactement, s'en assurer. Exactement. Et ouais, c'est des films qui sont aussi très attachants. Enfin, tu t'attaches vraiment aux personnages. T'as envie de traîner avec eux, en fait. Mais justement, c'est très très dur à écrire un film de potes, parce qu'il faut réussir à ce que le spectateur adhère à ta bande et entre dans le truc. Au risque, il y a plein d'exemples de films où tu vois que les gens s'amusent vachement à l'écran, mais toi tu rentres pas dedans et du coup tu t'es exclu. Et t'as un peu tes préférés, alors que dans ce film-là, je trouve que c'est assez malin, puisque chacun a ses trucs pour que tu les kiffes un peu tous, quoi. Et puis t'as quand même un héros, tu suis quand même Jean Rochefort, et après les autres ont un peu leurs intrigues secondaires. Et d'ailleurs, Claude Brasseur, dedans, c'est ce qui faisait que le film, je trouve, n'a pas trop vieilli. Il incarne une sorte de... Bah, c'est un personnage homosexuel. Et à l'époque, c'était quand même assez rare de le jouer. On en parlait en parlant de mes meilleurs amis, mes meilleurs copains. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de Bakri. De Bakri, qui joue un personnage. Exactement. Et ben, en fait, il s'est passé exactement la même chose avec Claude Brasseur. C'est-à-dire qu'à la base, il devait le jouer un petit peu plus efféminé, un peu grande folle, comme on disait à l'époque. Et lui, il a refusé de faire ça. Il disait non, moi, je ne veux pas le jouer comme ça, etc. Et pas caricatural, et il a remporté le César du meilleur second rôle. Et c'est vrai que c'est un des personnages les plus attachants dans le film. Oui, parce que ses amis ne le savent pas, en fait, qu'il est. Je crois qu'ils le savent à la fin. Enfin, ils se rendent compte à la fin. Et il a peur d'être jugé, il a peur de que ça change leur regard sur eux, et ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui l'émeut dans le film. Non, c'est vraiment un super film. Je me souviens un peu moins de Nous irons tous au paradis, pour être honnête. Mais qui est très bien aussi. Enfin, les deux sont super. Et c'est marrant que tu citais de Dabadie, Vincent François, Paul et les autres, parce que c'est presque un film qu'il faut voir en regard, parce que c'est la version dramatique du film de bande de potes, quoi. Et du coup, les ressorts. Parce que c'est des potes qui s'engueulent beaucoup, où tout se brise un petit peu autour. J'ai toujours trouvé ça horrible, ce titre Vincent François, Paul et les autres, parce qu'il y a quand même le perso de Depardieu, qui est quand même super important et qui met en les autres, alors que c'est le seul qu'ils citent pas dans le film, quoi. T'as Vincent François Paul et ils disent pas le prénom du quatrième. Comment il s'appelle déjà? Ouais, mais c'est ça, on a oublié du coup, c'est horrible, quoi. Bon, bref. C'est comme Ramsey dans La Tour Montparnasse. Exactement. Et d'ailleurs, en film de bande de potes, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Radio Star de Romain Lévy et avec Manu Payet, entre autres, Manu Payet. Et voilà, tu parlais de film de bande de potes et ça, c'est un film que moi, vous l'avez vu ou pas? C'est un film que moi, je trouve très cool. Je m'en rappelle pas. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, du coup. Ouais, mais je me rigole. Je l'ai beaucoup, vu avant, quand j'ai su que j'allais tourner avec Manu Payet, j'ai dit peut-être je vais regarder. Et du coup, comme tu m'en avais beaucoup parlé, je l'ai regardé. Moi, j'adore ce film. Quoi. Ouais, j'adore ce film. Et en plus, il y a plein de personnages, plein de comédiens qu'on a retrouvé derrière. Benjamin Laverne a un petit rôle, par exemple. Ouais. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Alice Belaïdi, elle fait une mini apparition, mais Cornillac. Tu te souviens que Pascal Demolon, non, là-dedans. Ouais. Parce que c'est le premier Cornillac. Film. Ouais. Bah, pour le coup, ouais, Clavis Cornillac, il a déjà sa carrière. Mais et en gros, c'est Romain Lévy, c'est ça. Qui parle en gros de sa carrière à énergie, plus ou moins, parce qu'il était l'auteur de Manu Payet. Et du coup, il y a une authenticité que je trouve assez chouette dans le film et que je trouve vraiment bien. Et Cornillac, il est très émouvant. Enfin, c'est un film que j'adore, Radio Star. Ouais, il est chouette. Et c'est ce film qui a lancé l'expression DOS. Le DOS. Le célèbre DOS. Le DOS du Manos. Bah. Manos, un petit DOS. Voilà. Ouais. Contractuellement, Manu Payet est obligé de le dire maintenant dans toutes les phrases. Un véritable DOS. Vous me dites si vous voulez faire une petite pause, pipi, boire et tout, n'hésitez pas. On est à la cool. Ça va. Autre famille dont j'aimerais parler, alors elle n'est pas vraiment générationnelle, mais c'est un peu ce que j'appellerais les chelous, les comédies un petit peu surprenantes. Alors avant de parler effectivement de Quentin Dupieux, il y en a un que j'aimerais citer parce qu'il est aussi de l'écurie Canal, et les gens l'oublient, parce qu'il a d'abord fait de la scène, c'est Albert Dupontel. Ah. Albert Dupontel qui avait fait de la scène, qui s'était fait découvrir par Patrick Sébastien, grand découvreur de talent, parce que c'est quand même lui aussi qui a découvert Jean Dujardin, Patrick Sébastien. Donc respect à lui, en plus de ses chansons, respect à lui. Et il avait fait Les Sales Histoires avec Michel Vuillermoz sur Canal+, qui était un programme court dans Nulle Part Ailleurs, voilà, qui passait assez régulièrement. Et il a fait Bernie. Bernie, qui est un film Canal et qui est un film assez important, qui est dans ton top d'ailleurs, Adrien, un des films que tu as cité quand je vous ai demandé vos films préférés. Alors pourquoi Bernie? Je sais pas, mais non, on est sur un film méchant et en même temps très tendre. C'est ça que moi je trouve assez fort dans Bernie. Il est pas, en fait, mais je pense qu'on peut trouver un point commun avec Didier, c'est que il y a une, en fait, Bernie, il a une innocence totale, quoi. Il, en fait, même dans sa façon d'être violent, il est violent comme un gosse, quoi. Il n'y a pas plus violent qu'un gosse qui est contrarié, qui va foutre une droite parce qu'on lui a piqué son jouet. Et le monde autour de lui est horriblissime. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il a des réactions d'enfant apeuré qui sont disproportionnées par rapport à l'attaque qu'on lui fait. Et alors moi déjà, la violence, ça me fait beaucoup rire. Bah oui. À ne pas sortir de son contexte. Non, mais dans les trois frères, quand le chien se prend le coup de pied, t'adores, par exemple. Non, attention. non, mais il y a des... Non, mais visuellement, c'est des textes à vrille, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Mais bah, moi, en plus, moi, quand j'avais 3 ans, mais j'ai vraiment grandi avec Tex Avery, je pense que ça vient de là, parce que Tex Avery, c'est ultra violent, il se fout des coups de marteau dans la gueule, il s'écrase. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu ses influences à Dupontel. Bien sûr, et puis même Chaplin, tout ça, c'est des noms qu'il cite souvent. Ouais. Et en fait, il y a à la fois une innocence et une violence dans ce truc. Et puis Dupontel, qui est une façon de parler, qui est un vrai clown, en fait. Que lui qui parle ça, c'est trop drôle. Et je sais pas, c'est tout ça qui fait que j'ai vraiment. Mais encore une fois, tu vois, il y a ce truc d'innocence et de sincérité, mais là, du coup, bon, là où Didier est quand même plus gentil et la violence, elle est plus de l'autre côté. Et quand Didier, il est. Mais encore une fois, Didier, parfois, il est violent aussi, mais c'est en réponse à la violence. Qu'on lui inflige et là c'est un peu ça aussi, quoi. Mais ouais, mais c'est parce que sa vie est horrible jusqu'au moment où à la fin ça devient un peu, mais bon, mais Bernie en gros c'est l'histoire d'un gamin de la DAS, enfin plus ou moins, qui quitte l'orphelinat pour retrouver ses vrais parents avec un énorme héritage. Enfin, je sais qu'il a beaucoup de pognon, je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais je sais qu'il a et en fait il a, c'est ce qui fait que je trouve qu'il est tout le temps touchant, Bernie, c'est qu'en fait il veut juste retrouver ses parents et que sans vous spoiler trop, il découvre que ses parents sont encore plus horrible que lui. Lui ne le conscientise pas, il est juste content d'entrer ses parents, mais toi en tant que spectateur, tu réalises que ses parents sont encore pires que lui en fait. C'est un film qui avait beaucoup marqué à l'époque. Je me souviens du DVD, moi, où il y avait beaucoup de bonus, où plein de stars américaines disaient à quel point ce film était culte pour eux. Je me souviens de Robin Williams, qui le cite comme un de ses films préférés, Terry Gilliam évidemment, Terry Jones, qui sont des gens que Albert Dupontel cite souvent lorsqu'il fait des. Qui sont ses potes du Et maintenant ils sont devenus. Enfin, Terry Jones est décédé, mais oui, Terry Gilliam est un de ses potes. Non, mais, Et est-ce que vous, c'est un film que vous aimez bien, Hugo, David? Je crois qu'il y a une scission dans quel mot sur Dupontel. Moi j'ai du mal avec Dupontel, mais enfin à la limite Bernice c'est peut-être celui que je tolère le mieux. carrément. Par exemple, il y en a un que moi 9 mois ferme, j'ai souffert dans la salle. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être en déphasage avec le public où tout le monde hurlait de rire et j'ai pas pas un sourire de tout le film. Ouais, j'ai un problème un peu esthétique aussi avec le cinéma de Dupontel, le côté un peu la caméra en biais et tout ça, ça me parle pas du tout. Mais Le coup, Bernie a moins ça. Mais Bernie a moins ça, justement. Et aussi, si ce n'est son dernier film, Au revoir là-haut. C'est Adieu les cons, le dernier. Mais au revoir là-haut avait moins ça. Et j'avais plutôt bien aimé aussi. Donc en fait c'est plus sa réale en fait peut-être qui c'est, c'est sa réale qui me parle pas trop. Après en fait intellectuellement même son c'est quelqu'un un mec que j'aime plutôt bien en interview, enfin je trouve sa vision on parlait de Jean-Yann, le côté je suis pas dans le game, il a ça de ouf, il va pas au César et on en a foutre et les films il y a ce petit mais pour moi c'est plus visuel quoi, enfin il y a un truc esthétique qui me met mal à l'aise et mais donc toi Hugo t'aimes bien Bernie? Moi j'adore c'est pour ça que je parlais d'une vraie scission c'est pour ça qu'on a un jour faudra qu'on fasse une vidéo dessus mais du coup il y a d'autres scissions sur des trucs que moi j'aime pas et qu'il aime, et donc du coup on va négocier. L'autre scission inverse c'est Jacques Tati que je déteste. Ah oui d'accord. Et ce qui est marrant, parce que tous les deux pratiquent une forme de burlesque, mais qui est pas du tout pas au même endroit. Équivalent. Mais alors après, si Dupontel aime Chaplin, parce que toi tu détestes Chaplin. Ouais, j'aime pas trop Chaplin. On parlait de Dupontel là donc. Non, moi j'adore quand Dupontel part dans des monologues notamment. Il y en a des tas dans Bernie où il efface cam sur la sur les hyènes et tout. Sur ses rêves, quand il raconte son rêve. En fait, c'est tout un imaginaire c'est un fou qui te dit ce qu'il a dans sa tête. Mais c'est encore c'est encore un truc de gosse, ça, tu vois, de faire des monologues ou de. Sans de s'arrêter, c'est vraiment un truc d'enfant. Et ce qu'il faisait dans ses spectacles, c'est pareil. C'est-à-dire quand il y a un sketch où il raconte Rambo pendant 8 minutes. J'adore. Enfin, c'est incroyable. Et j'aime tout ce qu'il a fait, tous ses premiers films en fait. Et c'est vrai que je trouve qu'il s'est un peu édulcoré de film en film. Et notamment le dernier, je trouve que c'est beaucoup moins. Bah, du coup, il n'y a pas de monologue de Dupontel. Déjà, grosse erreur pour toi. Ça. Mais il y a Virginie Efira. Voilà, c'est vrai. Après, il compense un petit peu. Mais je trouve que son personnage s'estompe avec les films. Et moi, j'ai mis dans mon top Le Créateur, qui est son deuxième film. J'allais en parler. J'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est en même temps hyper radical et moins violent que Bernie. Donc, les gens qui sont un peu gênés par la violence de Bernie, il n'y a pas ça dans Le Créateur. Mais c'est un film génial et il part dans des monologues tout le temps. faut vraiment aimer le style Dupontel. Et niveau caméra en biais, c'est le pire, je pense. Bah là, il la met dans tout. Dans l'écran d'ordi, dans le machin. Ça épouse le pitch du film aussi. Oui, je suis d'accord. Moi, je sais pas si on en parle après. Si, on peut en parler là, parce que Le Créateur, moi, c'est un film aussi que j'aime beaucoup. Moi, c'est marrant, j'étais allé à une masterclass d'Albert Dupontel quand j'étais un peu plus jeune, parce que Albert Dupontel. Avant que ça devienne. Masterclass. Exactement. Avant que ça devienne. Masterclass, faut préciser aux gens. Avant que ça devienne ce que font les streamers à chaque stream. Une véritable masterclass. Non, mais moi, là, ils font le strict minimum de la décence, ça devient une masterclass. Non, mais en gros. Moi j'ai fait mon éducation de réalisateur et de scénariste grâce aux commentaires audio beaucoup, et ceux d'Albert Dupontel c'est le premier truc que je conseille quand on me demande des conseils. Je fais, moi j'ai rien fait dans ma vie, écoutez plutôt les commentaires audio d'Albert Dupontel où il est extrêmement pragmatique. Et il dit pas genre, oh, qu'est-ce qu'on s'est marré ce genre-là. C'est, alors ce plan, je l'ai fait comme ça. Et ça, je l'ai fait comme ça. Et ça, bon, on n'avait pas de thunes, alors du coup, j'ai dû faire ça. Ces commentaires audio sont brillants et super intéressants. Et donc j'ai acheté tous ces DVD. Et donc un jour je vais à une masterclass parce que vraiment quand il parle de cinéma c'est quelqu'un de fascinant, de cultivé et qui et voilà, qui, il fait pas, il est vraiment dans, c'est un artisan quoi. Quand il parle de comment il fait un film, vraiment il explique mécaniquement machin et c'est super cool à écouter. Et à la fin de la masterclass je ramène mes 5 DVD de ces films parce que j'ai, à l'époque c'était pour je crois que c'était pour Le Vilain. C'était pour la sortie du DVD du Vilain. Donc il avait déjà fait Enfermé dehors et tout. Donc je lui amène Bernie, le créateur, Enfermé dehors. Et je lui dis voilà, moi le créateur, c'est mon préféré des trois. Je l'aime beaucoup et tout. Et il dit bah moi aussi. Mais après, c'est comme tes enfants. Celui qui est le moins bon à l'école, bah t'as le plus d'attachement pour lui, quoi. Enfin, bon, selon le dit, il a pas dû dire ça parce qu'il déteste l'école. Mais en tout cas, il dit le plus nulos, c'est celui que tu préfères, quoi. Celui qui a pas été aimé par les autres, tu lui donnes plus d'amour. Et effectivement, le créateur, moi je l'avais vu en cassette vidéo. On y revient au Vidéo Club. Parce que bah je l'avais, je pense qu'il a pas dû sortir très longtemps au cinéma, puis je devais être un peu jeune. Et en cassette, je l'avais reloué 3 semaines d'affilée pour le remater, tellement j'avais adoré le ton, les blagues, le rythme. C'est un film sur pour le pitcher vite fait, c'est sur un auteur. Tu peux peut-être le raconter. Ouais, c'est un auteur qui est un auteur à succès. En fait, il a fait une pièce à succès. On sait pas trop pourquoi au début du film, mais en tout cas, il sort de ce truc à succès. Et je crois que après avoir eu un succès avec sa pièce, il se retrouve plus ou moins en HP ou parce que c'est trop d'émotions, je sais pas quoi. Ouais. Et à un moment, il se retrouve à devoir écrire une nouvelle pièce. Et il n'y arrive pas en fait. Il n'arrive pas à refaire le. La pièce est annoncée en fait. La pièce est annoncée. Et là, il a pas écrit une ligne. Il a 2 mois pour écrire le truc. Ah, c'est et comme en fait... nous avec la tournée du podcast. Exactement. Et malencontreusement, un jour, il tue un chat. Accidentellement, un chaton. Et le lendemain, il se réveille. C'est précisé. Et il se rend compte qu'il a écrit pendant la nuit, genre 20 pages de son truc. C'est ça. Et donc il continue à tuer des chatons et ça marche. Et ça, donc il y a un jour, de la violence. En disant pas plus. Je trouve que là après on avance beaucoup. Non, parce que. Ouais, ok. Bon, un petit peu. En gros, il cherche l'inspiration. À un moment, et donc à la fin. À un moment, il tue des chatons et il se rend compte que ça marche plus. Ouais. Et donc du coup, il se dit bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. D'accord. Voilà. Il cherche l'inspiration. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Tellement de films que j'ai envie de regarder du coup. Là. Et ouais, c'est l'essence du Pontel. C'est-à-dire, c'est un mec qui rentre dans une logique de fou en fait. Mmh. Et tu rentres aussi dans sa logique. Et en même temps, c'est trop drôle. Et enfin, il y a des seconds rôles incroyables. C'est ça. Villarmoz est très drôle dedans. Nicolas Marié, il est incroyable Claude dedans Perron, aussi. Ouais. Ouais. Non, bah, c'est sa famille de cinéma. Tous ses habituels. Ouais, ouais. Mmh. Et à chaque fois, ils sont trop cool. Sachant que si je dis pas de bêtises, il a été médecin au début de sa carrière. Non oui, oui, il a fait des études de médecine. Je sais pas s'il a été médecin. Ah, oui, il a été docker. Peut-être qu'il a eu une expérience des hôpitaux psychiatriques. Peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose, même par rapport au fait, l'après Bernie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un mec qui a eu une pièce à succès, qui doit écrire une deuxième et qui n'a pas d'idée. Sans faire de la critique de comptoir, tu te dis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Tu veux dire que c'est un film méta? Peut-être un petit peu. Comme Fatal. Dans les autres réalisateurs un peu de cette génération, et c'est marrant, ils viennent aussi un peu de Canal+, Carvin Delépine. Ouais. Alors, c'est des gens maintenant qui ont. Qui font quand même régulièrement des films, qui ont même des succès. Ils ont beaucoup de stars qui viennent chez eux, du jardin, Jonathan Cohen et Vincent McCain. Ours récemment. D'argent à Berlin pour effacer l'historique. Ouais, effacer toi, dans ta liste que tu m'as envoyée, David, tu parlais de Altra, qui est leur premier film, je crois. Oui, c'est le premier ou deuxième. Ouais, premier, ouais. C'est le deuxième, évidemment. Donc, Altra, c'est le premier film, c'est un film en noir et blanc. Sur une sorte de road movie en fauteuil roulant. C'est ça, c'est deux mecs qui ont un accident agricole, ils se retrouvent en fauteuil roulant et ils décident ils d'attaquer. Ils veulent aller protester, c'est en Finlande, je crois. Sur le créateur de la maçonneuse batteuse qui leur a coûté l'argent. La société Altra, d'où c'est le titre. C'est ça. Et c'est incroyable. il y a vraiment. En fait, après, ça se retrouve dans tous leurs films. Et peut-être le film. C'est peut-être pas le film par lequel commencer leur filmographie. Ouais. Peut-être que Mammouth est un film. Le Grand Soir aussi, moi, je trouve, le un grand bon soir, film ouais. pour commencer. En fait, mais il y a à la fois tout un truc qui, pour moi, est lié un peu à la culture Groland. Donc, à un côté un peu trash, bizarroïde, etc., qui est. qui est une chapelle à part quand même dans la comédie française. Et puis c'est aussi un film qui esthétiquement, enfin en fait toutes leurs filmos, il y a des vrais partis pris esthétiques et je pense que c'est pareil, enfin c'est un peu comme Dupontel, c'est-à-dire tu adhères ou t'adhères pas, et pour le coup moi j'adhère beaucoup plus à Caverne d'Alépine que Dupontel, et là pareil aussi c'est il y a vraiment beaucoup de second rôle qui parce que comme c'est un road movie il voit plein de personnages différents. Oui, il y a Poulvord à un moment d'ailleurs. Il y a Poulvord, ouais. Si je me trompe pas, au bord d'un fan de moto, d'un circuit de motocross. Ouais. On voit pas son visage, quoi. On voit que le bas de son corps. Ouais. Il en parlait d'ailleurs, Poulvord. Il y a un super bouquin qui est sorti sur le cinéma de Caverne d'Alépine. Où il y a plein de gens qui reviennent un peu en oral talk, c'est des bouquins que j'adore, ça, où c'est des, juste les gens qui ont fait les films qui discutent. Ouais. Ouais. Et où il dit ouais, je suis venu, il n'y avait pas de thunes, donc personne n'est venu me chercher, personne ne m'a ramené chez moi. Et ils n'ont même pas filmé mon visage, quoi. Ils m'ont filmé dos. Je suis coupé à la nuque, je suis coupé au cou. C'est ça ce parti pris de mise en scène qui est génial, c'est-à-dire que comme les personnages principaux sont en fauteuil roulant, on est cadré sur les personnages principaux, et du coup, Poulvord, il est dans le cadre, mais on ne voit pas sa gueule, quoi. Ouais. On s'en fout. Et tu vois passer pendant toute la scène des motocross qui font le tour. Enfin, il y a un truc. Ouais, ils ont une science du cadre, effectivement. Ouais. Et tout est. Et dans le dernier, avec McKen et Jonathan Cohen, il y a toute une scène où t'as Cohen qui discute avec un gars, il est derrière un poteau. Ouais, derrière un poteau. Ouais. Ouais. Et Cohen racontait, je sais plus où, mais enfin, il racontait que. Enfin, il comprenait pas pourquoi il devait jouer derrière un poteau. Et en fait, la scène est trop drôle dans le film parce que. Enfin, c'est marrant, quoi. Enfin, c'est comme le truc des motos qui tournent. Et en fait, tout leur cinéma, c'est se poser et observer les gens. Et ouais, le comique se crée de lui-même, quoi. Ils détestent les champs contre champs, hein, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Eux, ils aiment pas les trucs un peu posés comme ça. Ils essayent toujours d'avoir le plan de caméra un peu chelou et surprenant quand tu regardes le film, quoi. Et ils sont aussi. Enfin, ce qui est cool chez eux, c'est qu'ils ont vraiment. Tous leurs films sont presque des road movies, en fait. Et ils ont une science du second rôle, en fait. Et notamment, donc il y a Poulvord dans Altra, mais en fait, dans tous leurs films, c'est un ou deux personnages qui vont aller rencontrer tout un tas de gens de plus en plus dingues les uns que les autres. Et ce qui est génial avec eux aussi, c'est qu'ils sont sans arrêt en train d'aller chercher des nouvelles personnes dans le paysage cinématographique. Et d'aller. Ils vont aller chercher Dujardin, ils vont aller chercher Blanche Gardin, ils vont aller chercher Michel Houellebecq. Mais ce qui est super maintenant, c'est que même ça s'inverse, c'est que les gens veulent aller dans leur truc, quoi. Ouais, donc, ça ouvre les champs des possibles, c'est super. Exactement, ouais. Et c'est du coup, à chaque fois, t'as. Un nouveau personnage qui entre dans le bestiaire de Caverne d'Alépine, et ce qui est génial, c'est que tu te demandes qu'est-ce qu'il va en faire, quel rôle il va avoir dans ce truc. Tu m'offres une transition que j'attrape au vol. C'est dans Altra qu'il y a Bully Lanners qui chante Sunny. Oui. Sunny, ouais. Ouais, okay. Il y a un plan fixe où le mec l'ai vu dans un bar. Il y a aussi dans Mammouth un moment où ils vont voir une sorte d'artiste qui fait des montages de poupées chelous et toute la séquence dans la maison avec cet artiste. Il y a aussi ce côté un peu. Freaks, sans côté péjoratif, mais qui la connexion que je fais, moi me rappelle un peu ce que font les Farrelly, en fait d'aller parfois chercher des seconds rôles qui tu verrais pas dans ce genre de film, qui font dévier la ligne. Oui, c'est Miss Ming, je crois, c'est une artiste, qui souvent fait de l'art. Ça a un nom, j'ai oublié le nom. L'art brut. Oui, je crois quelque chose comme ça. Et que dans Mammouth, il y en a beaucoup. C'est la seule scène dont je me rappelle dans Mammouth, pour le coup. Celle-là, elle m'avait marqué. J'ai pas revu depuis. Pourtant, il y a deux, trois scènes. Ouais, mais celle-là, elle m'avait bien marqué. Je sais pas pourquoi. Ouais. L'histoire de Mammouth est géniale. C'est Depardieu, en fait, qui doit aller récupérer ses papiers de retraite pour pouvoir toucher sa retraite. Et du coup, il fait le chemin inverse de tous les boulots qu'il a fait. Et c'est une galère et tout. Mais le pitch est super, je trouve. L'idée, il y a une petite scène avec Albert Delpy qui est excellente. Excellente, que je vous conseille. On peut citer aussi un peu c'est un peu un gros chapitre, je suis désolé, mais le père un peu de tous ces gens-là, j'ai l'impression. Alors j'aurais aimé parler de Dupieux, mais ça fait déjà 2h20 qu'on parle, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de gens à aborder, puis on a quand même 2-3 de Funès ou des choses comme ça, ou d'un moment, mais Bertrand Blier, qui est quelqu'un qui est beaucoup cité par tous ces gens-là. Je m'adresse forcément à vous deux, les garçons, on va tous un peu en parler, mais votre chaîne s'appelle Calmos. Ouais. Calmos, un film de Bertrand Blier avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle qui se cachent des femmes pour survivre. C'est quoi, vous, le film, que votre film préféré de Bertrand Blier chacun? Déjà, est-ce que vous avez le même? Je sais pas. Toi, c'est Préparez vos mouchoirs. Ouais, moi, j'adore Préparer vos mouchoirs, qui est son troisième film, je pense. Qui a fait Les Valseuses en premier, Calmos en deuxième. Et en fait, Les Valseuses, c'est le film que personne n'attendait et qui a fait un succès incroyable. Et après, il a pu faire ce qu'il voulait. Ouais. Et donc, il a fait Calmos, qui est un suicide artistique, en fait. Justement, les gens lui ont dit Calmos, donc il a fait autre chose. Ouais. Voilà, les gens lui ont dit Calmos. Et du coup, c'est son troisième film où il reprend le tandem des Valseuses, qui est Depardieu, Patrick Devers. Et c'est un pitch quand même un peu bizarre. C'est donc Depardieu. Toujours, pour les gens qui connaissent pas Bertrand Blier, c'est toujours des pitchs un peu chelous. Ouais, c'est Depardieu qui arrive pas à contenter sa femme, en fait. C'est pas spécialement sexuel, c'est juste qu'elle s'ennuie. Et un jour, il est au resto avec elle, ils sont en train de manger une choucroute tranquille. Et il voit passer un gars en train de lire un magazine tout seul. Et lui dit, il va le voir, il lui dit. Je vois que tu t'intéresses à ma femme. Est-ce que tu veux te mettre avec elle pour lui faire plaisir, quoi? Parce que moi, mon truc, c'est de lui faire plaisir. Et en fait, c'est une espèce de triangle amoureux, mais pas vraiment ça, en fait. Où c'est deux mecs qui essaient de faire plaisir à une femme, mais ils n'y arrivent pas. Ce qui est un motif qui revient, souvent dans ces films. Il y a ça un peu dans Tenue de soirée, il y a ça dans La femme de mon pote. Ouais, quasiment tous ces films. C'est très dur, La femme de mon pote, c'est son obsession. C'est un film assez difficile. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps avec Coluche et Thierry Lhermitte. Et Isabelle Huppert. Pendant tout le film, je me dis putain, c'est glauque, c'est bizarre et machin. Et alors, j'ai lu l'histoire autour du film, qui est encore pire, puisqu'en gros, ça parle plus ou moins de ce qu'a vécu Coluche et Patrick Devers vis-à-vis c'était Devers qui devait et Devers devait jouer le rôle de Thierry Lhermitte et il s'est suicidé avec le fusil que lui avait offert Coluche. Donc tout est un peu glauque autour du film, mais Tenue de soirée, pour le coup, qui est beaucoup plus connu. Et c'est celui-là que tu allais citer comme ton préféré Je sais pas si j'ai vraiment un préféré. Enfin, il y en a que j'aime peut-être un peu moins, mais à la fois, enfin, Tenue de soirée, j'aime aussi beaucoup Buffet froid, mais qui peut-être est un peu moins comédie. Mais en même temps, tous ces films, enfin, par exemple, Tenue de soirée, ça commence vraiment comme une comédie. Ouais. Et puis à un moment, ça commence à briller un peu. Dans des trucs un peu plus étranges. Cela dit, Buffet froid ouvre aussi un peu en. Enfin, je trouve que la scène avec Michel Serrault très drôle, c'est moi. Drôle. Enfin, non, ça... mais de toute façon, il y a toujours des trucs un peu drôles. Et après, il a fait aussi des films type Merci la vie, qui sont un peu plus expérimentaux, enfin, qui partent dans des trucs un peu plus bizarres. Tenue de soirée, après Tenue de soirée, c'est ou Les Valseuses, c'est des films qui pour moi sont à la conjonction de ce qui peut se faire de mieux dans la comédie française, parce qu'il y a d'une part le génie du dialogue, quoi. C'est pour moi, c'est un des top auteurs de dialogue, et il y a vraiment des répliques, un langage qui est extraordinaire. Un vrai metteur en scène de cinéma qui, est, finalement, c'est pas si commun dans la comédie française de donner autant de soins. Et c'est marrant qu'on le cite là dans cette catégorie des comédies un peu chelous. C'est aussi parce que c'est celles qui ont un univers visuel vraiment fort. Et pour le coup, la mise en scène pure de ces films est toujours très soignée, très intéressante. Enfin, tu parlais par exemple même la femme de mon pote, où on est sur un film, un triangle amoureux un peu simple avec Coluche et Thierry Lhermitte, où on aurait pu aller plus dans la comédie populaire de l'époque. C'est un film qui est extrêmement soigné. Il y a une sorte de décor. Ça se passe au sport d'hiver. C'est une sorte de huis clos au sport d'hiver. Il y a une sorte de chalet. Il y a toute une construction un peu triangulaire de positionnement des personnages qui fonctionne hyper bien et qui, je pense, est extrêmement pensé. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de cinéaste. Et puis, en plus de ça, il y a des acteurs et tu sens... qu'il a une passion pour les acteurs. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle Les Acteurs, ouais. Et dans lequel il donne des rôles incroyables à tout le monde. À tout le monde. Ouais, c'est ça. Et dans lequel Josiane Balasco joue André Dussolier. Ouais. C'est ça. Du Solier en a marre parce qu'il est fâché avec Samy Frey, il se casse et Balasco dit bah c'est bon, je le remplace. Et du coup, Jean-Jacques Balasco joue Du Solier. Et voilà, et cet amour des acteurs lui vient certainement de son père, parce que c'est le fils d'une légende, Bernard Blier, d'une légende de la comédie française, ouais. Qui était voilà, aussi un personnage truculent. Ah, bien sûr, on peut le dire. et qui. Ouais, voilà, enfin, qui a. Les acteurs d'ailleurs se terminent vraiment sur un message d'amour à son père, ouais, bien sûr. Et voilà. Et à propos de Blier, je recommande de lire Les Valseuses en roman, parce qu'en fait il a écrit le roman avant de faire le film, ce qui aussi lui a aidé, enfin même à financer, bon, ça reste un fils d'eux et qui avait quand même certaines facilités par rapport à d'autres, mais voilà, et le roman est très très proche de ce qui a été fait finalement au cinéma avec quelques modifications, mais en tout cas la langue du roman est déjà là et c'est un truc qui est très agréable à lire, je trouve. Et c'est un très grand directeur d'acteurs, enfin, c'est vrai que les acteurs sont toujours incroyable dans ces films. Préparez vos mouchoirs, qui a quand même eu l'Oscar du meilleur film étranger, il faut le dire, c'est quand même assez propre. L'année où il y avait Voyage au bout de l'enfer, qui a raflé tous les prix. Et c'est vraiment un réalisateur que beaucoup de gens aujourd'hui citent régulièrement. On parlait de Dupontel, il a joué avec lui, il a joué chez lui, mais il le cite souvent. Dupieux, je sais que sur Au Poste, citait souvent Buffet Froid. Donc voilà, est-ce que c'est un cinéma qui vous parle, vous, Adrien, Vesper, est-ce que c'est un truc qui... J'ai des lacunes dans ma bliéphilie. Non, moi j'ai acheté un coffret un jour en me disant vas-y, il faut que je mate tout, et c'est vrai que en fait ces films sont très différents, quoi. Il a un style, il a un ton, et comme tu l'as dit très bien, David, ça vrille vers un truc expérimental où je pense que je l'ai vu trop jeune, il faudrait que je retente. Il y a plusieurs phases en fait. Ouais, il y a des notre histoire, tout ça, c'est des trucs où j'ai un peu plus de mal, mais que j'ai eu à l'époque. J'étais étudiant en cinéma, donc j'étais peut-être encore jeune. Mais il faudrait que je retente parce qu'à l'époque ça m'avait pas touché beaucoup. C'est pas vraiment son meilleur, Notre Histoire. Non, mais tu parlais de Merci la vie, toi, c'est vrai que c'est des films que j'ai pas retenté. Bah Merci la vie, c'est un peu le même effet que Calmos. Il sort de Trop belle pour toi, qui a fait un carton. Qui est super, celui-là je l'avais adoré. Ouais. Moi. Ouais. Mais qui ressemble pas du tout aux Valseuses ou à Tenue de soirée. Non, c'est pareil, c'est métaphorique, chelou. Ouais, c'est ça. Et donc il a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire un film où le même personnage est joué par plusieurs acteurs, ça se passe à plusieurs époques en même temps, t'es perdu tout le temps. Il s'est fait vraiment plaisir et je crois que c'est son film préféré qu'il ait fait lui. Mais c'est compliqué d'adhérer. Ouais. Et je pense qu'il faut plusieurs visions pour un peu comprendre le délire. Et c'est pas évident. Tu parles de Merci la vie. Merci la vie. Mais pour commencer, préparez vos mouchoirs, des films comme ça. Je pense que si vous voulez commencer, oubliez. Les Valseuses, préparez vos mouchoirs. Même Calmos, qui est. Enfin, ça. Je trouve que les 30 premières minutes de Calmos, c'est exceptionnel. Ouais. Après, il a toujours un peu de mal à finir ses films, je trouve. Et Calmos, ça démarre très tôt à vriller. Mais tout ce qu'il a fait entre les années 70 et le début des années 80, c'est depuis aller les yeux fermés, Buffet froid, c'est trop bien. Après, si vous commencez par Les Valseuses, faut quand même peut-être un trigger warning. Oui, c'est vraiment un film sur les agressions sexuelles. Parce que moi, je sais que c'était vraiment c'est toujours dans une certaine mesure film culte, quoi, vraiment, parce que je l'avais vu il y a longtemps et toutes les répliques, tu parlais de monologue tout à l'heure, moi j'ai en tête le monologue où quand ils se font griller par le coiffeur parce qu'ils viennent de voler sa voiture et ils la ramènent, et le monologue moi j'adore Patrick Devers, pas très original son monologue au mec pour expliquer qu'ils ont pas vraiment volé sa voiture, je trouve génial. Après, je l'ai revu bien des années plus tard en ayant évolué en termes de tous ces sujets-là. Et c'est vrai que ça s'ouvre. Le film s'ouvre vraiment sur ils sont en train d'harceler une meuf, quoi. Ils la suivent, ils foutent des mains au cul. Et je m'étais dit putain. Mais en même temps, je trouvais intéressant aussi j'avais pas du tout. Ça t'avait pas marqué avant. Ça m'a pas marqué et j'avais jamais repensé en me disant putain, quand même, dans ce film et tout. C'est vraiment en le revoyant et en étant confronté au truc que je me suis dit d'accord, ok, c'est vrai que j'ai changé à ce moment-là. Et en fait, il y a un truc où l'aura du film change un peu la perception. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est un film culte, on a l'impression, avec le recul, tu te dis ils sont cool, enfin il y a quelque chose comme ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est-à-dire que c'est de la, entre guillemets, de la vermine. Enfin, c'est ils sont horribles, quoi. Et ils sont présentés comme ça. Et en même temps, il fait l'exercice dans le roman, tu le ressens encore plus, l'exercice littéraire de te mettre dans la peau gens qui sont dangereux, en marge de la société, etc. Et effectivement, tu as ce truc. J'ai vu récemment des conversations sur Internet qui parlaient du personnage de Truffaut. J'allais dire Antoine Daniel, mais non, Antoine Douanel. J'ai ce bug. Antoine Douanel dans Les 400 coups, etc. Et ensuite dans les films qui ont suivi, où les gens redécouvrent le film en disant ah, c'est un peu un salaud quand même, etc. Mais sauf qu'en fait, l'ambiguïté des personnages, elle doit pas disparaître par le vernis cool du culte. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a quand même cette ambiguïté. Et effectivement, même dans Tenue de soirée, pareil, c'est agression sexuelle, il y a des, enfin, même homophobie, enfin, il y a plein de, effectivement, tu peux mettre plein de trigger warning sur Calmos, évidemment, enfin, c'est un film extrêmement misogyne jusqu'à ce que ça soit ridicule, quoi. Mais je pense que il est pas inconscient de ça, au moment où il crée les personnages, etc. Il est jamais solidaire de ses personnages, parce que c'est toujours Et surtout, tu n'es pas obligé en tant que spectateur d'être solidaire de ses personnages. Je trouve que dans Les Valseuses, en tout cas, il y a quand même pas beaucoup d'efforts pour pas les rendre sympathiques non plus, quoi. Voilà, je te rejoins là-dessus aussi. Il y a des moments, mais il y a beaucoup de films de cette époque où quand je les vois avec mon regard de maintenant, bien sûr. Je prends beaucoup sur moi pour beaucoup de trucs, et notamment le côté de toute façon, enfin, il y a un rapport avec les femmes et plein de choses, ou même sur un autre sujet. Aucun rapport. Hier, j'ai découvert pour la première fois Tati Daniel, que j'avais jamais vu. Voilà, parce que je suis pas très fan des trucs où genre les gens sont juste méchants. Ouais. Donc je vais le regarder. Alors je n'ai pas ri une seule fois. Chacun son. Sa sensibilité. Là j'étais là, et donc du coup tout le monde m'a dit non, Tati Daniel, c'est super et tout machin. Et là au milieu du film, il y a vraiment des blagues totalement homophobes sur le fils qui fait la danse et tout. Ouais. Et à chaque fois quand je le fais remarquer, ah oui, j'avais oublié ça. Effectivement, il y a beaucoup de films de cette époque où en fait, tout le monde a mis un espèce de petit filtre les petites, enfin, entre guillemets, petites blagues. Enfin, jamais des petites blagues, mais voilà, c'est une scène ou un truc comme ça, ou alors des histoires des agressions sexuelles ou des trucs comme ça, où vraiment tu. Avec le temps où t'as pas la même perception, ce genre de truc, et quand tu revois maintenant, t'es. C'est toujours important de remettre les films dans l'époque, avec le regard d'aujourd'hui, c'est super important. Je vais passer un peu vite du coup, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, mais il y avait plein de films un peu chelous que je voulais citer. Je pense à La Personne de Personne, que vous aviez d'ailleurs présenté au cinéma, de Nicolas et Bruno. Oui, c'est ça, exactement. Encore un film fantastique. Un film fantastique pas de body swap, mais de personnage dans la tête d'un autre. La Classe Américaine de Michel Hazanavicius, qui est d'ailleurs pas vraiment... Enfin, un film, parce qu'en vrai c'était un programme pour la télé, et en plus ils ont jamais pu l'éditer dans quoi que ce soit, parce que c'est plein de d'images pas libres de droit. C'est une des premières vidéos internet, un petit peu, enfin en tout cas pas vidéo internet, mais qui pourrait qui a été l'avant Mosinor ces grandes heures de l'internet. Le culte s'est propagé via internet parce que c'est un film dont on peut faire plein de petits extraits qui est presque plus drôle par extrait que de regarder une extenso du début à la fin, d'ailleurs. Et qui a nécessité un vrai travail même de fans d'internet, où ils ont retrouvé les versions HD de chaque film pour le remonter derrière. Enfin, c'est un vrai taf. L'horloge, il y a un plan d'horloge où ils ont mis 10 ans à c'est ouf. Mais moi, alors, pour reparler de VHS, Moi, c'était avant Internet, quand j'avais découvert ce film. Je vais pas en parler des heures, mais ça, c'est que il y avait un côté en plus. Moi, c'était mon oncle. En fait, on pouvait le voir que si quelqu'un l'avait enregistré quand il était passé sur Canal+. Quoi. Donc, il y avait un peu un côté relique. Il est passé que deux fois sur Canal+. Donc, il y avait un côté relique. Si quelqu'un avait la VHS, on se la passait. Quoi. Et donc, moi, je l'avais découvert comme ça. C'était mon oncle qui avait dit « Attends, regarde ça, tu vas voir, c'est trop marrant. » Et effectivement, c'est très marrant. Les clés de bagnole, on l'a cité vite fait, qui est ressorti pas mal de fois sur Twitter, Mais je trouve que c'est un film qui se revoit pas beaucoup. En fait, c'est très intéressant de le voir une fois parce qu'effectivement, c'est le bordel. Il y a plein de trucs très bizarres qui se mélangent. C'est le film de Laurent Baffy. Mais... un des premiers films méta, en fait. Où, oui, c'est ça. Il essaie d'écrire son film dans son film. Et c'est il y a longtemps, en fait. C'est il y a dans les années 90, non ? Non, 2000, début 2000. 2000, ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que, effectivement, moi j'avais beaucoup vu Laurent Baffy se plaindre. De dire j'ai été trop con de mettre n'y allez pas, c'est une merde, c'est ce qui fait que ça s'est planté. Tu fais non, le non, film est très chelou quand même. Hein. Ça pouvait pas être un grand succès, c'est quand même un film extrêmement étrange. Même s'il y a une scène que j'aime bien, c'est quand même le film s'ouvre sur 5 minutes de gens qui refusent de faire le film déjà. Ouais. Et l'un d'eux, c'est Jamel qui est mort de rire, qui dit moi ton film je le fais si je fais un chien en pâte à modeler. Et après il rajoute déjà avec des chiens, ah, tu sais quoi, un chien en pâte à modeler qui pleure. Et tu sais quoi, et pendant le film à un moment il tombe sur un chien en pâte à modeler qui pleure, doublé par Jamel. Enfin il y a deux trois petites idées comme ça que je trouve assez marrantes. La Bostella aussi, qui est un film très chelou d'Edouard Baird. Edouard Baird, alors j'ai pas vu son dernier, mais je sais que moi je les ai tous vus jusqu'à Ouvert la nuit. Ouvert la nuit est le plus ouais, facile d'accès, disons. Mais À quoi bon et La Bostella sont des films très chelous, très particuliers, pas faciles d'accès, je trouve, quand même, mine de rien. Ouais, peut-être La Bostella un peu plus facile d'accès. Bah parce que t'as le personnage de Edouard Baird, en fait, qui est dans tout ce qu'on aime d'Edouard Baird. Tu retrouves l'Edouard Baird de Canal+, alors que À quoi bon, c'est vraiment un film conceptuel où... il décroche à la moitié et se dit bon bah ça y est, on en a plus rien à foutre. Mais il y a quand même un très grand François Rollin dans À quoi bon que j'aime beaucoup. Ouais. Et Poulvord aussi. Et Rochefort. Ouais, il y a beaucoup de gens. Et le derrière dont vous avez parlé d'ailleurs, par justement en questionnant un peu parfois d'ailleurs même les concepts problématiques, et le derrière qui est un film qui a plutôt bien vieilli justement parce qu'il se pose, disons, les bonnes questions. Je l'ai jamais vu, moi, le derrière, mais ça m'a donné envie de le voir. Mais c'est très frustrant, votre chaîne YouTube, parce que des fois, les films sont dispo nulle part. Donc, le derrière, c'était très difficile de le trouver, de Valérie Lemercier. Grande réalisatrice de comédie aussi, Valérie Lemercier. Ce qu'elle propose est quand même assez original, je trouve, dans notre pays, que ce soit Palais Royal, Aline. En tout cas, il y a de l'audace. Après, je dirais pas que c'est toujours très réussi. Oui. Aline, il a eu des plutôt bons retours. Moi, je comprends pas très bien la hype. Il y a un vrai plaisir de spectateur. Moi, je me souviens, je ne suis pas le plus grand fan d'Aline, mais à la fin, le public a applaudi. Alors, déjà, il est sorti après tous les trucs de confinement. C'était début de il n'y a plus de masque dans le cinéma. Non, mais tu sentais qu'il y avait un vrai plaisir. Hypés, Là, il y avait un vrai plaisir de. On a vu une histoire chouette d'une nana qu'on connaît avec des super chansons, enfin il y avait un côté feel good. L'aura de Céline Dion est importante. Ça. Et je trouve que l'amour de Valérie Lemercier pour Céline Dion transparaît dans chaque plan quand même. Enfin il y a un vrai truc généreux, je trouve, là-dedans. Je voulais le voir et quand j'ai appris que genre les chansons c'était ultra court, ça m'avait un peu coupé la chic. C'est toujours la même chanson pour tout le film quasiment. Je le mettrais parce que j'adore Valérie Lemercier. Je suis d'accord avec toi, j'avais vu Palais Royal au cinéma. Palais Royal c'était vachement bien. J'étais assez jeune quand j'ai vu Palais Royal. Je sais pas, mais j'ai pas vu le derrière du coup qu'il faudrait que je mette, mais j'ai beaucoup de sympathie pour Valérie Lemercier. Mais Palais Royal, très audacieux aussi. L'ensemble de son œuvre. C'était assez particulier. Mais ouais, j'avais bien aimé pour le coup. Alors une nouvelle famille, et justement Vesper, tu l'as mis. Je voudrais dans les films chelous, il y en a un. J'ai failli le mettre dans mon top, et après je me suis dit que c'était juste pour faire mon intéressant, donc je l'ai pas mis. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose, un film qui s'appelle Comme une bête? De Patrick Schulman, parce qu'il est genre inconnu ce film, j'ai l'impression. Enfin, à chaque fois que j'en parle, c'est ça. Et tous les gens à qui j'en parle ont la réaction que vous venez d'avoir. il m'a vachement marqué ce film, et je l'ai vu deux, trois fois. Avec Sagamore Stevenin, Richard Boringer, Jean-Yves Lafesse, Gustave Parking et Patrick Bosso. Oh voilà. Putain, le casting. Patrick Bosso, j'ai pas entendu Patrick. 2h10, Bosso. Putain. Et alors, c'est marrant parce que. J'avais pas du tout analysé ça, mais en fait c'est encore une histoire de mec ultra innocent, donc peut-être j'ai un truc avec ça apparemment. Non mais c'est en fait un mec qui a vécu sur le personnage de Sagamore Stevenin, qui a vécu sur une île donc complètement sauvage entre guillemets, en tout cas très loin de la civilisation, enfin notre civilisation quoi. Et donc il a vécu dans la nature et tout, c'est un peu l'être parfait. Et je sais plus pourquoi, je crois que c'est son père ou son père adoptif qui meurt. Et du coup, il arrive en France, je sais plus, genre vraiment dans la cale d'un bateau et tout. Et c'est juste la vie de ce mec qui est un mec sauvage, entre guillemets, qui se confronte à la vie. Et c'est très absurde, mais vraiment, il y a des trucs très bizarres où... il y a une meuf, il tombe amoureux d'une meuf qui est en surpoids, Et juste c'est une scène du film, et à un moment ils se font courser par je sais plus qui, et ils doivent passer par un truc hyper étroit, et donc lui il passe et elle peut pas, et lui dit mais non mais vas-y tu peux le faire, tu peux le faire, et la meuf fait et elle maigrit d'un coup et elle passe, et après elle fait ce poids là pendant la fin du film, elle fait cette campion sur... et, mais c'est pas un gag, c'est un truc voilà. Mais ça date de quand ce film, enfin, c'est 98 là je viens de voir, c'est le dernier film de Patrick Chardin, enfin je sais pas, après peut-être vous allez le voir, vous allez faire qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais tu es fou Adrien. Je sais qu'il m'a, je sais pas, il m'avait marqué. Il y a un truc, je sais pas. Je vais pas dire poétique parce que je déteste quand on me dit c'est poétique. J'ai pas du tout envie de voir le truc. Donc j'ai. Mais il y a un truc. Vraiment, pour le coup, si c'est la famille des trucs bizarres, je suis obligé de le citer. Ouais, c'est ça a l'air de rentrer. Ultra de bizarre. Ouais. Tout et je crois que Jean-Yves Lafesse joue un skin. Ah, wow. Terre de foot. Là tu me l'as vendu. Là c'est bon. Mais en faisant la vieille. Non mais genre, pour faire le parallèle Madame encore Ledoux. Avec Didier. Madame Ledoux, je suis un skin. Non non mais pour on parlait de Didier. Ouais. C'est lui. Enfin c'est un des méchants et enfin bon, c'est bizarre. Mais à l'occasion regardez ce film. Si vous détestez, j'en ne prendrai pas ombrage. Je l'ai vu il y a longtemps et ça se trouve maintenant je détesterai aussi. Mais il vaut le coup parce qu'il est vraiment très très bizarre. Il est trouvable nulle part par contre. C'est bien. Gros morceau là qu'on va attaquer puisque c'est les comédies du café-théâtre. Puisque le café-théâtre à une époque, il y a quand même beaucoup de films qui ont sorti. Alors je suis évidemment obligé de commencer par Le Splendide avec Les Bronzés. Slash Les Bronzés font du ski, disons, faisons les deux en même temps, puisque ça fait déjà 2h40 qu'on parle, donc peut-être commençons à enclencher la troisième. D'ailleurs, les deux films sont dans ton top. Non, j'ai mis que le deuxième. Ah, t'as mis que le deuxième. Ah oui, c'est toi qui es dans les deux, et toi tu as mis que le deuxième. Alors pourquoi que le deuxième Bon, parce que fallait je préfère le 2 au 1 et que j'avais mis nos autres films que j'aimais beaucoup. Il n'y avait pas de. Le 3 n'est dans aucun top, par contre. Oui, sans surprise. Encore un bel exemple de comédie très française, là, pour le coup. Mais non, ça marche toujours autant. Le premier, la seule diff, c'est que le premier, peser les meufs pour dire combien de kilos de meufs t'as ken. Bon, c'est trivial, c'est trivial. Mais il y avait une soirée, j'ai fait une soirée au Grand Rex. Comique problématique. Voilà, effectivement. J'ai fait une soirée au Grand Rex, c'était dans le monde d'avant, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais. Où il y avait les bronzés 1 et bronzés font du ski d'affilée. Il y avait une ambiance de dingue, il y avait pas le 3, donc c'était une bonne soirée. il y avait encore une ambiance de dingue et c'était ouf à quel point ça marchait bien. Ça reste franco-français comme humour. Me rappelle une amie à moi a fait découvrir le premier film des Bronzés à son petit copain qui était anglais. Et il était outré. Il a fait un blocage vraiment et il s'est mis à hurler. Les Français sont tous des obsédés sexuels. Excusez-nous d'aimer la bonne viande. On boit pas du thé, pardon. C'est vraiment en plus genre ce qui l'a plus choqué, c'était genre juste Michel Blanc à poil sur la plage qui se cache avec les algues. Alors que pardon, c'est excellent. Il était prêtre. Mais pour revenir au bronzé fond du ski, je trouve justement que l'humour passe, enfin encore a bien vieilli encore et que je veux pas encore recommander, je veux pas encore regarder avec énormément de plaisir. Mais parce que un peu comme en SS, ils se foutent quand même bien de la gueule de leur personnage, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a pas la tendresse dont on parlait dans un Didier ou dans le coup, là. C'est méchant. Enfin, c'est que des sales cons, quoi. Ouais, c'est tous des losers. Ils sont tous imbuvables. Donc en fait, tout ce qui pourrait vieillir, il y a un peu de. En même temps, c'était déjà des merdes à l'époque. C'est toujours des merdes aujourd'hui. Mais ils aiment quand même bien leur personnage, et effectivement dans le 1 Thierry Lhermitte il fait des blagues où genre nous allons nous coucher, nous allons les niquer, tu vois, t'es censé rire au premier degré en fait quand tu vois ça. Et aujourd'hui ça nous fait plus trop rire, mais parce que en même temps leurs personnages sont horribles et en même temps ils les aiment bien parce que c'est eux qui les défendent en leur propre personne, quoi. Oui, il y a un truc très autobiographique dans la manière dont ont été conçus les films, c'est-à-dire que en fait la troupe en tout cas pour le premier film, en fait avait des vacances payées où ils faisaient l'animation dans des clubs med, et ils se sont mis à écrire le film à partir de leurs propres expériences. En fait chaque acteur a un peu écrit son propre personnage et ils écrivaient ensemble comme ça, donc il y a ce truc où en fait ils peuvent se permettre d'être méchants parce qu'eux aussi ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, quoi, et il y a ce truc pour moi qui ressort vachement bien avec le personnage de Jean-Claude Duss et en fait Michel le Blanc. Le goût. Ah, on y revient. En fait, c'est du vécu. C'est ouais, tu sens. Enfin, il te le vend parfaitement quoi. Tu crois que ça aurait pu lui arriver vraiment à lui tout ce qui lui arrive. C'est très crédible. Ouais. Et par-dessus ça, c'est parfaitement écrit. Enfin, il y a des dialogues au millimètre aussi parce que justement, ouais. C'est le café théâtre. Et c'était une pièce de théâtre. C'est ça. C'est que en fait tout a été rodé. C'est-à-dire qu'ils ont vu avec un public ce qui marche, ce qui marche pas, ouais. Et le timing, etc. Et du coup, ça donne des petites merveilles et qui ont tenu la distance sur des rediffusions télé parce que ouais. Là encore c'est des films qui n'ont pas tant marché que ça à part le 3 ouais. En salle mais par contre à la télé là on pouvait pas les louper quoi. Non, c'est en boucle mais c'est vrai que le 2 est plus cool que le premier ouais, ouais. Et je pense parce qu'il est beaucoup moins cruel que le premier d'ailleurs il y a personne qui meurt dans le 2 contrairement hein. Bon, je spoil personne ouais, c'est vrai. Et alors qu'au départ, ils voulaient faire. Le scénario était plus long de 20 minutes et ils voulaient tuer un personnage. Ils ont perdu les rushs. Enfin, oui, ils ont tourné. Ah ouais, dramatique en fait, ça. Il y a toute la scène où ils partent, c'est Junio, l'ermite et Clavier, je crois, c'est ça. Enfin, quand ils laissent Michel Blanc avec Balasco ouais. Et Chazelle, et ils partent. Et avant, il y avait toutes des scènes où ils mangeaient un mec. Enfin, ça finissait en cannibalisme. Et ça partait en couille de ouf. Et là, tout ça a été perdu. Personne n'a réclamé la director's cut. Ouais, non, mais ils ont même pas les rushs. Voilà, ils ont plus rien du tout, quoi. C'est triste. Mais il y a toujours un peu des trucs glauques, comme dans le Père Noël est une ordure. Il y a quand même un mec qui meurt, il le découpe et tout, quoi. Quand même, ils sont vachement là-dessus, quoi. Ils sont darkos. Non, mais c'est vrai. Mais oui, effectivement. Et donc, moi, j'ai une petite préférence aussi pour les bronzés fonds du ski. Mais je pense que c'est universellement, je crois, reconnu. Comme étant le meilleur des deux. Il y a plus de répliques. Et puis ils sont plus installés. Là, d'un coup, il y a des couples. Y a dans le 1, ils ont l'air de pas tous se connaître tant que ça. Alors que dans le 2, là où je trouve que c'est très très fort, c'est que ça nous ramène à toutes nos bassesses de discussions après une soirée entre amis où t'es en voiture et où tu chies sur tes potes. Et je trouve que ça, ce truc-là, c'est universel et horrible. Enfin, ça nous ramène au pire de nous. Et aussi peut-être parce que j'ai plus fait des repas avec des amis que des t'aimes clubs pas, de vacances. Coup, non, mais que des soirées. Oui, il y a l'époque du Club Med des années 70. Ça, moi, j'ai pas connu, donc peut-être ça me parle moins aujourd'hui. Ouais. Mais après, oui, l'expérience du ski, est-ce que c'est. Non, c'est l'expérience de vacances entre potes. C'est plus ça. Tu es allé au ski. Je suis allé au ski et j'en ai bien brillé. Non, mais oui, je pense que c'est plus effectivement le côté vacances entre potes. Enfin, moi, c'est toujours le départ de Bernard et Nathalie quand ils partent en disant putain, Popeye, il est sympa. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Mais dès qu'il claque la porte, mais à chaque fois je hurle de rire et c'est la grosse blague avec ma meuf de dire tu termines un film là-dessus, c'est ça qui Et à chaque fois avec ma meuf, on est là, on dit putain, on est vraiment Balasco et Junio dans la vie, quoi, c'est horrible, quoi. Mais le bronzé fond du ski, je trouve qu'il est extrêmement fort. Et puis, oui, effectivement, il y a beaucoup de scènes cultes. Je sens moins le temps passer dans les bronzés fonds du ski que dans le bronzé 1 où ils sont plus souvent ensemble que dans les fonds du ski où il y a l'inverse dans fonds du ski ils sont souvent ensemble alors que dans les bronzés 1 ils ont plein de petites intrigues secondaires je pense que c'est assez décorrélé c'est dû au fait que c'est une adaptation de pièce et il y a plusieurs tableaux qui se succèdent et du coup c'est moins il y a moins une trame générale qui se déroule comme dans sachant que la trame de fonds du ski il y en a vraiment pas hein. C'est vraiment ils sont en vacances ensemble ils font du ski c'est ça pour le coup ça ment pas et ils sont odieux non moi c'est vraiment un film que j'adore et même je pense que Les Bronzés Fonds du Ski est un peu mon préféré de film de la troupe du Splendide je pense moi aussi moi c'est vraiment celui que je préfère aussi, c'est vraiment celui que je trouve le plus fort après il y a quand même effectivement Le Père Noël est une ordure qui est aussi un film culte qui était aussi une pièce et aussi avec ses ajouts de Balasco qui était pas dans la pièce à la base parce que j'espère ne pas faire d'erreur que Balasco en fait jouait dans la pièce donc c'est Anémone qui l'a remplacé au sein de la pièce et donc quand ils ont fait le film ils ont gardé Anémone parce qu'elle était trop forte dans le rôle et ils lui ont écrit le rôle de Madame Musquin pour Josiane Balasco et c'est pour ça qu'elle est coincée dans l'ascenseur pendant tout le film. C'est quand même dans la pièce elle n'existait pas quoi. Donc il y a pas Michel Blanc qui avait déjà un peu des volontés. Il fait des voix quand même. Oui, il appelle. c'était pas le cas dans la pièce. Ou alors c'est l'inverse. Il appelle dans la pièce et pas dans le film. Non, dans le film il y a le coup de fil. C'est lui qui dit je t'encule Thérèse. C'est Michel Blanc. Voilà. Parce que il avait déjà envie de faire des trucs lui tout seul et donc c'était déjà un peu la fin de la grande époque du Splendide. Ouais. Et donc c'est un peu leur film. testamentaire. Ouais, voilà. C'est après, il y a c'est Clavier. C'est pas plus fait de la résistance un peu, oui, leur film où ils se mais disent, ça, c'est plus un truc de Clavier avec Poiret. Ouais. Oui, bien et, sûr, bien sûr. Il y a des caméos par-ci par-là. De mais, tout le monde, en ouais. plus, là, pour le coup. Mais oui, oui, bah, le Père Noël est une ordure. Beaucoup plus méchant, hein, le Père Noël est une ordure. Beaucoup bah, plus dark. Oui, c'est dark, ouais. Ouais. Mais rien que le truc de enfin le truc de départ d'être rien une hotline ouais enfin ouais, c'est horrible ouais. quoi ouais. déjà ça pose un contexte qui est horrible et puis enfin ouais, tous les là ouais tous les personnages sont horribles ou dans une détresse enfin ou les deux d'ailleurs mais d'ailleurs je me demande si le fait que Michel Blanc n'est plus là est pas responsable du fait que ce soit plus horrible parce que Michel Blanc je pense c'est un balancier un peu je pense qu'il a une tendresse un peu ouais il ouais. était un peu plus bah tu regardes ses films d'après il a quand même de la tendresse pour ses personnages ah, je trouve que c'est plus c'est vrai mais je trouve que c'est plus présent chez un Junio par exemple qui je trouve lui a vraiment des trucs ouais mais, c'est vrai tu vois où ses films c'est vraiment il y a non, beaucoup mais là, de là ils sont sans filtre hein, là ils sont horribles mais moi ce que j'adore dans le Père Noël est une ordure c'est qu'ils sont les personnages sont très éloignés des bronzés enfin c'est des vraies performances ouais. d'acteurs tu prends Marianne Chazelle dans le Père Noël est une ordure et dans les bronzés c'est vrai que c'est une performance d'actrice quoi c'est ça n'a rien clavier. À voir et clavier et, non mais tout mais Thierry Lhermitte enfin ouais. ouais, ouais. qui joue un vieux beau dans les bronzés et qui là joue enfin je sais même pas te dire ce que c'est et que Junio il est horrible dans les deux ouais, c'est vrai ouais, bah, il hurle bien il hurle bien qu'est-ce qu'il bah, j'adore le meilleur hurleur peut-être cinéma français. Quand il hurle au tout début, je crois que c'est des bronzés. Ferme ta gueule, le Belge, ouais. qui reste une de mes films préférés. Et puis, bah. Ça suffit, les mecs qui vont bien dormir! Ouais, mais Junio, je trouve que dans tout ça, il est au top dans Papy fait la résistance. Ah bah oui, bien il est, sûr. Il est ah bah, tu vraiment au sommet. Tu m'offres une troisième. C'est vrai que tu l'as mis dans ton top, je crois, ouais, Papy fait ouais, la résistance. Ouais, alors moi, à ne pas sortir de son contexte, j'adore les nazis. Ouais, c'est sorti tout de suite. Voilà. C'est très dur de tirer un contexte. Non, tu les aimes ridiculiser dans les films. Oui, évidemment, voilà. évidemment. Oui. Et Junio, en fait, déjà, je trouve de base, il a vraiment ce côté nazi de Indiana Jones. Oui. De base, Junio. De, voilà, de, bah quand il entre dans le champ au tout début, ouais. quand il entre dans la petite porte, là c'est vraiment. Il est incroyable, t'as l'impression qu'il va récupérer le médaillon aussi. Enfin, vraiment, il est incroyable dedans. Ouais. Et ça lui va, mais les tout le costume, c'est l'aura de la méchanceté. Là. Mm. Bah, il est même du nazi, voilà, ouais. mais même au-delà, ouais. j'allais dire, au-delà d'être nazi, c'est vrai. mais, il est mais, pas assez présent dans le film, même, ouais. moi je trouve. C'est à un moment, il me manque. Quoi. Il illumine à chaque fois, franchement, mais il est. Moi, c'est quand il recule. Il est superbe. C'est quand il recule et qu'il se prend la mitraillette dans le dos. et il fait, il me fait peur. Et après, il continue de parler, il se reprend la mitraillette. Il commence à vraiment taper. Mais c'est de finesse, limite, à ce moment-là. C'est, il tabasse la tête du soldat. Avec, non, c'est vrai qu'il est très très drôle. C'est un film que vous aimez bien, vous, Papy fait la résistance. Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est moins un film du Splendide qu'un film de Jean-Marie Poiret et de Clavier. Ouais. Je crois que c'est Martin Lamotte aussi. Oui, c'est, la, c'est en fait vrai que c'est Lamotte à la base. Je c'est Lamotte et Clavier qui l'ont coécrit. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus proche de ce qu'on disait avec 2h moins le quart avec avant Jésus-Christ ou Mission Cléopâtre, parce que c'est en dehors du Splendide. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de guests. Il y a Jean-Yann, il y a Galabru. Au départ, il devait y avoir De Funès et il est mort pendant la préparation. Alors j'ai jamais compris ça. De Funès, il devait jouer Villeray ou Galabru? Je suis toujours. Est-ce qu'il devait jouer le papy ou est-ce qu'il devait jouer pas, le nazi? Je suis pas sûr. Dans ma tête, c'est. Je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, je voudrais pas. Bah, je vais regarder, je vais essayer de chercher. Mais oui, oui, c'est ça. C'est un blockbuster aussi. C'est un très gros film. Mm-hmm. Ouais, bah, c'est qu'ils étaient au top de la comédie, donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et donc, du coup, ils ont réuni les générations. Ils ont fait le film sur. Enfin, il y avait déjà eu La Grande Vadrouille avant, mais le film sur l'occupation. De cette génération-là, en tout cas. Ouais, ouais. Et en même temps, qui est assez. Que je trouve est plus. Alors, on va arrêter de l'utiliser à tort et à travers ce mot, mais. Il devait jouer le rôle du papy ou du demi-frère d'Hitler. Ah, donc c'est ça, l'un ou l'autre. Parce qu'en demi-frère d'Hitler, je l'imagine bien, en papy, c'est plus sa période que moi j'aime. Enfin, que j'aime moins le pauvre, il avait eu son attaque, donc c'est normal, mais il est plus doux. Non, mais tu vois, sa période soupe au chou. Oui, oui, oui. Non, mais sa période soupe au chou, il est fatigué, tout simplement. Oui, donc, oui, oui. Après, c'est un tout petit rôle, Villeray, donc peut-être qu'il aurait pas accepté juste de faire un caméo. C'est vrai. Mais oui, moi, Papy fait la raison, j'aime beaucoup, mais tout de même, il y a ce truc un peu étrange de. C'est assez absurde en fait, quand même, le super résistant. Moi, c'est pas mon truc préféré pour le coup dans le film, je trouve que c'est un peu. C'est assez surprenant de la part du Splendide, je trouve. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Toi, David, non c'est... Ouais, moi, je suis un peu moins client de celui-là. C'est. Ouais. J'ai rien à dire en fait. Ouais, non mais juste t'es moins client. Ouais. Là, pour le coup, c'est, en plus, c'est un peu vieilli. C'est le mec qui est efféminé entre guillemets dans clair. La nuit ouais, et qui devient le héros ouais, bien français sûr. Dans la nuit. Mais la scène de fin, qui est vachement cool. Ça revient en oui, plateau télé. Moi, j'aime beaucoup cette scène quand même. Parce que Junio est encore joue un cocaïnomane où il renifle pendant tout le truc. L'idée bon, est très marrante. Ça va un peu nulle part, mais ça va nulle part. Ça va nulle part dans l'idée. Mais comme tu t'es déjà dit trois fois où est-ce que je suis quand tu mates le film, tu vois, ça reste. Oui, ça reste oui parce que t'as les œufs à la coque d'autruche géant. Enfin, il y a quand même beaucoup de trucs où ils chantent Villeray qui chante. Non, je n'ai pas changé. C'est très bizarre quand même. Très chelou. Mais ça m'offre la transition sur les. Alors non, je vais revenir en arrière, pardon. On va quand même parler de certains films solo des gens du Splendid, parce que je sais par exemple qu'il y a beaucoup de fans de Michel Blanc autour de la table. Oui. David, c'est lequel toi ton préféré de Michel Blanc? En tout cas, celui-là voilà. Qui te vient. Non, mais celui. Parce que dans la liste non, que mais tu c'est vrai qu'on a déjà parlé de Tenue de soirée. J'aime aussi beaucoup Viens chez moi, j'ai une copine. Alors j'allais te lancer sur celui-là, pour être tout à fait honnête. Qui. En fait, il y a aussi Marche à l'ombre. En fait, Marche à l'ombre, ouais. Moi, je suis plus Viens chez moi, j'habite chez mais une copine. Mais moi aussi, ouais. Je préfère. En fait, les chansons de Renaud, la chanson de Renaud Marche à l'ombre est meilleure, mais le Viens chez moi. Enfin bref. Donc c'est en fait là t'as la quintessence en fait du personnage du loser à la Michel Blanc auquel je m'identifie assez bien. et en fait c'est il y a vraiment ce truc et d'ailleurs qui est vraiment pour moi admirablement synthétisé par la réplique des bronzés font du ski sur un malentendu, ouais. Ça peut marcher. En fait, c'est cet espoir fou que quelque chose de bien peut arriver à ce mec-là. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que je trouve très drôle. En plus, c'est un espoir qui est quand même fondé sur le désespoir, parce qu'il dit quand même avant « oublie que t'as aucune chance ». Donc il y a vraiment un truc ça. De... C'est enfin oui c'est bon, pardon non mais c'est non mais c'est ça le mélange des deux qui est intéressant. Non, Viens chez moi, enfin moi je préfère Marche à l'ombre parce que je peux résumer le film. Viens chez moi, j'habite chez une copine, je saurais pas dire de quoi ça parle en fait. C'est vrai que je me rappelle plus. Bah c'est un squatteur quoi. Il squatte chez Bernard Giraudot. En fait c'est presque un Francis Weber et il pourrit sa vie en fait en squattant chez ce mec là. Du coup le gars se fait virer de chez sa meuf etc. Et en gros en fait je confonds les deux parce qu'il squatte aussi dans Marche à l'ombre. Mais il squatte en vain dans un squat justement. Ouais. Mais Viens chez moi, c'est celui qui est réalisé par Lecomte et Marche à l'ombre, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, moi j'aime bien Viens chez moi parce que c'est Giraudot et il y a plus de trucs de jeu qui me font rire dans Viens chez moi. Je me souviens de la scène du Scrabble qui me fait beaucoup rire où il a pas envie de jouer, il veut baiser en fait. Lui il veut baiser, il veut faire une partouze avec son pote et sa meuf. Et j'avoue, il fait oh non, mais là j'ai rien. Il fait mais si, regarde, mon country et tout. Enfin, il y a un truc de jeu, j'adore. Et Michel Blanc, qui est quand même un de nos grands scénaristes français, dialoguiste aussi. Dialoguiste de génie. Quand il fait Viens chez moi, j'habite chez une copine, il a 28 ans. Et quand il fait Les Bronzés, il en a 27. Donc, il a déjà une tête de vieux, ce qui est déjà. Voilà. Mais il y a. C'est-à-dire qu'à même pas 30 ans, il a écrit. Peut-être les plus grandes comédies, enfin certaines de, en tout cas moi, de mes comédies françaises préférées. Voilà, je voulais le placer parce que je trouve qu'il est vraiment très très fort comme là, gars. Ça m'a déprimé. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a mis un coup, hein. Mais Marche à l'ombre est un peu plus glauque aussi. La fin de Viens chez moi. Enfin, c'est plus de la misère et tout, quoi. C'est vraiment des SDF. Il y a pas un mec qui prend du crack à un moment dans un lavabo. Y a, avec Bernard Farcy, on y revient. Il y a pas Bernard Farcy dans Marche à l'ombre qui prend du crack. Je sais plus. Je sais plus. Il semble que Bernard Farcy prenait du crack. Non, je sais qu'à un moment dans Marche à l'ombre, lui, il prend de la drogue. Ah oui. Laquelle il y a des renards qui vont attaquer. Il y a la meuf qui arrive et qui dit ton pote il dit qu'il est plus étanche. Mais il y a Bernard Farcy en tout cas dans Marche à l'ombre, mais je me souviens plus, mais dans ma tête il se piquait, mais bon bref, peut-être. Mais et c'est dans lequel qu'à la fin Michel Blanc il a trouvé un super plan, en fait il a trouvé un hangar et il fait bosser des gens. Ça, c'est dans... bien chez moi la vie, voilà. Mais en fait ils sont tous les deux hyper cruels, les films. Ils pour ça j'arrive pas à les différencier. Ouais, il y a des gens qui squattent chez lui pour faire des fringues et donc il dit oh non, bah c'est cool, à partir de 22h je suis tranquille jusqu'à 8h du mat. Ouais, c'est horrible. Mais non, c'est des films, c'est le côté. Toi Adrien, c'est quoi qui te plaît? Parce que Michel Blanc, c'est une de tes rêves un peu en tant que comédien. En tant que spectateur. Oui, non, mais voilà, c'est juste, quelqu'un dont tu as le travail. En fait, c'était une rêve sans que je m'en rende compte. C'est ce que je disais, c'est que c'était quand j'avais réalisé un sketch dans lequel je tournais. Et vraiment, c'est pendant le montage où donc je me regardais beaucoup jouer. J'avais fait putain, mais vraiment là, c'est Michel Blanc, mais à 200%, quoi. Enfin, vraiment, mais je m'étais jamais rendu compte que c'était une influence à ce point-là. Après, c'est logique, vu que, bah, comme tout le monde, j'ai grandi avec les bronzés, les bronzés font du ski, Pernod, il est très peu dedans. Enfin, le Splendide, en tout cas. Et non, mais j'ai... En fait, je trouve que il est... Bon, c'est un... Moi, j'adore les personnages de loser, donc forcément, bah, Michel Blanc, voilà. Ça revient souvent dans la comédie française, quand même. C'est un truc. Tu fais parier avec des winners, c'est ça le problème. Ou alors, c'est ça. Ils doivent se casser la gueule très vite, quoi. Exactement. C'est les winners à la Will Ferrell, quoi. Faut vite qu'ils soient, qu'ils se vautrent et qu'on ou, se ou au SS 117, où en fait, ils se croient winners. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, mais du coup, c'est un peu des losers, quand même, quoi. Comme Poulvord dans Les Portes de la Gloire, lui, il croit qu'il est au top. C'est juste que lui qui le croit, quoi. Mais ouais, elle est un loser. Puis, comme je disais, moi, je... Enfin, je sais pas, son... Ça... En fait, il écrivait beaucoup les dialogues, Michel Blanc, et je trouve qu'il a écrit des dialogues qui... Enfin, je trouve que c'est en avance presque sur son époque, certaines répliques. Enfin... Moi, je sais que c'est un truc vraiment très con, mais c'est pas très marrant à raconter. Mais quand dans Les Bronzés font du ski, quand il fait tomber les skis là, et t'as Junio qui est en train de les ramasser, ils sont en train de parler. Et Junio il lui dit tu m'aides pas là, il fait non, pas là, non. Mais je sais pas, c'est... Et en plus, ce que je trouve très fort, c'est que c'est des fois des répliques où tu les lis, ça sonne un peu blague, mais dans la bouche des acteurs, ça. Bah, le fameux. Soit ça sonne blague, soit ça sonne. Tu dis que c'est pas drôle, mais oui. Y a un côté. Non, mais tu vois, par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de te péter la gueule? La peur peut-être. Oui, la trouille, ça, ouais. Bah, en vrai de vrai, ça peut sonner blague, mais en fait, dans leur bouche, et dans le. Enfin, il y a une espèce d'alignement des planètes. Il y a le rythme aussi. C'est vrai, c'est vrai. En plus, il répond. C'est ça, ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ça doit être ça, allez, viens, on rentre. Oui, c'est ça. C'est ça la réplique. Et d'ailleurs, tu parlais du hurlement de Junio dans Les Bronzés font du ski. Moi, c'est le hurlement de Michel Blanc. D'ailleurs, on comprend rien. Non, juste, il fait. Attends, à quel moment? Quand il baise les Italiens, t'as Junio qui hurle. Bon, les mecs, et derrière, t'as Michel Blanc qui fait juste. Tu ne comprends rien de ce qu'il dit, c'est juste qu'il aboie, quoi. Ouais. Très beau hurlement quand il se jette du télésiège. Ah oui, avec un écho là. Mais les hurlements, la violence. Mais c'est qu'on retrouve un peu tout tes. Voilà, tout tes marottes en fait. Voilà. Et le poser de tranches de pain sur la tête quand dans la scène du chalet. Pareil, la tête toute rouge et la veine. La scène du chalet. De l'acting. La scène du chalet mérite pour moi les 200 rediffusions des Bronzés. Oui. À chaque fois, tu te concentres sur un autre. Il y a celui qui tombe direct aussi. Que j'adore. Je sais pas si c'est Chazelle, il y en a une qui tombe direct. Oui, je sais plus. Junio, c'est le. Comme ça. Enfin, bon, chaque fois, ils en ont un qui est. Ouais, Michel Blanc, la tartine qui se coche. J'avais oublié la tartine. Qu'est-ce que c'est drôle, putain. Et Michel, et puis tu vois là dans Marche à l'ombre, enfin il y a des trucs quand il dit j'ai mon entorse qui s'infecte. tu t'es fait une entorse toi, j'ai glissé en allant vomir. Il rajoute des couches de loose à chaque fois et c'est trop bien écrit, enfin je trouve ça, j'adore quoi. Non, c'est vraiment un très bon série. En fait, il a eu toute la période avec Lecomte où il a beaucoup écrit. Il avait fait le film aussi avec Jane Birkin. J'ai oublié le titre, bon sang. Mais il y avait un film. Il avait fait aussi Ma femme s'appelle Revient avec Anémone. Enfin, il y a beaucoup de films de cette époque qui sont pas forcément tous d'ailleurs des très grands films, mais qui ont toujours ce truc. Et pas tous des comédies. Par exemple, Ma femme s'appelle Revient, c'est plus une comédie romantique un peu smooth, pas forcément très drôle. Et avec Lecomte, il a fait Monsieur Hir aussi, qui est pas du tout drôle. Il est incroyable dedans. Ouais. Mais Patrice Lecomte, alors j'en place une petite parce que moi c'est un de mes réalisateurs français préférés. C'est un gars brillant qui a signé des films vraiment extraordinaires en France, donc c'est évidemment Les Bronzés font du ski, mais mine de rien fallait savoir réaliser les adaptations de Des Bronzés et Des Bronzés font du ski. Et je pense les gérer, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Chaba qui serrait qui recadrait les Robin des Bois. Je pense que ça doit être très dur quand t'as une troupe qui est déjà établie de parce que ça doit être des gens qui ont l'habitude de... Comment ? Qui en plus a écrit le film, c'est du coup. Ça. Ouais. Mais tu vois, qui ont l'habitude de toujours être ensemble et de déconner ensemble et d'arriver toi extérieur et gérer le truc, je pense que ça doit être très très compliqué, quoi. Il y a un très bon article de Jérôme Lachasse sur BFM TV en fait, où tous les étés il revient, il fait plusieurs articles sur l'histoire des comédies françaises. Et il en avait fait une sur Les Bronzés 3, je crois que c'était l'été dernier, qui était incroyable. Donc si jamais vous avez pas lu les articles là, il en a, enfin à chaque fois c'est ultra documenté, il va revoir, il va interviewer la plupart des personnes et tout, et c'est génial. Et celui sur Les Bronzés 3, justement, t'as un peu le rôle Oups, c'est le rôle de la compte, le compte, pardon, ouais. dessus et tout, et c'est vraiment top. Mais le compte, il fait beaucoup, ce qui est génial, en plus, c'est qu'il fait beaucoup, beaucoup d'interviews. Mmh. Et donc, en fait, c'est. Et il est assez fascinant. Moi, c'est vraiment quelqu'un dont je suis fan du travail quand j'ai découvert ce qu'il faisait. Parce que j'adore le fait qu'il fasse des comédies aussi efficaces et aussi des très beaux films. Moi, j'adore Tandem, par exemple, avec Jean ouais. Rochefort et Gérard Jugnot, qui est un film très touchant, très beau. Et Le mari de la coiffeuse aussi. Enfin, il y a beaucoup de films que j'adore chez ce gars. Et à côté des énormes comédies et quand il en parle c'est super intéressant, toute son histoire avec Jean Rochefort est fascinante parce que c'est son premier film, c'est Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Coluche et Jean Rochefort et ça se passe très très très mal avec Jean Rochefort. Ah ouais. Et ouais, Jean Rochefort il l'imite pendant l'interview et il dit, Jean Rochefort lui dit un matin, je suis consterné d'avoir accepté de faire ce film. Oh là, et donc il est horrible, il essaie de ouais. le faire virer, enfin ça se passe très très mal, c'est son premier film à Lecomte. Et en fait, bizarrement, les meilleurs films de, enfin, beaucoup des meilleurs films de Rochefort sont chez Patrice Lecomte. Et il y en a plein. Il y a Le mari de la coiffeuse. Il joue dans Ridicule. Il joue dans, je viens de tu le citer. Tandem. Voilà, c'est ça, Tandem. Les Grands Ducs. Les Grands Ducs aussi avec Marielle et Noiret. Enfin ouais. voilà, donc il y a beaucoup. Et Michel Blanc. Et Michel Blanc. Et mais je crois que Michel Blanc, ça s'est pas bien passé sur celui-là, je crois. Ah oui, ouais. Ça, je sais pas. Ouais, ouais, ouais, parce que justement, il est un peu annexe et c'est un peu son film le plus Jean-Marie Poiret, un peu, je trouve, Les Grands Ducs. Mais c'est vrai que Les Grands Ducs, à chaque fois, je crois que c'est Jean-Marie Poiret. Bah, parce que ça hurle beaucoup, le montage est très speed. Mais après, moi, j'aime beaucoup Les Grands Ducs. J'adore aussi, ouais. Mais bon, bref. Mais Michel Blanc a pas un rôle facile, effectivement. C'est ça, il leur court après pendant tout le truc. Il joue du Christian Clavier, un peu. Un petit peu. Et il y a aussi Circuler, y a rien à voir, que j'aime beaucoup. Et c'est celui-là avec Jane Birkin, j'ai retrouvé. Ah oui. Et Les Spécialistes, qui est une comédie ah oui. d'action de l'époque et dont Michel Blanc a retapé les dialogues. Il a fait les dialogues, ouais. ouais. Parce qu'il y a cette réplique que j'adore, c'est parce que au début, ces deux mecs, ils s'évadent au début, c'est ça, ils sont menottés. Ouais, après, ils doivent braquer un casino, je crois, je sais plus. Et en gros, il y en a un des deux qui est flic, mais tu sais pas lequel. En gros, etc. ils sont menottés au début et ils se font courser par des mecs et ils sont devant une falaise avec une rivière en bas. Et donc ils sont menottés et il y en a un qui veut sauter et l'autre qui dit non, moi je saute pas, ça va pas et tout. Et donc ils sont un peu pressés par le temps. Et il y en a un qui fait bon bah tu fais ce que tu veux, mais moi je saute. Et ça, c'est vraiment Michel Blanc totalement quoi. Et est-ce que vous aimez le film Grosse Fatigue, qui est un film très chelou de Michel Blanc sur une histoire qui était arrivée à Gérard Jugnot, c'est ce qu'il raconte, à savoir un sosie qui se faisait passer pour lui. Ah, c'était vraiment. C'est une histoire vraie. Ah, oui. C'est une histoire vraie qui est arrivée à Gérard Jugnot et bah, alors pas aussi dramatique oui, que dans. Ouais. Un petit peu. Voilà, il est parti. Et puis pour le coup, Jugnot, ça s'est bien arrangé. Mais c'était surtout un mec qui se faisait passer pour Gérard Jugnot parce qu'il lui ressemblait beaucoup et qui obtenait des faveurs de genre, il payait des trucs moins chers et tout en se faisant passer pour Gérard Jugnot, se faisait inviter au resto. Et donc, Grosse Fatigue, ça parle de ça. C'est Michel Blanc, son sosie, lui prend sa place. Alors lui, c'est beaucoup plus noir parce que je crois qu'il agresse sexuellement Balasco. Enfin, c'est assez vénère. Mais c'est un film qui, alors je l'ai pas revu depuis quelques temps, mais qui m'avait marqué de fou à l'époque. Et c'est marrant, je voulais le revoir il y a pas longtemps, mais je crois que je l'ai pas trouvé ou je sais pas quoi. Mais qui est coécrit par Bertrand Blier en plus, donc il y a toute la vague un peu chelou. Tu t'en souviens ? Non, bah il y a effectivement ce côté un peu méta ou qu'on retrouve justement dans les acteurs de Blier dont je parlais tout à l'heure. Ça va moins loin, c'est plus terre à terre, disons. Il y a Carole Bouquet aussi dedans, ouais. Mais oui, il y a moins de personnages en fait. Il y a Michel Blanc, il y a Noiret à la fin. Et il y a un peu la bande du Splendide, il y a juste pour une scène. Il y a une scène à cause de l'agression de Balasco. Oui, le renie. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il y a un peu le côté l'envers du décor. Au début, il me semble qu'il y a Gilles Jacob. Et puis il perd sa vie, en fait, c'est ça surtout. C'est il est pris pour le sosie de lui-même, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le film. Mais effectivement, c'est aussi un film où assez vite, on n'est plus trop dans la comédie. Enfin, non, c'est assez sombre. C'est un film que je trouve. Moi, j'ai pas vu tous les derniers films de Michel Blanc. Après, il a fait Embrasser qui vous voudrait. Oui, une suite aussi, d'ailleurs, je crois, il y a récemment. Oui, il n'y a pas longtemps. Mais en fait, on est déjà dans une bascule d'autre chose. Il n'est plus dans son personnage. Mais en tout cas, moi, le souvenir que j'ai de Grosse Fatigue, ça se regarde quand même bien. C'est intéressant. Enfin, il y a. Des très bons acteurs, c'est quand même pas mal quoi. Mais j'ai l'impression que Michel Blanc, il est quand même souvent cité comme un grand scénariste, et parce que c'est le cas. Moi, j'ai quand même deux autres membres du Splendide et dont j'aimerais parler. La première, c'est Josiane Balasco. Josiane Balasco, qui est aussi, ils ont quand même tous, c'est quand même tous plutôt des bons scénaristes. En tout cas, ils ont tous, alors c'est une des rares équipes où ils ont tous des grands succès après leur troupe quand même. Chacun a quand même fait un film, au moins un qui a surcartonné, que ce soit Les Visiteurs, Un un indien dans la ville, les choristes, enfin, et encore aujourd'hui en fait, c'est encore des gens qui ramènent énormément de monde au cinéma, les membres du Splendide. Et donc oui, Josiane Balasko, moi je suis un très grand fan de Gazon Maudit, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Vesper, ouais, non, c'est je un l'ai film. Pas revu depuis longtemps, mais j'avais un très bon souvenir, mais j'ai peur, je peux pas me porter garante. Non, mais c'est marrant parce que mais ça m'avait fait beaucoup rire. C'est très drôle et puis c'est très touchant aussi comme film. Et il y a Chabat. Bah oui, oui. Et non, mais c'est. Donc c'est bon. Donc c'est validé. Non, ça, non, vous avez rien à dire sur ce film. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et que je conseille en tout cas. On en parle d'ailleurs dans une vidéo sur le derrière. C'est l'une des premières comédies avec une lesbienne dans le rôle principal et qui a pas un rôle caricatural comme d'habitude. Enfin, souvent, elles ont pas de rôle en fait. Et c'est le personnage de Chabat qui est grotesque du début à la fin. Oui, un gros beauf. Avec Tiki Olgado, les deux sont atroces. C'est lui qui a un énorme beauf et il le fait très bien d'ailleurs. Et elle partage avec Michel Blanc, Balasko. Ouais, elle a pas peur de la noirceur. En fait, je me souviens moi surtout dans ce film. Donc à la fin, donc effectivement, Olgado et Chabat sont deux horribles misogynes, beaufs, et homophobes. Et à la fin, il y a une petite jeune qui vient et Tiki Olgado la drague comme un gros beauf et tout. Et en fait, c'est sa fille qu'il a jamais vue. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque d'avoir vraiment les poils dans le dos de oh la vache, c'est tellement horrible quoi. C'est et en même temps, c'est tellement le film quoi. Enfin, c'est tellement parler de la petitesse de ces mecs là, etc. Et c'est vraiment un super film. Et c'est avec Kian, pour ne pas le citer, où il y a la phase de Chabat qui nous fait beaucoup rire quand il y a de l'eau dans le gaz entre Balasko et Victoria April et que juste il regarde le décor, je crois que c'est les gorges de je sais plus quoi. Mm. Et c'est du Chabat pur jus excellent où il fait genre. C'est magnifique. c'est vraiment beau. Voilà, bon bref, et le fameux et je suis chez moi. C'est marrant, on avait parlé dans les échanges de texto d'un autre film complètement fou de Josiane Balasko qui s'appelle Ma vie est un enfer avec Daniel Auteuil qui joue Satan. Non mais il y a des films. Comédie fantastique. C'est ce que je disais dans le j'en ai un très bon souvenir, mais je l'ai vu il y a très très longtemps, donc je suis pas certain. Et un dernier dont j'aimerais parler. Je pense qu'on va refaire on fera un jour une deuxième partie de ce podcast. On a trop de choses à aborder et je veux pas couper ce qu'on se dit. On va pas du tout parler des Bakri Jaoui par exemple. On le gardera pour la prochaine fois. Non mais bien sûr. Tout de finesse, tout Francis Weber, tout ça. Enfin voilà, on a plein de choses à aborder. Je propose qu'on se retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas. Quand, mais dans de la mois. Filmo de Bernard Farcy aussi. Évidemment, mais finissons quand même sur le Splendide. Je vais quand même finir sur Taxi, je suis un peu déçu. Non. Finissons quand même sur Gérard Jugnot et on fera. Vous savez quoi, on reprendra dans le prochain par l'ermite, clavier, tout ça. Ça nous fera un bon à suivre. Parce que moi, Gérard Jugnot, c'est un réalisateur, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime énormément les films qu'il fait et je me les suis tous bouffés pendant le confinement, dites-vous. Je les ai enchaînés. Je parle de ces réalisations, je me suis rendu compte que j'en avais vu aucune. Et j'ai été subjugué par la qualité de ces films. Vous avez tous vu parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Qu'il a écrit et réalisé, une quinzaine, non Alors moi j'ai un doute sur ce c'était le confinement, c'était le confinement. Il y a eu une époque formidable. Alors ça en fait partie. Et c'est un de mes préférés. Toujours, Pino Simple Flic. Ouais, je vais vous les faire dans l'ordre. C'est Pino Simple Flic, Scoot Toujours, Sans Peur et Sans Reproche, Une Époque Formidable, Casque Bleu, Fallait Pas, Meilleur Espoir Féminin, Monsieur Batignolles, Boudu, Rose et Noir, C'est Beau la Vie quand on y pense. Ça c'est vraiment les derniers. Tu parlais de Une Époque Formidable. Moi c'est un de ceux que j'ai préféré. Je trouve qu'il y a un très beau film. Ah, c'est super. Est-ce que tu peux le résumer, David? C'est un mec qui perd son boulot et sa femme et qui devient clochard. C'est ça. Et qui en fait qui... quelqu'un chante. Je pense que c'est des canalisations. Oui. C'est des canalisations. Ou un chien. C'est effrayant. Et bref, enfin, donc il c'est une descente aux enfers d'un gars. C'est une descente aux enfers et c'était quelqu'un qui était un petit peu exécrable au début du film et qui forcément au contact de Richard Bourringer, au contact de Richard Bourringer et Tiki Olgado, et de Tiki Olgado et de l'école de la rue. au final, bien sûr. Va prendre une belle leçon de vie. Non, mais en plus, enfin, c'est toujours à la lisière de pouvoir être trop le. Enfin, on dit souvent, c'est pas avec des bons sentiments qu'on fait des bons films ou des bons livres ou quoi. Et on est un peu à la lisière de ça, mais en même temps, c'est très drôle. Et il y a un truc qui est. Enfin, pour le coup, je trouve tout est assez réussi. C'est ça que j'adore. Je trouve c'est assez difficile d'être drôle et tendre. À chaque fois, l'un bouffe. étouffe un peu l'autre. Et ce que j'adore dans le cinéma de Gérard Jugnot, et sur la fin, je pense qu'il a été plus tendre, effectivement, avec Monsieur Batignolles, c'est pas du tout une comédie, par exemple, mais il était plus dans ces choses-là, même Les Choristes qu'il n'a pas réalisé, mais bon, qui fait partie un peu de ces films où il jouait le gentil français, disons, pour caricaturer. Moi, ce que j'adore dans ces réalisations des années 90, c'est que c'est assez vénère et noir, ouais, quand même, et qu'il y a toujours une petite couche de tendresse pour que ça passe mieux. Mais qu'en même temps, c'est, ça va un peu droit au but, quoi. Je pense à, par exemple, je pense à Casque Bleu. Casque Bleu, c'est une histoire assez folle. C'est des touristes qui vont dans un, je sais plus quel pays, mais qui est en fait en guerre, et donc ils se retrouvent enfermés alors qu'il y a une guerre autour, et donc c'est leur petit problème de touristes de merde, alors qu'il y a une vraie guerre autour d'eux, ouais, qui implique des vraies choses. Et le film tourne jamais la tête sur ces trucs là il y a vraiment des morts et des choses et machin, et eux sont avec leurs petits problèmes de riches blancs, et c'est assez, très moderne, je trouve, comme film. Après, c'est pas si vieux, hein, c'est 94, mais ça a quand même bientôt 30 ans. Et voilà, c'est des films que j'aime beaucoup. Et Fallait Pas, c'est un film sur la secte, alors qui est beaucoup plus comique, beaucoup plus... J'ai pas vu celui-là. Ah, c'est avec Martin Lamotte et Jean-Yann. Ouais, Martin Lamotte et Jean-Yann, oui, qui jouent un binôme, et Michel Larocque qui joue la meuf de Jugnot. Et bon, alors là, pour le coup, c'est plus poète, mais moi j'aime beaucoup ce film parce qu'il y a Jean-Yann, et que quand il y a Jean-Yann, je suis toujours très content. Mais voilà, c'est un film que j'aime énormément aussi. C'est quand Martin Lamotte qui dit je la baiserai mal, mais je la baiserai bien. Oui, exactement. Et voilà. Comment mieux vous le vendre? J'ai un souvenir un peu lointain de Pino Simple Flic, mais il me semble que c'était assez bien aussi. Alors, c'est pas très drôle non plus. C'est pas hyper. Hyper doux à merde, disons. Et ça, ouais, pour le coup. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur la police dans la comédie française, parce qu'il y a tout un truc, ou que ça soit les Ripoux, ou Inspecteur la bavure. La bavure. Enfin, il y a ouais. Ce titre, hein, déjà même. En vrai. Vraiment. Mais bon, voilà. Bon, je finis sur ces quelques films que je voulais citer. Écoutez, ça fait 3h20 qu'on parle. Donc à un moment, je pense. Je vais juste dire, une époque formidable m'a valu le surnom de Toubib pendant mon année de quatrième, je crois. C'est-à-dire qu'il était passé à la télé. Et tout le monde l'appelle Jugnot Toubib parce que c'est un ancien médecin, je crois que c'est ça dans le... c'est dans le film, hein. Non, parce que c'est pas un médecin, ils vendent des matelas. Parce qu'à la fin... En tout cas, Boringer, il l'appelle Toubib. Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Toubib, je sais plus vraiment. Bref. Putain, Richard. C'était une imitation. Il avait déjà une petite moustache en quatrième. Mais même pas, non, mais je ne sais pas pourquoi. Mais donc, il était passé à la télé, et le lendemain, il y a un mec qui m'a appelé Toubib. Je sais pas pourquoi, un mec de ma classe. Et on m'appelait Toubib pendant un an, voilà. Quel plaisir le collège. Voilà. C'était juste mon, comme ça qu'on m'appelait. C'était pas du tout de la moquerie, quoi. C'est juste Toubib, c'était moi. Mais une époque formidable, en plus, se passe dans les rues de Paris en 91. Et moi, j'adore quand c'est un peu vieux, mais pas trop. Enfin, tu vois, quand tu reconnais très bien les rues, mais quand même, il y a des pubs pour des vieilles marques et tout. Enfin, voilà, ça fait un petit effet que j'aime beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. On a beaucoup parlé. On a parlé de plein de choses. Je pense que les auditeurs ont plein une besace remplie de recos. Si vous êtes chaud, on se retrouve à l'occasion dans quelques temps pour parler, parce qu'effectivement on n'a pas parlé de Francis Weber. Moi, je voulais parler des grands spectacles, puisqu'il y a tout, il y a chèvre, bien sûr. Bien joué, putain. Alors, bien joué, c'est Boringer qui est Toubib. C'est lui Toubib. Et oui, donc Francis Weber, parce que l'impact, on parlait des grands scénaristes. Alors là, Francis Weber, c'est fou, parce que outre ses films à lui, il a bossé sur Le Magnifique, sur La Cage aux Folles, sur une quantité de films extraordinaires. Carrière américaine. Un épisode entier sur Weber, en fait. Mais ouais, et en plus, il a un bouquin que je vous conseille qui est vachement bien. Alors, il est un petit peu énervé, hein. Yves Robert et compagnie en prennent plein la gueule, mais vachement intéressant, beaucoup d'anecdotes très intéressantes. Donc oui, on aurait pu parler des grands spectacles, de Taxi, La Chèvre, La Septième Compagnie, Un Indien dans la Ville, L'As des As, tous les Poiré Clavier, les De Broca, Belmondo, évidemment De Funès, Gérard Houry, Jaoui Bakri, Toledano Nakache même, Étienne Chatillez, on en a parlé très vite fait. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Donc on se fera un autre épisode à l'occasion. Mais merci beaucoup d'y avoir participé. Pour refaire un dernier tour de table, Vesper, où est-ce qu'on peut te trouver sur tes réseaux sociaux? Oui, ce sera plus simple. Voilà. Sur mon Twitter, @wonder_Vesper, que tu avais noté, où j'ai été noyé de notifications hier sur tous les réseaux. Mais c'était super. Ça nous a valu d'être liké par Pierre Richard. Je sais pas si c'est un compte. Et par Toledano Nakash. Ah oui, j'ai vu aussi. J'ai vu ça passer. Ouais, j'ai vu. Bon, voilà, c'est bon. Ma journée est refaite. Ça valait le coup. Du coup, ils vont écouter et on. On a parlé ni l'un ni l'autre. Putain, 3h24 et même pas nous, putain. Ouais, mais après, pour se dire 3h24, on n'a pas parlé de Coluche. Enfin, oui, à peine parlé de Luette Funès, donc ça va. On a cité Coluche quand même. Oui, on a cité. Hugo David, donc la chaîne Calmos. Alors, vous ne faites plus que. Enfin, il y a eu beaucoup d'épisodes de rigolo, mais vous avez inauguré un nouveau format il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler vite fait? Oui, alors on s'aventure hors de la comédie française. On a fait une vidéo sur DiCaprio, avec une petite théorie sur DiCaprio et sur la cohérence de sa filmographie. Voilà, on ne sait pas encore ce que sera le nouveau format, si ça va être des portraits d'acteurs ou des petites théories sur le cinéma. Et puis on va revenir avec un nouvel épisode de Rigolo là, qu'on est en train de commencer à sublime. Écrire. Sublime, sur Méniel en plus. Et puis sinon on est aussi en podcast, t'en as parlé au début, le syndrome de Chambord là, qui pareil est en pause depuis quasiment un an. Le principe c'est qu'on se retrouve à deux avec à bouffer, on écrit un film en impro étape par étape, on peut suivre au fil des épisodes le film qui prend forme. On s'est arrêté il y a un an, donc il faudrait reprendre l'écriture. Et vous allez bientôt taper le million de vues, je vois ça, sur la C de la peur. 994, pas mal. Chacun de votre côté, on peut vous retrouver où? Parce que toi, c'est vrai que je le disais vite fait en blague, David, t'as écrit livres, Movieland. Alors moi, on peut retrouver mes deux livres Movieland, Movieland et Retour à Movieland, et aussi le jeu de société, Movieland. Tout à fait. Incroyable. T'es George Lucas, t'as plein de choses Movieland. Bientôt le parc d'attractions. Et puis voilà. Ouais. Sinon... Et Hugo, toi Ah, moi, j'ai rien à promouvoir. Les ciné-quiz quand même. Ah oui, j'anime des ciné-quiz. Voilà. Ils sont toujours complets. Ouais. De qualité. Mais venez, allez sur la page du Hasard Ludique, si vous êtes à Paris. Bah, carrément. Qui est un bar du 19e arrondissement dans lequel j'organise des quiz avec mon camarade Adrien. Bah, trop cool. Le Goat. Adrien le Goat. Voilà. Mais tous les Adriens sont des Goats. Tous les Adriens sont des Goats. Et Adrien, d'ailleurs, Derby Girl, toujours. Derby Girl saison 2. Visitors. Visitors qui sort le 10 mai. Donc bientôt, là. Fin de semaine pro. Et voilà. Et puis MST, le sketch show de Yvick, qui arrive lourd. On écrit, on a fini d'écrire les deux épisodes suivants et ils vont. Je sais que le 3 sort en juin, donc sans doute courant mai le deuxième. Trop bien. Voilà, on va pas tourner encore. Donc. Super. Bon bah écoutez, merci beaucoup tout le monde. Merci. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.